since our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your heart have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 25, si je ne me trompe pas, oui 25, mais voilà, j'ai dû vérifier. Donc enregistré le 26 septembre de 2017, on va parler des actualités du 20 août au 26 septembre, donc le jour d'enregistrement. J'ai avec moi, j'ai oublié de me présenter, Axel, l'hôte comme d'habitude, et j'ai avec moi trois de mes invités habituels maintenant, si vous écoutez depuis longtemps, vous commencez à les connaître. Donc je vais commencer avec Eddy, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. Très bien. ensuite il y a Adrien, salut. Salut. Ça va? Ça va très très bien. Ouais, nickel. Et Morgane, finalement, pour finir. Salut. Bah oui, comme au collège, on me choisit en dernier. ouais, ça va bien. Enfin, non, tu m'as pas demandé la question. Oui, tu m'as demandé la question, mais oui, mais bonjour c'est... et je vais très bien. Voilà, ouais. Voilà, je suis perdu. Toute personne même. Mais parfait, voilà. Parfait. Non, mais je l'ai fait par ordre d'image Skype. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc voilà, on a pas mal d'actualités. Enfin, il y a énormément d'actualités là qui sont. On va parler ce mois-ci. Donc je pense qu'on va directement commencer. Tout de suite le programme puisque ça va être assez chargé et aussi on va vous prévenir tout de suite, Morgane va devoir partir en milieu d'émission puisqu'il a un rendez-vous, donc voilà, comme ça vous êtes prévenus. Et comme on se dit tout, j'ai rendez-vous chez le kiné, je vais me faire papouiller. Voilà, comme voilà. Ça vous savez tout. donc on va commencer avec quelqu'un qui aurait besoin d'un kiné, justement, donc Jabba the Hutt va recevoir un spin-off de la part de la saga Star Wars, va accueillir un nouveau spin-off sur le personnage de Jabba the Hutt. Voilà, ça a été confirmé. Il n'y a pas encore vraiment de détails sur le sujet. Guillermo del Toro avait partagé son intérêt pour le personnage, mais a précisé qu'il s'agissait seulement d'un simple fantasme de geek. Mais j'imagine que ça va pas. Enfin, franchement, j'imagine pas Guillermo del Toro travailler bien avec Disney ou bien s'accorder avec les gens de Star Wars, donc voilà, on n'en sait pas grand chose et voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Eddy pour me dire qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça t'intéresse? ça m'intéresse pas des masses, après ouais. Je pense que je le verrai quand même, mais Jabba quoi, enfin Jabba est déjà pas très intéressant dans la trilogie, donc ouais. Voilà quoi. C'est... Oui, Adrien. Il l'aurait fait en Star Wars Rebels encore, je dis pas, mais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est limite non, un épisode de Star Wars Rebels, ça. C'est un peu pas, ça. Ouais. C'est pas un film. Ouais. ouais, Adrien. Non, mais écoute, c'est épuisant. Enfin, je vais pas redire à chaque émission oui, bah. Tout le mal que je pense de ce que Disney est en train de faire de Star Wars. Mais là, enfin, s'il faut prouver qu'ils savent plus quoi faire, enfin. C'était pourquoi le projet à sortir en fin de quand il n'y a plus d'idées quoi. Mais oui voilà c'est ça. Je veux dire Han Solo c'est déjà un bazar monstre en production qui vont même pas réfléchir à comment se passe le projet et qui vont déjà aller s'empêtrer avec l'histoire d'un personnage dont franchement il est iconique parce qu'il apparaît dans le 6 et parce qu'il y a l'image iconique avec Leia en bikini et ce genre de choses. Enfin je veux dire c'est pas un personnage qui mérite une backstory. Enfin, pas du ouais, tout. Clairement pas. Non je sais pas comment dire et puis non, c'est épuisant. Pourquoi ils nous racontent pas de nouvelles histoires? On veut tous de nouvelles histoires. On veut tous qu'ils nous racontent d'autres choses sur peut-être sur l'événement de l'entour des Jedi, quelque chose qui serait avant tout ce qu'on sait, peut-être oui. Sur truc qui pourrait faire un lien. Des sites sur peut-être sur ce qu'il y a entre Star Wars 6 et Star. Il y a quand même 25 ans il me semble même plus qui se sont passés entre Star Wars 6 et Star Wars 7. C'est vrai qu'un Star Wars peut-être plus axé pourrait sur les piocher sites, là-dedans. Ça pourrait être intéressant, je sais pas. Ouais. Mais non, là, ils vont nous faire un truc sur Jabba le Hutt. On dit, franchement, quand j'ai vu la news, j'ai vu que c'était parodique. Hein. Ouais, non, mais... J'ai vraiment cru non, que c'était, je sais pas, le Gorafi ou je sais pas quoi. Mais non, vraiment, non, au secours. J'irai le voir parce que c'est Star Wars. Encore que c'est pas dit que je boycotte pas, ça dépend comment sera le 8. Mais j'irai voir parce que c'est Star Wars. Mais très franchement, faites un effort, quoi. Essayez d'avoir des bonnes idées, engagez un communicant, je sais pas, mais faites quelque chose, quoi. Ça va plus. Ouais. Clairement. Morgane ? Ah, oh, je m'en fous. Ouais, clairement. Ah, mais d'une force. Ah, ouais. Putain, okay. Non, mais. Oh, ouais, non, je m'en fous, voilà. Ouais. Non, tout simplement. Ouais, bah, je crois qu'on est tous du même avis. Hein. En même temps, je sais pas comment on peut se réjouir d'une nouvelle pareille. Non, franchement, c'est assez désolant. on s'en fiche clairement de ce qui se passe. C'est une histoire pour un roman Star Wars. Voilà, comme tu as dit, un épisode de Rebels, mais c'est pas pour un vrai film qui va sortir au cinéma. C'est clairement pas ce qui nous intéresse. Quand Disney a acheté Star Wars, il y en a beaucoup qui... Enfin, moi, j'étais à défendre parce que je disais, bon, George Lucas, il va plus pouvoir toucher, retoucher 3000 fois sa saga et ils vont faire des nouvelles choses. Là, il commence à me faire mentir. c'est bien... Et en même temps, je l'avais un peu en tête puisque, bon, Disney n'avait pas non plus... voilà, on ne pouvait pas non plus avoir des expériences... être très je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, attendre grand chose, voilà, mais moi j'étais quand même assez content de savoir que George Lucas allait plus toucher à cette saga et qu'ils allaient y avoir de nouvelles personnes avec des nouvelles idées dessus, et là justement ils me font mentir, voilà, donc moi je trouve ça désolant. C'est incroyable parce que moi j'étais comme toi, j'étais un partant avec George Lucas qui part, qui laisse du son œuvre derrière, c'est super. Et puis là finalement je fais partie de ceux qui ont signé la pétition pour qu'il réalise le dernier épisode. On voit bien qu'il y a un problème, ça va tellement mal qu'on veut juste le voir revenir alors qu'on sait très bien que le mec il est capable de faire l'attaque des clones. Il y a quand même un problème. oui, clairement. Et puis bon, voilà quoi. Le passé de Jabba, c'est vraiment pas intéressant. On va le voir en larve, ça va être super, ça va être génial visuellement, ça va être une super idée quoi. C'est mille et une pattes. Ouais, c'est clairement ça quoi. A Bug's Life. C'est vraiment. C'est un spin-off du personnage caca dans Smiley, dans le film Smiley Movie, là, Emoji Movie. Ouais, c'est ça, clairement. voilà, donc voilà, pas des nouvelles très réjouissantes. On va passer à la suite avec un autre truc qui est pas non plus. Enfin bon, on verra. Un film sur les origines du Joker en développement chez DC. Donc ce serait le réalisateur Todd Phillips qui était derrière la saga Very Bad Trips et récent War Dogs qui sera à la réalisation de celui-ci avec un Martin Scorsese qui pourrait produire le film. Alors là, on n'est pas vraiment sûr de ça, c'est qu'une rumeur, hein. je vais pas non plus, enfin on va pas dire que c'est fait parce que c'est qu'une rumeur, voilà, et c'est même pas sûr que Jared Leto reprenne son rôle, et en même temps j'ai envie de dire heureusement, c'est même sûr que non, tant ouais, ouais, mieux, voilà, tant c'est, mieux, c'est même sûr que non, donc c'est le meilleur choix qu'il aurait fait de sa carrière, Jared Leto. Ouais, on commence pas. Donc voilà, Je vais peut-être laisser la parole à Adrien pour me donner son avis sur cette série. Oh mais écoute, oui, moi maintenant DC, j'attends que ça vienne, c'est-à-dire qu'en fait on a pas mal de projets qui sont en cours, il y en a quelques-uns qui sont en train de capoter, je pense notamment au projet The Flash, si, je pense qu'ils auront beaucoup de chance si ce projet arrive à venir à jour, ouais, avec toutes les galères qu'il y a entre les départs de réalisateurs et ce genre de choses. À côté, il y a des films qui fonctionnent très bien comme Aquaman qui est en post-production, et enfin tout va bien. Donc moi maintenant DC, j'attends de voir un film, le principe d'un film c'est les origines du Joker, ça me paraît pas aberrant parce que non, Tim Burton avait fait quelque chose là-dessus dans son premier film avec Jack Nicholson et je trouve que ça fonctionnait très bien. Ça me paraît pas du tout aberrant de raconter les origines du Joker, le seul problème c'est qu'il faut que ce soit bien fait. Et là-dessus, Todd Phillips n'a pas l'air d'être le meilleur choix. C'est un bon réalisateur, mais de là à lui donner les rênes d'un gros blockbuster d'action ou thriller. Alors j'ai ça pas vu War Dogs. J'ai pas vu War Dogs, mais j'ai vu Very Bad Trip et tout ça. J'aime bien ça, ouais, mais je vois pas le rapport avec le Joker quoi. Après, pourquoi pas? Sur le fait qu'il reprenne pas Jared Leto, je suis à la fois déçu parce que moi je suis parti des rares. Mais en même temps, Patty Jenkins, elle a bien fait Wonder Woman alors que c'était pas du tout son truc. Tout à fait, c'est pour ça que je veux pas fermer du tout la porte. Mais moi, après, le fait de pas reprendre Jared Leto, faut voir parce que d'un côté, j'aime beaucoup, moi, contrairement à vous, le Joker de Jared, je trouve que c'était très intéressant, bien que ce soit très peu développé en fait. Je trouve que l'idée était intéressante et je trouvais ça très iconoclaste. Donc l'idée de ne plus l'avoir dans ce film-là me déplaît un peu, mais d'un autre côté, ça va dans leur logique de faire comme dans les comics, un arc et à côté des histoires en origin story ou des histoires solo qui n'ont pas de rapport avec l'arc. Ouais, bien sûr. Ils reproduisent le schéma des comics qui existe depuis maintenant au moins un siècle, presque bientôt, un siècle. Bientôt, ouais. Donc moi ça, on dit que c'est un bazar et tout ça, moi l'idée ne me pose pas de problème parce que ça permet de revenir à un petit peu des histoires solo comme Wonder Woman qui fonctionne très bien. Le projet ne me pose pas de problème, moi je dis que j'attends de voir, il n'y a pas assez je trouve sur le projet pour dire du bien ou du mal, pour moi c'est qu'un projet lancé, il n'y a pas rien de scandaleux je trouve. Eddie ? Moi, en fait, je suis un peu du même avis qu'Adrien. Après, je n'ai pas vu War Dogs, donc du coup, je ne peux pas trop en dire. Mais c'est vrai que DC, on les sent plus à l'aise, finalement, sur les films solo, les origin story. Parce que Man of Steel, même si bon, c'est pas, il n'est pas parfait, le film, il remplit son contrat. Au niveau du personnage, on en apprend suffisamment. Enfin, ça, c'est un. Oui, c'est sûr. C'est une vraie origin story. Superman, sur l'histoire de Batman, ça fonctionnait bien. Hein, sur le... Ouais, mais bon, c'était beaucoup plus brouillon quand même. Du moins dans la version ciné, bien sûr. Ça, c'est le gros problème avec DC, c'est que les versions ciné, si t'y connais rien, t'es un peu paumé. Enfin, sauf Wonder Woman. Ouais. Mais du coup, j'attends de voir quoi. Mais c'est vrai qu'un film sur le Joker, ce serait super cool parce que c'est un vrai méchant et c'est un personnage qu'on connaît tous bien finalement. Mais surtout, on le connaît bien dès lors qu'il est le méchant d'un. C'est ça, on connaît en tant que méchant, on ne connaît pas en tant que personnage principal. Ouais, voilà. Donc, ce sera. Ça peut être intéressant, oui. Morgane ? Bah écoute, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Je suis pas fermé à l'idée encore plus. En sachant que Jared Leto n'est plus de la partie, enfin, je trouve que les yaourts Joker dans mon frigo ont plus de charisme que Jared Leto en Joker lui-même. Donc bon, il y avait un problème. Joker, donc, c'est du jus fruit, non? Non, il y a aussi des yaourts Joker. Yaourt, ouais. Ah d'accord. Non mais de toute façon la blague était pourrie, il fallait pas relever. Mais non, mais... Mais non, mais en fait je fais un placement trop de... Ah non, c'est Joker. C'est pas Joker, effectivement. D'accord, bon bah la blague tombe à l'eau, voilà. Bon bah, bon, effectivement. Exactement, tombe dans le jus de fruits, tombe à l'eau, tombe dans le bouillon. Bref, non, le changement d'acteur après reste à voir qui ils vont prendre en tant qu'acteur. Honnêtement, je n'ai aucune idée de qui pourrait jouer le Joker. Voilà, j'ai beau me poser la question. Oh bah vas-y, dis des noms. Moi j'ai toujours pensé à Jake Gyllenhaal dans le rôle. Adrien. Oh non, depuis Okja, je veux plus. Jake Gyllenhaal, c'est fini. Oh. Mais non, mais en fait, moi le souci que j'ai, c'est censé se passer dans le même univers. Et ça va pas être. Non, justement, non. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça ferait partie des histoires séparées de l'univers. T'es sûr que c'est. Oui, d'accord. Ok, bon, alors c'est. Oui, alors moi le problème que j'avais en fait c'était comment ils vont trouver un acteur qui va transitionner vers Jared Leto, quoi. C'est ça en fait le souci. Bah, ils l'ont fait dans Les Visiteurs en fait, avec Robin. Apparemment, moi c'est ma théorie, c'est que Flashpoint va permettre de créer un nouvel univers. Ouais, à côté, voilà, en c'est fait. Ça, ouais, mais je trouve que c'est un peu tôt pour créer des univers parallèles là. Ils ont même mais attends, mais le film Flash il est pas fait, je te rassure. Mais déjà qu'ils mettent bien en place leur univers principal avant de partir sur d'autres, parce que déjà c'est laborieux alors. Non mais attends, Flashpoint c'est pas, ça arrive pas tout de suite, t'en fais pas. Oui, oui, bien sûr. Mais... Et puis celui-là non plus, hein, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien donc voilà. Oui, c'est vraiment. C'est une idée. Enfin, et même. Juste la rumeur que Martin Scorsese puisse produire le film, c'est quand même quelque chose qui pourrait m'intéresser moi personnellement. Ah oui, c'est rien que ça, faire, c'est plausible, hein, moi je trouve. Hein, ouais, ouais, clairement. Après, non, en termes d'acteur, ils vont à la facilité, ils vont prendre Johnny Depp. Oh, moi je suis chaud. Je vois plus son homme mystère, mais je suis chaud. Ouais. Non, Johnny Depp, si, je pense pas parce qu'il est déjà. Techniquement, il est déjà chez Universal pour les suites de la momie. Non, il est dans le Dark Universe. Non, mais oui, il bosse aussi dans les animaux. Mais voilà, il est dans les animaux fantastiques. Il bosse beaucoup en ce moment. Donc, ouais. Ils peuvent pas le foutre partout. Ouais, plus, Johnny Depp. Hein. Ouais, non, bon, après, non, j'ai aucune idée. Woody Harrelson, peut-être. Ouais, je sais pas. Facile, trop facile pour moi. Non, moi, je pense qu'il faudrait prendre un acteur plus jeune déjà, puisque c'est les origines. Ou moins connu, tu vois. Voilà, c'est ça. Ansel Elgort. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Taï Sheridan. Taï Sheridan. Ah oui, hey, il irait bien. Il a bien la bourrée. Je rigole ou quoi avec cette tête d'enfant. Mais il a le sourire adapté déjà. Exactement. Ouais. Non mais Adrien, cesse. Alors. non, Taï Sheridan, pourquoi pas. Ils peuvent pas prendre Tom Holland, ça ferait bizarre. Donc bah, ouais, écoutez, Taï, c'est un bon. Ils peuvent pas mettre non plus Asa Butterfield. Non, bah, ce sera un Joker, mais bah, ou alors, vraiment... si c'est effectivement séparé avec le Flashpoint, ce sera la femme de. La mère de Bruce Wayne. Martha. Ouais. Ce sera un Joker féminin, ce qui est possible. Si effectivement ça, c'est suite au Flashpoint, dans l'univers parallèle, la mère de Bruce Wayne est une des possibilités. Une Jokin. Ouais. Non, je te jure que c'est vrai. Non, c'est vrai, mais bon. On aura un Harlequin et puis une joke. Tu rigoles, mais oui, à peu près. Mais bon, je pense que ce sera un peu aller trop loin pour le public qui n'est pas habitué à tout non, ça. Non, c'est clair. Et qui ils vont tout déstabiliser s'ils choisissent. Enfin, s'ils font ce choix, je pense qu'ils vont se tenir au strict. Déjà, minimum, univers parallèle, ouais. Les gens ne vont pas capter. Hein. Ils vont prendre ça pour des suites. Donc, Oui, ouais. Mais ça, pour moi, c'est bien installé dans les comics, donc ce serait pas mal qu'on essaie de proposer de nouvelles choses. Oui, bien sûr. Le spectateur est un petit peu. Enfin, moi, non. Je pense. Ah, j'allais dire une méchanceté, mais non. Le spectateur qui donne autant d'argent à Spider-Man Homecoming. Spectateur, spectateur lambda va pas se poser la question de. Mais je comprends pas, ça a rien à voir avec Batman vs Superman. Non, ouais, c'est non. Clair, ils s'en foutent, ils veulent juste voir un. Bah oui. Un film de Superman. Moi, je pense que les univers l'univers parallèle. Les mêmes qui se disaient que ça avait rien à voir avec les films avec le Joker, enfin tu sais, les films de Nolan, quoi. Oui, ah oui, ils sont allés voir BVS. Ah, il y a un problème, c'est pas le même Batman, il a grossi. Il est où Michael Keaton? Moi, on me l'a dit ça. Hein. On me l'a dit. Hein. George Clooney, ouais. George mais je comprends pas pourquoi ils ont changé d'acteur pour le Batman. C'est pas la même franchise. Attends, déjà qu'il n'y avait pas George Clooney dans The Dark Knight, c'était déjà assez scandaleux. C'est parce que c'est très mal expliqué. C'est parce que c'est très mal expliqué au public lambda qui va juste voir le film parce qu'il y a marqué Batman. Ouais. Puis en plus, au départ, c'était assez ambigu parce que Man of Steel, il a été produit par Christopher Nolan. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu te disais, d'accord, donc ça y est, ils sont en train d'amener Superman dans l'univers du Dark Knight et tout. Et en fait, pas du tout. Non, mais c'est... C'est un bordel. On va voir. Donc du coup, à expliquer au public lambda, ça va être compliqué. Et moi, je pense que les seuls qui pourront le faire de manière assez d'une bonne manière, c'est Marvel, puisqu'ils ont déjà tout ça derrière, et après Infinity War ils pourront peut-être exploiter les univers parallèles. Là il y a eu du film derrière, donc ils peuvent plonger faudrait oser la création pour ça. Je suis désolé, mais non, j'imagine pas. Voilà, on va parler justement de Spider-Man Homecoming. si Bryan Singer il y arrive pas, petite parenthèse, on parlait d'acteurs. Ok, il est peut-être un peu vieux, il a 53 ans, mais il a bien la gueule du Joker, c'est Nicolas Cage. Ça peut être un putain de comeback. Ça peut être là, franchement, je signe direct. Mais c'est vrai. Hein. Bah, il avait déjà fait Big Daddy dans Kick-Ass, qui était un Batman, donc là, Batman Joker, ce serait rigolo. Il a fait Ghost Rider aussi. Il peut faire. Oui, ça va être n'importe quoi. Une erreur de... J'allais pas dire de jeunesse, parce que... une erreur de parcours, le problème, c'est qu'il y en a eu beaucoup chez Nicolas Cage. Il y a beaucoup de... Dis pas mal de Nicolas Cage. Non, mais il est... Moi, j'adore Nicolas Cage, mais bon, faut quand même avouer que là, le dernier truc qu'il a fait, c'était pas... Hein, le dernier des Templiers. Mon Dieu. Oui. En ce moment, il fait que des films directs ou DVD, j'ai l'impression, donc... Au final, le truc le moins bon de chez Nicolas Cage, c'est sa cousine. Oh là là, je sens la blague de merde venir. Bah c'est Sofia Coppola, sa cousine. Oui, ah bon, c'est le truc. Bah oui, c'est le truc le moins bon. C'était même pas une blague du coup. Non. Bah non, c'était pas une blague. Je suis très premier degré. Le seul truc de raté chez lui, c'est sa famille. On va passer à autre chose parce que ça devient de moins en moins intéressant. On fera une émission spéciale Nicolas Cage un jour, mais pas aujourd'hui. Ouais. Donc une spéciale Sofia Coppola avec Morgan aussi. C'est ça. Donc on va passer à Spider-Man Homecoming. Le réalisateur, qui est John Watts. Reviendra à la mise en scène pour le deuxième. What? Mise en scène, franchement, calme-toi. Oui, voilà, ça commence. Il tire la caméra. Je ne supporte pas quand on s'attaque à un réalisateur. Je ne supporte pas ça. Il tire la caméra. Et les deux, ça dépend de qui. Donc, les deux scénaristes, Chris McKenna et Eric Sommers, qui avaient scénarisé le premier, du coup, reviennent pour scénariser ce deuxième Spider-Man. Donc, déjà, je pense que vous connaissez la réponse d'Adrien et de moi-même sur la possibilité d'une suite de Spider-Man. Attends, tu pourrais être surpris. Hein. Je vais laisser la parole à Morgane d'abord. Bah pourquoi pas, moi j'ai beaucoup aimé le premier, je vois pas ce qu'il a l'autre pisse froid là. Moi j'aime bien les films. Moi aussi j'aime les films. Non mais j'ai beaucoup aimé le premier et puis après bon, je demande qu'à voir par la suite ce qu'ils vont en faire. Moi j'ai, sans que ce soit, sans que ça a été la séance de ma vie, j'ai pris du plaisir avec, voilà, il y a des qualités, il y a des défauts, évidemment, hein, c'est comme dans tout Marvel, je sais ce que je vais voir quand je vais voir un Marvel, et effectivement, je m'étais pas mis trop d'attente, je vais juste en reparler vite fait, je m'étais pas fait une montagne, j'avais pas fantasmé sur le truc, je savais ce que j'allais voir, et donc, voilà, le 2, je sais ce que je vais aller voir aussi, comme le premier, quoi, donc, qui continue le truc, qui trouve peut-être, qui travaille un peu mieux le méchant, voilà, oh oui. Et puis ce sera très bien. Ouais. Eddie ? Moi j'ai bien aimé le premier, après pareil, sans que ça soit extraordinaire, mais j'attends plus du coup un Spider-Man, mais avec les autres quoi, dans ouais, un film choral quoi, ouais, plus. Après, ouais voilà c'est ça, ou comme il y a eu dans Civil War, mais du coup après un film vraiment sur Spider-Man, une suite, bon bah s'il y en a une oui, mais c'est pas non plus, c'est pas nécessaire, faut pas que ça soit une de leurs priorités quoi. Ouais. Adrien. Bon bah je pense que de toute façon comme t'as dit Axel, moi il va pas y avoir de surprise, hein. C'est-à-dire que bon pour moi engager ces mecs-là, c'est la preuve que déjà ils veulent pas faire un film. Ils veulent nous refaire un espèce de spot de pub à la con qui va durer 2 heures sans aucun enjeu dramatique et avec des blagues pourries. Moi je veux bien qu'on dise qu'on est habitué que c'est Marvel machin truc, mais Marvel ils sont capables de faire des films comme Doctor Strange ou même Guardian Civil War ou les Gardiens de la Galaxie 2 qui sont des films qui tiennent. Dans l'occurrence, ça se tenait pas. Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas réalisé, c'est pas mis en scène, c'est pas dirigé, c'est pas écrit. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Enfin, moi, Spider-Man, je pense que je vais y aller parce que c'est Spider-Man, mais c'est insoutenable. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est des choix qui sont pas des choix créatifs, qui sont vraiment des choix de marketing. Comme celui-ci a marché, bah, l'autre il va marcher aussi. Comme bien souvent, hein. Et aujourd'hui, oui, bien sûr, mais sauf que des fois tu peux choisir de prendre des réalisateurs un peu talentueux, et en l'occurrence c'est pas le cas, clairement c'est pas la priorité de Marvel de s'entourer de créateurs. Ils veulent des mecs qui leur disent oui à tout, bah, très bien, bah, on aura Spider-Man Homecoming 2, et moi bah, j'irai même pas lucher sur les Sam Raimi et même les Mark Webb, et ce sera très bien. Voilà, parfait. Non, mais voilà. Ouais, non, mais bien sûr. C'est joliment dit, hein, en même temps. Hein. C'est joliment dit. D'ailleurs... En même temps, si t'arrives à avoir un orgasme en te paluchant sur ceux de Mark Webb, bah, je sais pas comment tu fais, hein, dis donc. Au moins, ça a un ou alors t'es précoce, j'en sais rien, mais. En même temps, vaut mieux qu'il y en ait un sur les Spider-Man que sur Marie. Hein. Oh voilà. Bon. Oui, exactement. Voilà. Allez, hein, on y va. Moi, je suis pas d'accord. Et voilà. On passe à la suite. Alors ça, je pense que ça, c'était l'intervention la plus intéressante qu'on ait eue depuis longtemps. T'es pas d'accord avec qui ? Je suis pas d'accord avec Marvel. Parfait. Voilà. Donc, je vous on passe compris. À Angelina Jolie qui parle du prochain Maléfique. Qu'elle va scénariser. Je sais pas si elle avait scénarisé. Je savais pas qu'elle allait scénariser. Non, elle a pas scénarisé le premier. Non, elle a pas scénarisé. Ça me dit rien du tout. Non. Donc, elle va scénariser le deuxième et elle a. Il me semble qu'elle était dans le premier. Oui, elle a dû jouer dans le premier film, ouais, mais elle l'a pas scénarisé. Hein. Oui. C'était du CGI, elle était pas. Aussi, si, elle y était bien. Hein. Et donc, Angelina Jolie qui promet une belle suite de Maléfique 2, du coup. On sait toujours pas qui c'est. Enfin, est-ce que Robert Stomberg sera à nouveau aux commandes à la réalisation, on sait pas, on sait juste que c'est elle qui va scénariser le film, et bien sûr qu'elle reprendra le rôle principal de Maléfique 2. Donc je vais laisser la parole à Eddie, puisque t'avais aimé le premier film. Est-ce que t'es content de voir une suite, et même scénarisée par Angelina Jolie? Du coup, ça peut être intéressant, parce qu'elle a fait des films en plus, ouais, en tant que réalisatrice. Une suite, moi le premier m'aurait suffi, j'ai beaucoup aimé le premier, mais après de là avoir une suite, je vois pas trop l'intérêt. Je doute pas qu'ils feront certainement quelque chose de, qu'ils en feront certainement un beau film, parce que le premier était c'était un joli conte, je trouve. Voilà, j'ai pas d'attente, mais bon, c'est vrai qu'Angelina Jolie était très bien dans ce rôle là, c'est vrai que ça lui allait bien. Donc bah du coup je sais pas. Enfin je j'ai pas d'avis particulier quoi. OK. Ouais. Bah oui, bah, très très bien. Morgane. Moi pareil, j'avais beaucoup aimé le premier qui était une magnifique relecture de ce Disney. J'attends de voir parce que mon oreille traînait, mais Eddie, pourquoi t'as dit qu'Angelina Jolie réalisait des films? Elle va pas la réaliser, bah, celui-là. Elle a déjà réalisé, donc c'est vrai que si elle s'implique dans la production. Ah oui, d'accord, oui tout, oui. Ça peut être intéressant. Oui. Bah honnêtement, ça aurait été un magnifique réalisé 2. Par Angelina Jolie, par contre, là oui, ça, oui. Ça ah ouais, totalement, ça. Totalement. Puis elle justement qui est assez féministe dans l'âme et tout, ça aurait pu donner un très beau film parce que Maléfique le tout premier parler de la condition de la femme, il y avait une métaphore sur le viol et compagnie, enfin, enfin je trouve hein, dans mon interprétation. Donc j'attends quand même de voir le 2. Donc je suis curieux et puis pas impatient, mais j'irai sans bouder mon plaisir en tout cas, vous pouvez en être certain. D'accord. Oui, bah pareil, hein, c'est Adrien, est-ce que tu avais vu le premier film, est-ce que tu avais oh, bah justement, tu vas pouvoir enchaîner très vite parce que j'ai pas vu le 1. Donc voilà, faut écoute, si je le vois d'ici là, je mettrai mon avis à jour, mais pour l'instant ok. Pas d'avis. Ok, moi j'ai pas. J'ai trouvé ça moyen. Voilà, c'est pas un mauvais film, mais c'est clairement pas un. Moi j'ai pas trouvé très bon, donc voilà. Bah, disons que jusqu'à maintenant, c'est peut-être la relecture Disney la plus intéressante oui, en version live. Clairement. C'est pas divisible. Ah, ouais. Bah, non, ouais. Mais je veux dire, ça, c'est... non, parce que les autres, c'est des adaptations live. Là, c'était ouais. Autre chose. Là, une relecture, c'est clair. Une autre. Ouais, c'était complètement une autre. Enfin, une histoire parallèle, quoi. Donc, oui, ça, c'est clair que c'était plus intéressant que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mmh. Mais du coup, voilà, Maléfique 2 au scénario. Enfin, avec Angelina Jolie au scénario. Pourquoi pas? C'est vraiment la suite parce que le premier a marché, hein, de toute façon. C'est... Voilà, c'est, en fait, c'est parce que le premier a marché et c'était une grosse surprise apparemment pour Disney parce qu'ils ne s'attendaient pas à une si bonne, un si bon score en fait. Mm. Donc voilà. 758 millions de dollars quand même. Donc, voilà. Oui, ah oui, c'est, le premier c'est, oui, oui. Donc ouais. c'est quand même pas mal. Un beau succès. Pour donc, un budget voilà. De 180 millions, oui. Oui. Ça va. Passons à la suite. Avec le scénario de Indiana Jones 5 qui va être qui est sur la fin, qui ils ont bientôt fini le scénario. Donc David, il y en aura un, c'est bien. Harrison Ford aussi. David Coeb qui s'occupe du scénario. Il avait scénarisé pas mal de films, dont le Spider-Man. Harrison Ford est sur la... mais t'es dégueulasse, Morgan. Oui, non, mais il vient de réagir. J'ai passé parce que voilà. Pas... il l'aurait coupé au montage. Quelle horreur. T'es pas indigné. Ah oui, non, mais, non, mais désolé, parce que je mais ça va. Que... Ça... C'est... Non, non, mais c'est parce que je trouve qu'ils font trop traîner Indiana Jones. Non, mais ça devient un peu pas, problématique. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, David Cobb qui a scénarisé par exemple le Spider-Man de Raimi, le premier, ou Indiana Jones 4, malheureusement. Donc voilà, il a annoncé que. Et Panic Room, il a scénarisé Panic Room de David Fincher, qui est vachement bien. Il a scénarisé bien. Pas mal de choses qui sont très bien. Et ah oui, si, si. Et Jurassic Park aussi, je crois. Ouais, voilà, Jurassic Park. Ouais, ouais, ouais. Par contre, en termes de réel, c'est moins. Ouais. Je suis moins fan en termes de réel. Ah, il en a fait réalisation. Un qui était bien. Hypnose. Il n'y a pas Charlie Mordecai qui l'a, ah. Il a réalisé Charlie Mordecai. Hein, oui, Charlie. Non, il a réalisé. Oui, oui, il a réalisé. Ouais. Oui. C'est sympa ce film. Oui, Hypnose. Et puis il a. Si, il voilà, a c'est ça. Fait, Hypnose. Ouais. Il ouais, est très bien Hypnose, ce film avec Kevin Bacon. Mm-hmm. Ouais. Et comment il s'appelle Fenêtre secrète avec Johnny Depp que j'avais beaucoup aimé. Ouais. Bah, voilà. On va faire tout le film. On va faire une spéciale David Cobb. Il a des très bons scénarios derrière lui. Ouais. Il a quelques petits mauvais scénarios derrière lui aussi. Hein, pas, non. Et La Guerre des Mondes, c'est lui qui a scénarisé La Guerre des Mondes de Spielberg. Oui, quand aussi. Même. Donc, ouais, non, mais il a l'impasse. Voilà. Ouais. Très, très bon, très bon. Et il a en plus une très bonne nouvelle, on va dire, c'est qu'il a annoncé que Shia LaBeouf ne sera pas dans le film. Voilà, bah voilà. C'est bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle. Donc, ah oui. Je vais laisser la parole à Eddie. Pour me dire ce que t'en penses, est-ce que t'attends un Indiana Jones 5? Il va sortir le 8 juillet 2020 normalement. Donc, voilà. Moi, le problème, c'est qu'Indiana Jones, c'est un peu en dents de scie. J'aime bien le premier, j'aime pas du tout le deuxième, j'aime bien celui que je préfère, c'est le 3, et j'ai pas vraiment aimé le quatrième. Donc, du coup, bah, techniquement, le prochain, je vais l'aimer en fait. Mais ouais. Voilà, techniquement. C'est comme ma théorie d'ici en fait. C'est ça en fait. Non, j'attends pas tant que ça parce que je suis pas. Moi déjà, j'ai pas méga grandi fan, avec ouais. Indiana Jones. C'est pas des films que j'ai vus quand j'étais petit, donc voilà, j'ai pas cet affect là. Mm-hmm. Et puis, je sais pas, non, c'est pas un truc que j'attends spécialement. Même si je doute pas que ce sera un film d'aventure sympa, mais j'attends plus par exemple le prochain Tintin, ouais. Qui pour oui. moi était le vrai Indiana Jones. Le vrai Indiana Jones 4, celui-là, c'était Tintin. Celui-là, tu peux l'attendre, à mon avis. Ah, je pense que je peux l'attendre, oui. Mais, c'est Peter Jackson, normalement, qui doit le réaliser. Hein. Bah, oui. Oui, qui devrait. Il y a longtemps qu'il doit, hein, malheureusement. Même qu'il devait. Tintin, tintin, tintin. Bon, Renaud, qu'est-ce que t'en penses? Tintin, le Pixie Renault, Tintin. Bah moi voilà, j'ai pas non plus vu tous les Indiana Jones, je crois que j'ai vu que le 2. Que j'ai beaucoup aimé. Ah bon? T'as vu que justement. Le 2, ouais, j'ai adoré le 2. Punaise, le réel, avec les serpents là. Oui, puis il y a une scène, avec... je crois, autour d'une table où il mange des trucs. Oui, enfin, avec les serpents. Cerveau de singe. Voilà. Un cerveau de singe. C'est ça. Mmh. J'avais beaucoup aimé, mais j'ai pas eu la nécessité ni l'envie de voir les autres. Et puis après, voilà, si Harrison Ford revient dans le rôle titre, voilà, comme je le disais en blagounette tout à l'heure, honnêtement. Voilà quoi, ouais. Indiana Jones, enfin Harrison Ford, pardon. Qui dit encore blagounette. Non, mais moi je pense que ça. Enfin, toi t'as pas vu le 3, mais dans le 3 il y a Sean Connery. Ouais. Justement, je pense qu'il pourrait rejouer un peu ce rôle là. Qui c'est, Sean Connery? Non. Harrison d'accord. Non, non, parce que Sean Connery. Bon, il, voilà. Il joue un peu ce rôle là déjà, malheureusement. Oui, voilà, c'est ça. C'était mal fait dans le 4, mais. C'était Shia LaBeouf. Voilà, c'est ça. Et que c'était trop, enfin il y avait pas mal de problèmes dans le cadre, je trouve, beaucoup trop de CGI, enfin voilà, il y a pas mal de problèmes. Bah même Kate Blanchett est pas bonne en méchante, c'est pour dire. Donc voilà. Ça donne de l'espoir pour Thor Ragnarok, ça. Non mais non, ça a l'air complètement différent. Ouais. et d'ailleurs il y aura toujours Steven Spielberg devrait réaliser le film, hein, normalement c'est prévu, donc et John Williams devrait composer aussi la musique. Ah ouais, bah décidément. Donc voilà. Le retour des trois grands, mais bon, on espère qu'ils seront encore là en 2018, 2019, 2020, quand c'est prévu pour le tournage, etc., et la post-prod. Voilà. Adrien, je vais te laisser la parole. Bah écoute, je sais pas si Harrison Ford est sur la fin, comme dit Morgan, mais en tout cas, je trouve qu'en ce moment, il se porte très bien, puisque non seulement il va nous refaire un Blade Runner, mais en plus, visiblement, du coup, il va nous refaire un Indiana Jones. Ne sera pas bon, je prends les paris. Ce qui était très drôle. C'est, je sais pas, je vais juste une petite anecdote rapidement, je vais pas y passer 3 heures, mais quand un journaliste américain a interrogé Harrison Ford en lui demandant mais est-ce que vous avez l'intention de rebooter tous les films dans lesquels vous étiez, puisqu'il a déjà fait Star Wars, et puis là il va faire Indiana Jones, puis Blade Runner, il a répondu You bet your ass I will. Donc il a complètement assumé qu'il allait tout reboot. Parce que là, il faut traduire. Hein. J'ai rien compris non plus. You bet your ass I will, c'est-à-dire en fait il a dit mais bien sûr que oui, bordel de merde. Et dis-moi, on était synchro, j'ai fait genre de comprendre, j'ai voulu rire avec. Voilà, on voit ceux qu'on fait anglais en LV2 et. Bah, moi j'ai fait anglais LV2, mais bon, de là à. Oui, bon, c'est pas grave. Non, mais ok, je le ferai en russe la prochaine fois. Ouais, voilà, au moins personne comprend. Ça, tout le monde, personne. Enfin, voilà, c'est ça. Non, mais du coup, au-delà de l'anecdote, moi ça me fait bien plaisir de voir Harrison Ford encore dans ses rôles iconiques. Ouais. J'ai bien aimé, moi, le quatrième film. Je trouve que voilà, c'était bancal, que c'était tout ce que tu veux, le carton c'est pâte, pas, machin. C'est pas la pire. C'était très divers. On en dit des trucs du genre, il n'existe pas, il n'y a qu'une trilogie, machin truc. Non, c'est un film qui est plutôt bien réalisé, qui est plutôt sympa, qui se laisse regarder. C'est pas du niveau du deuxième. Pour moi, c'est largement du niveau du troisième. C'est pas le pire Spielberg. Hein. Donc, c'est clair. Enfin, je sais pas, vraiment. Pourquoi pas, enfin, je veux dire. Ça me dérange un peu. Bon, Chia, je sais plus comment, de Beuf, je crois que ça se prononce comme ça en français. Ça me dérange un peu parce que moi j'aimais bien le personnage et j'aime bien l'acteur surtout et je trouve qu'on voit déjà plus assez mais bon ah bon ah bah non, si ça peut leur permettre de se recentrer pourquoi pas. Le truc c'est que Shia LaBeouf il a vraiment chié sur Spielberg et sur tous les films qu'il a fait avec lui donc voilà si ça peut permettre de se recentrer de faire un film vraiment où tout le monde est intéressé par le film et tout le monde est motivé s'il se laisse pas trop dicter la leçon par George Lucas parce que c'était le principal problème du quatrième faut le savoir que George Lucas a un peu réalisé en sous-main quand même il a scénarisé aussi s'il se laisse pas dicter par George Lucas qui lui pour le coup a tendance vraiment pour l'instant il y a pas vraiment de nouvelles pas de nouvelles comme quoi il devrait rejoindre le truc hein, donc si c'est pas le cas très bien je suis encore plus heureux mais à mon avis Kathleen Kennedy elle elle maîtrise tu sais j'espère qu'elle maîtrisera pas trop Kathleen Kennedy mais donc voilà pourquoi pas voilà c'est pas du tout un non pour ma part c'est pourquoi pas ok moi je suis plutôt content hein. Je suis toujours content de voir un nouvel Indiana Jones le 4 comme tu dis c'est vraiment pas la pire bouse de l'univers comme tout le monde dit pour moi il est meilleur que tous les trois la trilogie Star Wars réunie donc pas que le 3 hein, mais... Voilà. Non, franchement, je préfère revoir La Revanche des Sith, hein, quand même. Oui, il n'y a plus de réalisation quand même dans La Revanche des Sith. Ouais, ouais, bon, ouais. Mais que le 2, que le 2 et le 1, vas-y. Voilà, allez. on va faire. C'est bon, on s'est choisi là-dessus. Donc voilà, Indiana Jones 5, très bien. C'est sûr qu'ils mettent un peu de temps quand même. 2020, c'est quoi, enfin, c'est assez loin, on va dire. Après, moi, je suis content que David Koepp scénarise le film, puisqu'il a fait des plutôt bons scénarios, comme on l'a dit avant. Et voilà, j'espère que tout le monde sera encore là, comme je l'ai dit avant, pour réaliser et composer, etc., et jouer dans le film, pour qu'on puisse faire ce film, et puis qu'on puisse... qui puisse peut-être mettre en place un nouveau personnage, qui puisse, voilà, c'était un peu le but aussi de Indiana Jones 4, c'est là où il a un peu foiré, c'est mettre en place un nouvel personnage où on puisse s'attacher autant qu'Indy, là c'était pas le cas dans le 4, peut-être qu'ils y arriveront enfin dans ce cinquième, et puis qu'on, voilà, que ça se passe bien. passons à une autre nouvelle, donc. Là, c'est plus, c'est plus une nouvelle d'un film. On savait que c'était en production, mais là, on est sûr qu'il est arrêté pour l'instant pour cause de budget. Donc, c'est l'adaptation de Pinocchio par Guillermo del Toro, qui en pose qui est un projet qui lui tient à cœur depuis 10 ans. Mais j'ai lu en pause définitive, moi. J'ai lu que le projet a priori serait pas repris. Bah, moi j'ai lu que c'est pour l'instant c'était en attente de budget et qu'il a dit si vous avez 35 millions de dollars et que vous voulez rendre un Mexicain heureux, je suis là. Donc voilà, appel aux auditeurs de Parlons Cinéma, si vous avez 35 millions de dollars, financez ce film. Parce que donnez-nous un peu avant quand même. Oui. parce que ça a l'air complètement dingue, parce que déjà, bon, Guillermo del Toro, Pinocchio, juste on peut s'imaginer ce que ça peut donner. En plus, ils ont déjà les marionnettes, ils ont déjà le design, ils veulent le faire en stop motion. En fait, ils voudraient ça se passerait, c'est un Pinocchio qui se passerait sous Mussolini avec les fascistes. Enfin, un Pinocchio anti-fasciste comme ça. Ça a l'air complètement dingue, mais ça a l'air tellement dingue que ça a l'air trop bien. Et franchement, moi, ça me dégoûte que des réalisateurs qui ont vraiment des bonnes idées, qui ont un talent artistique ne trouvent pas le budget pour conclure ce qu'ils veulent. Ce serait pas une version live de Disney là pour le coup, hein. Non. Non, justement, faudrait qu'ils se dépêchent un peu parce que Disney lui mange le truc, il est foutu. Ah bah oui. Parce que là, ça va faire pour le de la jungle de Serkis, ils se sont fait bouffer l'arbre sous le pied par Disney, hein, donc faut pas que ça. Ah, il va sortir, hein, mais le problème c'est que les gens vont pas capter, quoi. Bah non, il va pas y avoir de fric dessus. Ouais, donc voilà, en plus il y a pas mal. Oui, il y a justement la version Disney qui est en préparation. Il y a une autre version. Je sais plus, elle est en préparation, la version Disney ? Oui. Ouais. D'accord. Elle est en c'est dorénavant mort. Quoi. Avec Robert Downey Jr. en Gepetto. Ah oui, c'est vrai. Oh, voilà. J'ai oublié. donc voilà, on espère que The Shape of Water pourront. Permettre de peut-être. Malheureusement, je pense pas, mais bon. Ouais, voilà, on espère. Je sais plus si ça avait marché l'autre qui était chiant là. Quoi ? Alors, je Crimson Peak. Mais tu vas te calmer tout de suite. Hein. De quoi ? De Guillermo del Toro ? Ouais, Crimson Peak, ça a marché ou pas ? Non, non. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, non. Donc, oui, ben voilà, c'est dommage quoi. Eddie, un Pinocchio par Guillermo del Toro. Moi, j'adore la version de Disney. Hein. C'est, pour moi, c'est vraiment un de leurs plus beaux qu'ils ont fait. L'animé, il est magnifique. Ouais. Ah bah oui, quand même. Si, là, je veux dire, l'animation, elle est. C'est un de mes films préférés de Disney parce que justement, l'animation est complètement dingue. Et c'est, ah ouais. Toutes les séquences sous la mer et tout, là, ouais, c'est. Ouais. Avec la baleine, c'est. Avec Monstro et tout ça. Enfin, il est vraiment bien. Il est très sombre en plus. Très ambitieux. Très, très ambitieux. Pour l'époque, ouais, 1940 quand même. Hein. Ouais. Donc, bon. Moi, j'ai vraiment été très emballé à l'idée de voir celui-ci. Donc je l'ai vu. Je l'ai découvert tard en plus. Je l'ai vu il y a qu'un an et demi, je crois. Ah, donc, c'est vraiment récent. C'est pas Disney que j'ai vu avant toi. Ouais, c'est bien, tu te rends compte. Et du coup, j'étais même pas au courant que Del Toro voulait faire une adaptation. Donc heureusement qu'on fait des parlons cinéma, parce que sinon je serais au courant de rien. Mais du coup, vu tout le contexte qu'il a l'air de vouloir incorporé et tout, ça donne carrément envie. Ouais, stop motion et compagnie, moi ça me botte bien. Ouais. Ouais, surtout qu'il a déjà les marionnettes et les designs qui sont déjà faites, quoi. C'est il y a plus qu'à tourner, quoi. C'est... Ouais. Voilà, ouais, c'est dommage. Adrien, moi je dis patience. Je dis patience parce que ce Shape of Water a des critiques exceptionnelles. Del Toro a toujours été bien accueilli par les critiques. Enfin, en tout cas, il n'a jamais eu des critiques désastreuses. Même Crimson Peak, qui avait été assez tièdement accueilli, c'est un film qui reste un peu considéré généralement parmi la communauté cinéphile. Là, en l'occurrence, Shape of Water, c'est exceptionnel les critiques qu'il a. Ouais, ouais, ouais. Donc, je me dis que si ça fonctionne au box-office, ce serait, je pense, un des premiers Del Toro depuis Pacific Rim. Et avant, ça n'a pas tellement été le cas. C'est pas un réalisateur qui est bankable du tout. Mais le Labyrinthe de Pan, ça avait marché grâce justement au bon bouche à oreille des critiques. Oui, ouais, ça avait marché exactement. Ça avait marché pour cette raison. Ça n'avait pas fait et le aussi, hit attendu. Il avait dû être. Et Blade 2, parce que ouais. Le premier avait marché. Hein. Blade 2, ça avait fonctionné tout seul. Hellboy 2, ça avait. Ça n'a pas marché pour assurer un 3. Je te rappelle que maintenant on va avoir un reboot, tellement les scores ont été insuffisants. Mais bref, du coup, c'est des films qui sont bien considérés mais qui ne fonctionnent pas au box-office. Il y a des chances pour que Shape of Water change la donne. Et si Shape of Water change la donne, il pourra le produire sans problème, ce Pinocchio. Le problème, c'est qu'il faut qu'il se dépêche. Je dis patience, mais d'un autre côté, il faut se dépêcher parce que si Disney le sort, ça aura aucune chance de marcher et personne misera sur Pinocchio pour Del Toro. C'est ce qu'il faut bien se dire, c'est que Disney vont nous faire un truc beaucoup moins créatif que ça. Clairement. Tout à fait. Et Del Toro ne travaillera pas avec Disney. Donc, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que moi, c'est un film que j'attends. Moi, je suis pas très fan de Disney, mais je suis très fan de la version de Bellini. La version, je sais plus si c'était précédente ou antérieure, je sais plus tellement quoi c'était ce film. Disney n'engagera jamais Del Toro. Ah bah non, ils vont pas engager un mec qui fait mourir son héroïne enfant dans le labyrinthe de Pan, c'est impensable. Je pense que c'est un projet qui va être très difficile à faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure définitif. Par ailleurs, on a lu aussi définitif parce que personne ne pense que ça peut marcher. Je suis un peu de l'avis que de toute façon pour moi c'est déjà trop tard. Mais je garde espoir pour Shape of Water. S'il a déjà les marionnettes, s'il a déjà fait un petit peu commencer la production, ça peut aller très très vite. Il faut juste que Shape of Water sorte vite et que ça fonctionne et il aura le feu vert. C'est une question de timing pour moi. Ouais, et au-delà de ça, je l'attends vachement parce que je suis très fan de Del Toro et je suis très fan de l'histoire de Pinocchio. Donc pour moi, ça ne peut que fonctionner. Ouais, mais clairement. Et il disait justement dans une interview que personne ne voulait faire des films de super-héros quand il a fait Hellboy, personne ne voulait faire des films de monstres quand il a fait Pacific Rim. Ça fait 10 ans que c'est en production, Pinocchio, voilà. Pour te dire, 10 ans. Et quand il présente Pinocchio et qu'il parle de. Ça se déroule sous Mussolini, c'est un Pinocchio antifasciste, les gens raccrochent. Donc. Voilà, c'est pas un truc qui intéresse les producteurs d'Hollywood, donc malheureusement. Non, parce que ça intéresse pas le grand public, ça intéresse les cinéphiles, les mecs qui connaissent un peu Del Toro, mais ça intéresse pas le grand public, je pense. C'est ça, c'est clairement ça, donc c'est malheureux. Morgane, je sais que tu es très fan de Del Toro aussi, donc. J'aime beaucoup Del Toro, mais je suis surtout très fan de Pinocchio. Pour moi, c'est un des plus beaux Disney, un des Disney les plus réussis, les plus sombres. Quand on le voit adulte et quand on le voit enfant, il y a un contraste dans le ressenti. Ouais, quoi. Clairement. C'est tellement noir. Ça m'aurait effrayé. Je l'ai vu enfant, honnêtement, il y a plein de trucs qui m'avaient échappé, comme dans pratiquement plein de Disney. L'attraction fait flipper à Disneyland d'ailleurs. C'est aussi sombre que. Ah ouais, ouais, franchement, ils l'ont bien fait et c'est là que tu te rends compte que c'est hyper glauque en fait. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'adaptation de Pinocchio, on a oublié le film de 1996 avec Martin Landau et Udo Kier, que j'aime énormément parce que je trouve que celui-là faisait vraiment il faisait flipper la jonction. Il faisait vraiment flipper. Et monstro. En plus, je sais pas si c'est ça dans le conte original, mais on nous dit que le méchant du film, donc qui était joué par Udo Kier, je sais plus comment on dit, qui s'appelait Lorenzini dans le film, c'est lui, suite à une mutation, parce qu'il s'est noyé, il a avalé de l'eau de mer, il s'est transformé en monstre. Et monstro, c'était tétanisant. Vraiment, alors je pense pas que je vais retrouver ce frisson là et tout, mais en tout cas, regardez cette adaptation là, je vous jure qu'elle m'avait très très bien. Elle m'avait fait flipper quoi. C'est... Et puis il y avait voilà ce côté un peu italien avec voilà les musiques italiennes, les petites ruelles, ça avait vraiment. Et Pinocchio, enfin... c'est l'Italie, hein. C'est... Mm. Oui, mais je trouvais que dans le film de Benigni, on n'avait pas tellement de ça justement. Là, je sais pas, ça, on sera dans une pub Panzani, ça fait plaisir. Et les pubs Panzani, donc... la plupart sont même pas tournées par les Italiens, mais bon. Oui, puis Panzani, c'est même pas une marque italienne, donc en plus, c'est une marque française. Voilà, bon, bah, Barilla, voilà. Ouais. Et en tout cas, voilà. Donc, est-ce que j'ai envie de revoir une énième adaptation? Bah, je suis tenté de dire que non. Après, par Del Toro, bien sûr que oui. Ouais. Donc, c'est à double tranchant. Mmh. Donc, s'il a le budget pour, la liberté pour, qu'il se laisse pas marcher par les studios, je pense qu'on peut avoir quelque chose de formidable. Clairement. Mais est-ce que ce serait pas trop ambitieux et trop risqué pour un studio de laisser un truc comme ça à Del Toro? Parce que rappelons-le qu'il devait faire le Hobbit numéro 1. Oui. Il avait fait les designs pour Smaug et apparemment ils ont dit non, mais tu vas faire flipper tout le public là avec ça, donc tu ne viens pas sur le projet. Donc du coup, peut-être que Del Toro ne serait-il pas un réalisateur trop ambitieux pour certains studios. Donc voilà, ouais. Quand t'as pas assez de talent, t'es mis en avant, et quand t'en as trop, bah t'es un peu mis de côté. Bah, d'ailleurs, je les mettrai dans les liens, mais on avait eu des premières images justement de Pinocchio qui était sorti en 2012, enfin des marionnettes qu'il avait fait et des designs qu'il avait fait. Et enfin, moi personnellement, ça me donne super envie, quoi. Juste de voir les trois images qu'on a, je les mettrai dans les liens, bien sûr. Voilà, ça donne super envie. Et c'est malheureux. Ben, bien sûr, Guillermo del Toro, c'est le mec avec 3000 projets en même temps, mais on peut pas lui en vouloir. C'est quelqu'un de super passionné et qui est passionnant à écouter aussi. Donc voilà. Donc on espère que ça se fera. On passe à la suite. On parlait le mois dernier avec Morgan justement dans le dernier Parlons Cinéma du biopic Bohemian Rhapsody, donc qui devait se concentrer sur la vie de Freddie Mercury avec Rami Malek dans la peau de Freddie Mercury. Là on a eu les premières photos, voilà. Donc moi, comme j'avais pas eu les enfin, vous avez eu notre avis à Morgan et à moi-même, donc je voulais avoir l'avis quand même d'Eddie sur ce choix. Est-ce que ça t'intéresse aussi un film sur la vie de Freddie Mercury et avec cet acteur aussi? Est-ce que la photo que tu vois t'intéresse? Voilà. Alors, sachant que c'est Bryan Singer qui va réaliser. Alors voilà, donc tout concorde en fait pour que j'ai envie de voir ce film. Donc parce que Black Queen j'adore, et Freddie Mercury aussi, c'était quand même vraiment quelqu'un. Mmh. Et enfin c'était au-delà du chanteur, c'était vraiment quelqu'un de passionnant, je trouve. Et Rami Malek, c'est dingue, la ressemblance, c'est impressionnant aussi. Ouais. Il y a une image où, j'ai vu une photo où il y avait l'original et la celle avec Rami Malek. J'ai bugué deux secondes quand même avant de m'apercevoir qui était qui. Et non, ça a l'air passionnant. Et rien déjà que pour la ressemblance, pour une fois que quelqu'un ressemble vraiment à la personne la personne dont il va interpréter la vie, c'est vraiment c'est bien déjà, je trouve. Ah oui. Après Bryan Singer, je pense qu'il peut en faire quelque chose de bien aussi. Mm-hmm. Parce que on connaît les thématiques de Bryan Singer et là je pense que ça collera bien. Puis voilà, puis je pense que si effectivement il y a des chanteurs qui méritent d'avoir des biopics, oui, le Freddie Mercury en fait partie, oui. C'est clair. Adrien ? Non, aucune attente. C'est-à-dire que c'est pas un milieu musical que je connais du tout. Bryan Singer, ça fait pour moi quelques années maintenant qu'il a plus la niaque. Donc, oui, bah désolé. Hein, Rien, je toussais. Donc non, je suis honnêtement, je suis même pas sûr que j'irai. Je pense même que j'irai pas. Donc. D'accord. Ok. Bah avec. avec désolation. Avec Morgan, on pleurait le projet avec Sacha Baron Cohen le mois dernier, puisqu'on se disait que la ressemblance était assez était assez frappante aussi avec. C'est vrai. Et que Rami Malek, sans tout le costume et tout ça, moi je ne l'imaginais pas vraiment. En Freddie Mercury, les premières images me rassurent, Franchement. Bah oui, quand, voilà. J'espère. Bah oui, clairement, non, mais c'est vraiment, c'est là, vraiment on frappant. On peut difficilement faire plus oui. semblant. Hein. Oui, non, c'est vraiment frappant. Voilà, moi, je suis plutôt content du choix de l'acteur finalement. Donc voilà, alors que j'étais assez déçu de que. Bon, Rami Malek est très bon, je trouve, en plus. Donc. J'ai pas vu Mr. Robot, donc je peux pas. J'ai l'ai jamais vu. J'ai vu des bribes, moi. J'ai pas D'accord, vu la série ouais. en entier. J'en ai vu des bribes, et bon, déjà, la série, elle a l'air vachement bien. Faudrait vraiment que je la regarde. Ah oui, moi aussi. Mais il a. Enfin, puis je trouve qu'il a une gueule, quoi. Oui, non, ça c'est. Alors clair. Apparemment, c'est... on se ressemble. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je trouve qu'il y a des airs. Mais ouais. Ah oui, je trouve qu'il y a des airs. Ouais. Mais Morgane, toi, alors, est-ce que tu es rassuré ou pas du tout? Oui, je suis rassuré. Quand j'ai vu les images, je me suis dit ok, d'accord, parce que j'avais tellement Freddie Mercury, j'avais tellement Sacha Baron Cohen, pardon, en tête. Je me disais c'est impossible de trouver un acteur qui pourrait à ce point correspondre plus à Freddie Mercury que lui. C'est vrai. Et que, en fait, je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. C'est vrai que Baron Cohen avait vraiment le physique pour aussi. Hein. Oui. Et bah là, au niveau réel, hein, Bryan Singer, toujours plutôt confiant. Mm-hmm. Parce que j'aime bien les derniers films d'Bryan Singer, notamment son dernier, il est très bien. Oui. Sous-estimé, mais bon, on en reparlera dans quelques années. Quand vous... Ah oui, il est très sous-estimé, mais quand vous aurez compris, après moult déceptions de chez DC et de chez Marvel, vous comprendrez que X-Men Apocalypse... Bon, Adrien, c'est bon toujours film. Mieux que Spider-Man Homecoming. Ouais. Aussi, clair. Ouais, il tente des trucs. Ah, quand même. T'es obligé. Oh. Voilà, voilà. Tu l'as bloqué dans un coin, là. Choisis voilà. Entre... Allez. Ça, je peux faire quand même sauter par la fenêtre entre revoir l'un ou l'autre. Bah, vas-y, tu ne manqueras pas. Vas-y, saute. Je comprendrai jamais. En fait, je pense qu'on se comprendra jamais avec Henry. on est non, pas mais il n'y a rien à comprendre. Non, mais Eddie. Pour comprendre Adrien, encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose à comprendre. Il n'y a rien à comprendre chez ce garçon. Allez. Voilà. Morgan. Non, ouais, bon. Mais je suis plutôt confiant, en tout cas en termes d'acteur. Ouais. Maintenant, comme je sais que le projet, on en avait parlé et je vais le redire, il a été avorté, il a été repris, ouais. Il a été écrit, réécrit. C'est un projet qui traîne un petit peu quand même, depuis trop d'années pour que je sois totalement confiant, parce qu'on sent que voilà, le projet a été passé de main ouais, en main. Les projets ouais, balottés ça... comme ça, c'est toujours difficile, inquiétant. Bah, ouais. Ça a donné récemment le film ça. Voilà. dont on parlera dans un prochain webinaire, je vous l'assure. Parce qu'on a même beaucoup de choses. Bah, moi j'aimerais bien en parler, moi, ouais, mais je ne l'ai pas vu. Dans le prochain. Il y a même une news dessus si vous voulez. Oui, on en parle. Ouais. Et elle est rajoutée. Donc, oui, moi je voulais juste dire, il y a un truc qui m'inquiète juste un tout petit peu, c'est qu'il y aura un mélange. Alors, je sais pas comment ça va se passer, mais au niveau de la voix de Freddie Mercury, la voix de Rami Malek seront tous deux utilisés pour les parties chantées. C'est pas expliqué comment ils vont faire ça. Là. J'ai un tout petit peu peur sur cet aspect-là, personnellement, parce que... Non, ça peut passer. Dans le film Clo-Clo, par exemple, de Florian Mirabeau, qui est un chef-d'œuvre, je le dis... Chaque fois, il nous parle de son Clo-Clo. Bah, parce que c'est exactement ce qu'ils font de temps en temps. À croire qu'il y a eu que Clo-Clo comme biopic. Bah ouais, en France, on fait pas des films ambitieux. Regardez celui-là, vous verrez. Mais il y a de temps en temps, c'est Jérémy... Marion Cotillard, Edith Piaf, et personne s'en est rendu compte. Oui, oui, mais oui, mais elle a mimé, Edith Piaf, elle l'a singé. Voilà. Mais en tout cas, dans Clo-Clo, c'est ce qu'il faisait. Des fois, c'est Régnier, c'est pas le même. Jérémy Régnier qui chantait avec sa vraie voix, bon, qui essayait d'imiter Clo-Clo quand même, mais ça rendait bien. Et de temps en temps, c'était du playback, quoi. Ouais, mais je veux pas, porter atteinte aux fans de Clo-Clo, mais il y a quand même une différence entre sa voix et la voix de Freddie Mercury. Enfin, je veux dire, il y a pas de chanteur comme Freddie Mercury. Donc voilà. Non. Là, ça me fait un peu peur. Mais après, si c'est bien fait, on verra comment ils vont faire ça. Il y a le chanteur d'Aerosmith. Bref. Vite fait, ouais. Le père de Liv Tyler, d'ailleurs. Liv Tyler. Oui. Mais bon. Voilà. Donc ça sortira. Mais c'est pour ça qu'il chante pour Armageddon, alors. Bah oui. Ils se ressemblent trop quand même. Hein. Ils ont la même mais tête. J'ai hein. jamais fait le rapprochement, moi. Du coup, voilà, ça sort le 20 février 2019 et on verra ça quand ce sera sorti. Passons à Insidious 4. Ouf. Moi, je savais même pas qu'il y avait un 4. Je pensais qu'on était au troisième. Où est-il ? Donc, c'est la musique du film, hein, au cas où, hein, je suis pas parti dans un ego trip, hein, ouais. C'est la musique du film qui est très flippante. Plus peur quand tu le chantes, en fait. Plus que, c'est ça. Plus que dans la bonne avance, en tout cas. Je suis sûr que les deux, trois notes qu'on vient d'entendre de Morgan feront plus peur qu'Insidious 4. Donc voilà. On a eu la bande-annonce, le film sortira le 3 janvier 2018, c'est réalisé par un mec qu'on connaît pas, Adam Robitel. Voilà. J'ai essayé de regarder sa filmo, il a bossé sur le premier X-Men de Bryan Singer, je sais pas ce qu'il a fait dessus, mais en tout cas... Il y avait 34 Deborah Logan, c'était pas lui ? Si, je crois. Alors attends, si c'est ça, voilà. Mais je l'ai pas vu ce film, je l'ai pas vu. Donc voilà. Et Paranormal. Non, même pas de Paranormal. En fait, il a même pas, il a pas bossé dessus. Bon voilà. Bref. Il y a que Morgan qui arrive. Pardon. J'ai compris la référence. Donc, on a un personnage qui est interprété par Kirk Acedevo. Voilà, qui a joué dans la série Oz, qui murmure « Il est dans ma tête » dans la bande-annonce, voilà. Tu ne sais pas qui c'est. C'est toujours produit par James Wan, et il y a le producteur Jason Blum qui est aux manettes et qui aussi et qui a produit le fils de Léon. qui a produit notamment Get Out cette année, donc voilà. Mais bon, c'est pas ça qui va faire un bon film. Donc moi personnellement, j'y connais rien en Insidious, donc je vais laisser parler ceux qui ont pu voir au moins un film. Donc Adrien, vas-y. Parce que j'ai vu les trois films, moi je suis très fan. Parce qu'il y a eu les deux premiers films par James Wan. Le premier était très horrifique et le second était plus psychologique. On s'intéressait plus aux causes et aux raisons d'être du premier film. C'était intéressant. Mm-hmm. Le troisième. C'est pour ça qu'il était meilleur que le premier d'ailleurs. Je suis assez d'accord. Le troisième était déjà plus classique, c'était plus de l'horreur classique. Il y avait des unités dramatiques quand même, c'était assez intéressant ce qui était proposé. Là, on a un quatrième film, pourquoi pas, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Je trouve que c'est. Tant que ça fonctionne, tant que ça fait peur et tant qu'il y a des choses à raconter et des inventivités visuelles à créer, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de quatrième film. Je veux dire, tant que ça fonctionne, moi. Donc là, en l'occurrence, Adam Robitel, donc voilà, c'est pas un type qui a beaucoup d'expérience. Je pense qu'il sera quand même pas mal chapeauté par James Wan. C'est bien que ce soit pas Lee Whannell qui réalise, parce que ce mec est plus scénariste que réalisateur, on l'avait vu avec le troisième film. Donc je trouve ça pas mal qu'il se contente de scénariser et qu'il réalise plus et qu'on file la main à un nouveau petit jeune. D'accord. Pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, la bande-annonce est assez convaincante, ça a l'air de faire peur. Il y a 2-3 screamers, comme un peu c'est la tradition, mais ça m'a pas l'air d'être le gros du film. Il y a plusieurs unités de temps et de lieu, ce qui je trouve assez rare dans la saga. Normalement, ça se concentre sur une maison et sur le lointain. Là, on a une maison où on a l'espèce de cave, l'espèce de grenier bizarre dans lequel le mec est au début. Enfin, j'ai l'impression que ça raconte plusieurs choses. C'est donc la suite du préquel, si je comprends bien, c'est la suite d'Insidious 3, donc la suite du préquel à Insidious. Avec Lynchay, pourquoi pas si c'est vrai que le 3, c'était un préquel, oui. Oui, j'aimerais bien que l'intrigue de Lynchay soit close, moi. Je trouve qu'on a beaucoup raconté sur Elise et que maintenant il serait temps vraiment de se concentrer sur le présent. Donc si ce film-là, qui s'appelle, je crois, The Last Key, la dernière clé pour les non-anglophiles. Pour Eddie et Morgan. Non, mais moi j'avais compris. Elise peut s'arrêter là et qu'on passe à autre chose, ça me va aussi, mais tout me va. Voilà, ils vont la faire crever, bordel. Bah, elle est déjà morte en fait, là c'est le préquel. Oui, c'est vrai. Oui. Je rappelle qu'elle est déjà morte dans le deuxième. Bah oui, elle risque pas de mourir dans le premier. Ouais. Hein. Je rappelle qu'elle était. Enfin, dans le dernier, je veux dire. Je rappelle qu'elle est déjà morte en fait. Donc... Voilà. Spoiler. C'est bien, spoil plusieurs fois. Quitte à spoiler un coup, voilà. Autant elle est déjà morte. J'ai pas dit dans quel film, tu vois. Donc... Donc elle risque pas de mourir dans celui-là, donc il n'y a aucune tension dramatique. C'est ce qui est bien. Quelle horreur. Bien sûr que si, mais il y aura peut-être la raison pour laquelle elle est devenue un petit peu cette personne beaucoup plus réservée qu'on a dans les films. Peut-être que The Last Key, c'est effectivement son trauma originel. Moi, j'ai quand même hâte de voir ça. D'accord. Oui, si, ça peut être intéressant, oui, bien sûr. Et puis, ça a l'air joli visuellement, le monstre et tout ça, avec ses doigts en forme de clé, ça a l'air très violent. On a l'air de martyriser un peu des enfants. Moi, j'aime bien, c'est ce qu'on fait en ce moment, que ce soit dans Annabelle 2 ou dans ça. Je trouve qu'on martyrise des enfants en ce moment. C'est ça qui est très bien. Parce que tu trouves que dans ça, ils sont martyrisés, toi. Quand même, ils sont un petit peu. Ils sont coupés en deux, quand même. Qui fait coucou. Il y en a quand même qui sont coupés en deux, je rappelle, Morgan. Voilà. Ils sont chatouillés à la limite. Dans Annabelle, il y avait carrément de la torture. Donc, Conjuring 2, c'est pareil. Oui, dans Annabelle, je veux bien. Oui, dans Annabelle, oui. Et bah, c'est vu pas ça, mal. Mais j'ai vu un gif qui circule où il fait coucou avec un bras de gamin. D'enfant, oui, c'est ça. Donc moi, je trouve ça pas mal qu'on torture les enfants bon, dans les films d'horreur. Dans le genre, dans le genre neutre et mièvre, je pense qu'on a vu quand même pire. Non, voilà. Hein. Bon, bref, du coup. On a vu mieux. On a vu Jeepers Creepers. Sans revenir forcément sur ça. Je trouve que voilà, je trouve que c'est un peu la mode en ce moment de faire peur et d'oser être un peu violent, d'oser être un peu sortir du cadre un peu Spielbergien de les enfants sont toujours sains et saufs, sauf dans certains cas. Donc ouais, moi ça me branche bien. Ok, Eddie. Bah du coup moi j'ai vu les trois aussi. Mm-hmm. J'ai un peu moins aimé le 3, enfin même carrément moins, mais après c'est pas, j'ai pas trouvé ça hyper honteux, c'est juste que je trouve que c'est un petit peu moins intéressant. C'est moins intéressant, c'est ça. C'est un petit peu moins intéressant, ça fait pas, enfin, ça fait pas peur parce que de toute façon les autres m'ont pas fait peur non plus. Moi c'est un peu ce que je reprochais au Insidious, c'est que tout le monde, ah tu vas voir, ça fait trop peur et tout. Bah oui, ouais, bon, moi je suis... Ouais, non mais moi en fait je suis impressionnable sur des grosses conneries. En fait, petite anecdote comme ça, moi j'ai eu peur, au revoir Morgane. Attends, ouais, si tu veux, tu peux juste donner ton avis. Vas-y, Morgane. Alors, je laisse parler Morgane et je raconterai ma vie après parce que c'est très intéressant. Ouais, je dis mon avis, je m'en vais. J'ai adoré le 1, le 2, j'ai détesté le 3 parce que voilà, c'est pas James Wan à la réal. Et comme l'a dit Adrien, Leg Vanel, c'est. Alors, c'est nul. Ah non, mais Conjuring 2 n'est pas bon, je le dis. Mais non, mais parce que voilà, je trouvais que. Et non, j'ai pas été convaincu par le trailer du 4 parce que je trouve que justement l'arc sur Elise c'est pas quelque chose qui m'a passionné dans le 3. Je trouve qu'il y a peut-être d'autres pistes à explorer et je pense pas que celle-ci soit la meilleure. Après, en matière de design, ça peut ne pas être très mauvais, mais bon, je vais pas aller voir le 4 en étant enthousiaste. Okay. Donc, c'est sur cette touche finale, sur cette nouche, que je m'en vais. Donc, je vous dis à très bientôt. Salut Morgane. Dommage, il y a des infos, j'aurais aimé en parler. Putain, Halloween, Jamie Lee Curtis, tout ça. Nya, Linda Hamilton. Nya. Tant pis, c'est pas grave. Bon, c'est le jeu. Ouais, ouais, on en reparlera. On verra par SMS, donc je transmettrai. Oh là là. Oui, au pire, au pire quand même. Tu peux faire ça. Voilà. Ok. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ouais. Voilà, je sais que l'émission va être un petit peu moins bien sans moi, mais vous, on verra. Vous serez bien quand même. On verra tes blagues par SMS. C'est ça. Et puis, comme vous parlez beaucoup, je pense qu'après ma séance de kiné, vous serez encore là. Donc, ça se trouve, je reviendrai. Ouais, tu pourras parler de ça. Allez. Et je pourrais parler, voilà. Bon, bah, je vous dis à très vite. Retrouvez-moi sur Twitter, @cinémorgane. Ouais, voilà. Mais casse-toi. Oh, bah, je m'en vais, c'est bon. Voilà. Je dirai tout ça à la fin, Morgane, pas de soucis. Ok, d'accord. Salut. Et puis, de toute façon, on se retrouve pour le prochain Movies Nerd. On va parler de ça assez longuement. D'accord, voilà. on parlera de ça. Il y a des choses en de ça, quoi. De cela, mais ne complique pas tout. Allez, au revoir. Salut Morgane. Ciao. Voilà, donc Eddie, tu peux continuer ton anecdote. Tu nous racontes ta vie, vas-y. Oui, voilà. Non, en fait, je disais que le problème, en fait, c'est que je suis impressionnable, mais ça dépend vraiment. C'est très sélectif. Parce que je me suis rendu compte récemment, j'ai vu il y a Écran Large qui avant la sortie de ça. Mmh. Et ils ont fait des petites récaps sur les adaptations d'œuvres de Stephen King. Ouais. Et donc ils ont parlé à un moment de Peur Bleue, qui est un film de loup-garou. Mmh. Et bon, c'est pas vraiment un bon film de loup-garou. Non. Mais alors, c'est même pas un bon livre. C'est même pas c'est un bon livre. Dire. Ouais, mais alors ce qui est drôle, c'est que moi, un vieux costume tout pourri me fait plus flipper que des trucs actuels. Mais voilà, que après, des c'est des trucs de subjectivité, c'est clair. Hein. C'est dingue ça quand même. C'est comme l'humour. Et ben, en fait. Ouais, mais moi, le loup-garou de Londres, ça m'a traumatisé. Ouais. Alors que c'est super mal fait. Enfin, moi, je fais partie des gens, tu sais, qui hurlaient avec la foule dans Paranormal Activity. Et or, mon frère à côté restait impassible. Donc, c'est des questions de subjectivité, tout ça, je pense, de toute façon. Paranormal Activity, le premier, m'a mis un peu mal à l'aise. Mais après, bon. Mais bon, après, ça dépend des trucs, tu vois. Comme Axel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais, ouais, on en parle souvent. Ouais. Gus DX, ouais. Par exemple, la web série, là. Ouais. Le chasseur de fantômes, là j'étais à fond dedans. Ça... ouais. Après, tout est une question d'ambiance, d'immersion. Mais moi, tu vois, Conjuring, ça me fait pas peur. Ouais, alors que par contre, ça, si, ça m'a fait peur quand même. Je suis devant et je rigole presque. C'est... Ah ouais, devant ça, j'ai rigolé. Je spoil un peu ma critique de ça qu'on fera dans le prochain Movies Nerd, mais j'ai rigolé et je devais me retenir de rire devant ça parce que ça me faisait rire. Moi j'ai bien aimé, voilà. Mais ça fait pas peur. Et je pense pas qu'il ait pour vocation de faire très peur finalement. Bah, le problème c'est que c'est vendu comme ça. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais. Bon. Donc voilà, moi Insidious 4, j'y connais rien. Mais non, mais donc du coup, j'aimerais bien dire quand même ce que je pense d'Insidious 4. Ah oui, pas de soucis, j'avais oublié que t'avais. Donc du coup, ben. T'as rayé ton temps de parole, moi. Voilà, ça va, je suis pas. La sentence est irrévocable, allez. Vas-y. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, les deux premiers, je les ai trouvés bien en tant que thriller fantastique, finalement, d'épouvante. Mais ça m'a pas fait peur. Après, l'histoire, je les trouve vachement intéressantes, par contre. D'accord. Donc, c'est pour ça que je les apprécie. Maintenant, là, le 4 a l'air de partir dans un truc un peu plus trash, bizarrement. Pourquoi pas. Après, on verra. Mais de là à dire que j'ai une attente par rapport à ça, non. En fait, ça va faire un peu comme le 3. Ouais. Finalement, j'ai jamais eu d'attente sur l'Insidious parce que le premier m'avait pas fait peur. Donc, du coup, j'attendais pas le 2. Quand j'ai vu le 2, que j'ai bien aimé, ça a été une bonne surprise. Donc je me suis dit, ah, le 3, ça peut être sympa finalement. Bon, le 3, j'ai apprécié sans plus. Donc du coup, bah, là, le 4, j'ai pas vraiment d'attente. Même si l'arc sur Élise me déplaît pas forcément. Donc, faut voir quoi. Ça va être. On verra bien ce que ça va donner. J'ai pas d'attente, non. Ok. Adrien, tu as déjà donné ton avis, pardon. Moi, j'y connais rien d'Insidious. De ce que j'ai vu, ça a l'air de ce que je pense d'un Insidious, quoi. Donc c'est des jumpscares partout. Enfin voilà. Ouais. Des films qui m'intéressent pas vraiment. C'est pas ceux qu'on abuse le plus. Hein, C'est clair, mais. Il y a beaucoup moins que dans ça, par exemple, beaucoup moins. Ouais, oui, apparemment ça, oui. Enfin bref, on en parlera une autre fois. Ouais, on en parlera. donc, on va passer à Suicide Squad 2, qui a trouvé son réalisateur. Je pense que Morgan aurait bien craché dessus, mais bon, voilà. Suicide Squad 2, il y avait des rumeurs comme quoi Mel Gibson allait réaliser. Enfin, franchement, les gens croient un peu n'importe quoi. Donc, c'est finalement Gavin O'Connor qui avait réalisé Mr. Wolf, Jane Got a Gun, ou encore Warrior. Voilà. Je n'ai vu aucun de ces films, donc je ne pourrais pas dire. Si c'était bien ou pas, et il scénarisera aussi le film comme David Ayer l'avait fait pour le premier, donc réalisateur scénariste Gavin O'Connor. Voilà, le film par contre est un peu retardé puisque Will Smith est occupé par le tournage d'Aladdin, donc voilà le tournage énorme priorité. Voilà, voilà, le tournage est repoussé pour l'année 2018, voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. On sait qu'il y aura toujours Margot Robbie et que Jared Leto reviendra en Joker. Wow. Voilà, et que David d'ailleurs, lui, se concentre sur un spin-off de la série Gotham. Donc là, Morgan nous aurait fait la blague, voilà. David est parti ailleurs. Comment ça ? Mais non, pas du tout. Non, c'est Gotham City Sirens. Il y a juste Gotham dedans parce qu'effectivement ça se passe à Gotham. Ah oui, pardon, j'ai mal lu en fait. C'est sur les personnages féminins, notamment Poison Ivy, Catwoman et donc Harley Quinn. Ouais, voilà, mais par contre, le titre. Parle pas si vite, Adrien, on n'a pas le temps de suivre. Non, mais voilà, Gotham City Sirens, c'est pour les personnages féminins de l'univers Batman. Et je trouve le titre absolument. Enfin, même si l'idée est pas mauvaise, mais je trouve le titre absolument dégueulasse. Mais c'est les sirènes de Gotham City, pour ceux qui parlent pas en anglais. Et c'est plutôt. Mais j'avais compris, ça va. Non, mais moi, je parle à des gens qui ne connaissent pas du tout l'anglais. Oui, voilà, bien sûr. Alors, Adrien, est-ce que tu as vu un de ces films dont on a parlé juste avant ? Je n'ai vu aucun des films de Monsieur O'Connor, donc je ne peux pas tellement dire ce que je pense de ce choix. Moi, de toute façon, j'attends Suicide Squad 2 comme j'attends tous les autres films de DC Comics, en fait. Donc oui, c'est une petite attente, mais pour l'instant, on sait tellement peu sur le projet, on ne sait pas ce que ça va raconter, on ne sait pas ce qui se sera passé d'ici là, donc dans l'univers DC Universe, donc ne me fais pas une Morgane. Bah écoute, faut bien remplacer. C'est une attente parce que c'est DC, mais voilà. Ok. Bon, Eddie, pardon. Bah moi j'ai Bah, Suicide Squad, j'ai pas détesté, moi, comme je le dis à chaque fois qu'on parle de Suicide Squad, je l'ai préféré à Deadpool, voilà, j'ai trouvé ça plus funky, j'ai passé un meilleur moment devant Suicide Squad que devant Deadpool, voilà, ouais. Je l'assume parfaitement, parce que moi, pour moi, Deadpool, c'est pas si irrévérencieux que ça, c'est même chiant, non, je trouve. Ouais, c'est chiant. Voilà, donc, du coup, puis moi, j'avais adoré Margot Robbie en Harley Quinn, c'est, pour moi, c'est vraiment le point fort du film. Donc, du coup, la suite, je pense que je la verrai certainement avec plaisir. Après, de tout le DC Comics Universe, c'est clairement pas ce qui t'intéresse. Ah oui, non, c'est pas mon attente première. J'attends plus Justice League ou Aquaman, par exemple, que celui-ci. Mais après, oui. Okay. Je me dis que ça peut être complètement différent du premier. Hein. Bah oui, non, mais clairement, s'il change de réalisateur, déjà, ça se trouve, ce sera pareil, j'ai pas vu les films de Gavin O'Connor, donc bon. Ouais. Bah, mais Warrior, apparemment, est pas trop mal. Enfin, a pas une mauvaise réputation du tout. Voilà, c'est ça, ouais. Donc bon, pourquoi on peut aussi espérer. Apparemment, Jane Gottogan, c'était pas ça. Hein. Et Mr. Wolf. C'est la première. Enfin, si je devais en entendre parler, mais j'ai pas vraiment vu de critique sur le film. Mais la série The Americans aussi, apparemment, c'était pas mal. Ah ouais, d'accord. Il a dû scénariser ou il a dû réaliser, je crois. Mais donc bon, après, faut voir quoi. Voilà, c'est ça. Si on peut avoir un film qui se passe pendant le jour, ce sera déjà bien. Parce que les films qui se passent pendant la nuit, c'est juste, surtout quand c'est éclairé comme de la merde, c'est vraiment pas terrible. Donc surtout, enfin moi le premier, Mais c'est vrai qu'à mon avis, scénaristiquement, ça va paraître ça va faire un peu Reddit, parce que du coup ils vont les ressortir de prison. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça va, mais bon après, il faut se dire voilà, peut-être que, leur mission sera plus intéressante aussi. Ouais, et peut-être qu'ils pourront enfin développer un peu les personnages, parce que clairement ça manquait. Moi personnellement, il y a aucun personnage qui m'a vraiment marqué, même Margot Robbie quand même, parce qu'elle était drôle, très drôle, je trouve. J'ai peut-être rigolé une ou deux fois devant Ce qui m'a le plus gêné dans Suicide Squad, c'était vraiment l'enchantresse. Je trouvais ça C'était affreux. Je trouvais ça laid et pas intéressant en fait, comme truc. C'était tout. Sinon, je pense qu'il y aurait eu une méchante plus charismatique et puis surtout ces sbires là, tout ça, ça aurait été plus intéressant aussi s'ils avaient été plus réalistes ou plus Et puis même les autres personnages à côté, parce que il y a pas que Harley Quinn quoi dans Suicide Squad. Je trouve que il y a aucun personnage qui sont vraiment marquants dans le film. C'est marrant, je crois vraiment le contraire. Moi je trouve que c'est bien incarné à chaque fois. Moi c'est un film que j'aime bien quand même. Ouais, mais moi tu vois, quand tu me parles de Suicide Squad, je pense à un truc noir mal éclairé avec des acteurs qui jouent ça m'a vraiment pas marqué, et je pense qu'aussi le fait de l'avoir vu en 3D très mauvaise a joué pas mal sur mon ressenti. Tu l'as pas revu depuis ? Non, je l'ai pas revu. Moi je l'avais revu une autre fois, même pour me refaire un avis. J'ai pas osé le revoir. Beaucoup bougé, voilà, bon, peut-être qu'un jour je le reverrai pour peut-être me refaire un avis, mais c'est pas ma priorité. Par contre, le Joker, non, ça je pouvais pas. Désolé Adrien. Ouais, moi c'est pareil. Ça marche pas. Joker pour moi, c'est pas. Donc voilà. Passons à de l'actualité du côté de X-Men, X-Force, qui est un énième spin-off. Ils se mettent aussi à faire des 3000 spin-offs dans la saga X-Men. Bon, si c'est bien fait, pourquoi pas. Donc X-Force, qui est une équipe qui est centrée autour de deux personnages, donc Deadpool et Cable, qu'on n'a pas encore vu de Cable. Alors, c'est qui ça? C'est un autre super-héros slash... Enfin, c'est un genre de... C'est pas un Deadpool bis, hein ? Non, c'est pas vraiment un Deadpool bis. Non, c'est... Il est quand même assez... Enfin, moi, j'aime beaucoup le personnage de Cable dans les comics, etc. Mais beaucoup Deadpool aussi. Moi, j'adore Deadpool dans les comics, mais voilà, ça n'a pas empêché que le film était... mais tout ce que je lis autour de Deadpool, c'est un personnage que je continue de trouver super cool. Hein. Ouais, même... Qui a l'air drôle... Mais c'est vraiment le film, quoi. Le film, il a entaché pour moi le personnage, quoi. Ryan Reynolds, je pense que c'est. Il s'attache beaucoup à ce rôle, mais je pense que moi, c'est pas un acteur qui me. Je trouve pas que ça soit une incarnation vraiment intéressante de Deadpool. Si c'est vraiment ça. Ils ont pris le pire des comics, hein. Pour moi, ils ont pris clairement le plus vulgaire et le plus sans fond, quoi. Voilà. X-Force, donc c'est une équipe de ça. Avec, ils ont trouvé un réalisateur qui est Drew Goddard, qui a réalisé, j'ai pas Ah oui, voilà. Il a. Alors. Ouais. Donc, il a. Bah non. Non. Il a scénarisé. Il a scénarisé. Cloverfield, World War Z et Seul sur Mars. Ou encore Seul sur Mars, il a fait d'autres trucs. Et il a réalisé La cabane dans les bois. Il était aussi showrunner sur la série Netflix Daredevil. Donc. Voilà. Qui a une bonne réputation, qui est très bonne, franchement. Voilà. Quand il était showrunner. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il a dû scénariser World War Z aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Seul sur Mars. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pas un mauvais gars, hein, clairement. Il s'y connaît dans les comics puisqu'il a, il a fait le showrunner sur Daredevil, qui est vraiment la meilleure série Netflix Marvel, je pense, à mon avis. Daredevil. Ouais, clairement. Je le dis à la française Daredevil parce que sinon on va pas. Je manque c'est à l'anglais Daredevil. Non. Daredevil. Voilà. Mais okay. c'est trop compliqué de le dire en anglais quand on parle en français. Donc voilà, je le fais pas. Donc voilà, moi c'est plutôt une bonne idée. Moi, j'aime toujours le personnage de Deadpool. J'espère que avec ce changement de personne derrière la caméra et derrière le scénario, ça changera un peu tout ce côté que j'aimais pas chez Tim Miller qui a réalisé le premier. Vraiment, enfin voilà, j'ai vraiment pas aimé ce premier film. Et donc Drew Goddard qui s'occupera de l'écriture du scénario aussi, donc voilà, il scénarisera. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Moi j'aime beaucoup l'équipe X-Force dans les comics. C'est voilà, c'est l'équipe Deadpool, Cable qui font des aventures. c'est plutôt cool. Franchement, c'est vraiment cool. C'est un peu les X-Men mais de un peu plus un peu du mauvais côté de la loi, mais pas vraiment. Enfin, voilà, c'est les Suicide Squad de chez X-Men, quoi. C'est à peu près ça, si on veut raccourcir vraiment, mais c'est. Voilà. Alors, Adrien, est-ce que tu connais déjà X-Force ou pas du tout, et est-ce que ça t'intéresse ? Je connais un petit peu. Bah, ça ne m'intéresse pas dans le sens où, moi, pour moi, X-Men, ça doit être le bateau qui coule. Enfin, je veux dire, moi, voilà, je fais partie des nombreux qui ont. Détester X-Men Apocalypse, mais des moins nombreux qui avaient déjà détesté celui d'avant. Donc, ouais. Moi j'ai adoré. Mais en revanche, Days of Future Past, pour moi c'était Pour moi c'était vraiment un des pires morceaux de la franchise. J'ai préféré X-Men 3 pour te dire. Mais bon. Ah non, justement, parce que justement il gommait toutes les erreurs du 3, c'est pour ça que je le trouve bien. Ouais, mais enfin je sais pas, je trouve que c'était très très facile et pas très honnête comme procédé. Mais bon, bref. Mais. Comme je suis très fan notamment de First Class qui avait été réalisé par un autre que Bryan Singer, puisque c'était Matthew Vaughn, je me dis que là, Drew Goddard, c'est vraiment pas un banquignol. C'est un mec. Et j'ai oublié de dire, mais c'est Josh Brolin qui prendra le rôle de Cable. Voilà. Ah ouais, oui, c'est vrai. Donc, oui. Moi, ça me branche bien, ça. C'est-à-dire oui, on a vu des images d'ailleurs. Je suis pas particulièrement intéressé parce que, bon, j'ai pas aimé Deadpool et que pour moi, X-Men, c'est un peu un bateau qui coule, mais d'un autre côté, c'est réalisé par un autre que Singer. Et par un type qui s'y connaît un peu. Après, en cinéma quand même. La cabane dans les bois, c'était pas non plus. Deux. La cabane dans les bois, c'était pas non plus exceptionnel. Pas mal, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal. Ça partait un peu en couille quand même sur la fin, moi. Ouais, je trouve. Mais c'était l'idée justement de la. Mais après, c'est ce qui fait aussi le charme du film, c'est que c'est complètement con. C'était donc, l'idée du grand mignolesque et tout ça, donc je me dis que ça peut fonctionner pour Cable et Deadpool, très clairement pour la X-Force, ça peut très bien fonctionner. Donc. Pourquoi pas ? J'en attends pas des masses parce que X-Men, j'en ai de plus en plus rien à faire. Mm-hmm. Mais pourquoi pas, voilà. Ok. Eddie, là, je sais que tu connais pas l'équipe X-Force, mais de ce que tu en as entendu parler, est-ce que ça t'intéresserait ? Ça peut. Ouais. Maintenant, j'attends une première bonne annonce peut-être pour me décider, mais oui, pourquoi pas. Ouais, clairement, moi. J'ai pas d'attente, mais pourquoi pas. Ouais. Clairement, personnellement, ce sera la première bonne annonce qui va tout décider. Si c'est dans la même veine que Deadpool, ce sera non pour moi. Mais s'ils arrivent à s'éloigner de ce carcan, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà, on verra quand on aura la première bonne annonce. On passe à une bande annonce justement qui fait très plaisir, enfin moi ça m'a fait très plaisir de la voir. C'est la bande annonce de Cro-Man, le prochain film des studios Aardman, dont on avait parlé avec Adrien dans un Parlons Cinéma il y a quelques mois déjà. On avait parlé du teaser de Cro-Man et là on a eu une vraie bande annonce avec ce qui se passe vraiment dans le film. Le film sortira le 31 janvier 2018 après Jésus-Christ, comme c'est dans la blague de la bande annonce à la fin. J'ai trouvé ça marrant. Voilà, les studios Aardman, toujours ceux qui sont derrière Chicken Run, Wallace et Gromit, ou encore Shaun le Mouton, reviennent avec un film sur les hommes de caverne, les hommes des cavernes, et qui se retrouvent dans une nouvelle ère, celle de l'âge de bronze. Et voilà, donc il y a un potentiel comique assez vraiment très intéressant. Franchement, moi, j'adore cet humour anglais de Aardman. Ça me fait toujours rire et ça me fait. Enfin, je me dis à chaque fois que je vois une nouvelle bande-annonce, par exemple d'un film, même DreamWorks ou alors Blue Sky ou des choses comme ça, les films d'animation un peu de seconde zone, on va dire. DreamWorks de moins en moins. Ouais, mais... voilà, c'est ça. Pas mal, oui. Mais souvent dans les bandes-annonces ou alors moi, je suis méchant, etc. Ils essayent de faire rire et c'est pas drôle. Mais vraiment, c'est gênant comme c'est pas drôle. Et là, franchement, il y a des blagues dans les bandes-annonces qui fonctionnent pour un film d'animation. Ça a l'air déjà d'être merveilleux. La bande-annonce a déjà des moments cultes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est tellement rare que c'est une pépite déjà avant d'avoir vu le film. Il y aura dans les voix principales Eddie Redmayne, Maisie Williams, pardon, de Game of Thrones, et Tom Hiddleston dans la version anglaise. Et côté français, il y aura Pierre Ninet qui assure le doublage du héros. On n'a pas de nouvelles de ce qui va prendre les autres rôles. Mais ah, c'est sympa, ouais, déjà, Pierre Ninet. Voilà. En doubleur, donc... il est bien. Il était super dans ce qu'il avait fait sur Vice-Versa. Ouais. Et donc, c'est une production, coproduction franco-britannique, hein, faut quand même le dire. Niveau casting vocal, ça envoie aussi. Donc, pour moi, c'est que du bon. Franchement, ça a l'air drôle et ça a l'air juste excellent. Et c'est déjà une petite pépite de l'animation. Bon, par contre, il va pas falloir y aller pour prendre un cours d'histoire. Hein. Ah non, mais c'est clairement. Hein, oui, non, mais c'est pour rigoler. Hein. C'est pas, oui, c'est pas c'est un de film la grosse, d'histoire. C'est la voilà, grosse marade, quoi. C'est comme un, si, mais réussi, en fait. C'est comme ça, si hein. Tu disais que les pierres à feu se passaient. Enfin, voilà, c'était un cours d'histoire. C'est la même chose. Il n'y avait pas mais des dinosaures et des hommes en même temps. Donc voilà. Les hommes et les dinosaures n'ont pas coexister, voilà, si, pour certains qui seraient perdus au fond de la classe. Eddie, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, j'adore Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, tout ça, ouais. C'est vraiment des animations qui me plaisent, même si Shaun le Mouton, ça doit pas être Aardman, je crois. Si, c'est Aardman. Donc, j'adore ça, je trouve ça super drôle, et c'est vrai que l'humour anglais me parle bien. Ouais. Parce que je pense que je suis un peu dans cette veine-là au quotidien. la bande-annonce, oui, ça m'a mis en joie, quoi. Moi, je sais que j'ai un coup de blues, je me remets, voilà, c'est Gromit, je suis mort de rire. Voilà, les petits lapins qui font au revoir, ça, je le fais tous les jours. Donc, je suis très fan, ouais, de ce film-là. Chicken Run, j'avais adoré aussi. Ouais, ouais. Je suis curieux. Je pense que s'il passe chez moi, j'essaierai d'aller le voir. Mais bon, c'est une animation qui est particulière. Et chez moi, la province. Ouais, c'est un peu. Déjà, j'ai réussi à voir Kubo, mais je pensais pas. Ouais. Donc, c'est. Voilà. On va voir. Ça va être au petit bonheur la chance. Mais en tout cas, oui, là, j'ai une attente pour celui-là. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Puis en plus, ça se passe à la préhistoire, ouais. Donc c'est cool. Oui, moi aussi. Adrien? Je ne dirai rien parce que je n'ai pas vu le trailer et je compte pas le voir. Ah. Okay, parce que voilà, moi j'en ai vu assez. Et mais donc, c'est peut-être pas plus mal, t'auras une surprise complète. Voilà, c'est ça. Moi les gags, je veux pas qu'on me les spoil. Je reverrai pas la bande-annonce. Hein. Donc je me contenterai de dire comme la dernière fois que c'est une grosse attente parce que Aardman sont des génies et j'irai pas plus, quoi. Voilà. Ouais, ben voilà. Moi c'est déjà une grosse attente aussi. Donc voilà, on passe à Wonder Woman 2 qui a, c'est officiel, Patty Jenkins va revenir à la réalisation ce qui est une très bonne nouvelle. Mmh. Donc, on a Gal Gadot aussi, bien sûr, qui va revenir en Wonder Woman. Hein. Heureusement, ça aurait été le comble. Attends. Non, bah, attends, avec ce qui se passe avec Ben Affleck, on est même plus sûr que ce sera le prochain Batman. Donc, arrête, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ils ont déjà une date de sortie. Alors, il faudra pas se tenir à ça parce que ça changera sûrement. 13 décembre 2019 aux États-Unis, bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Et puisque ça a été, en fait, ils ont repris la même réalisatrice parce que ça a été une grosse surprise pour eux, sûrement, de voir plus de $800 millions de recettes au box-office international quand même. Ils s'attendaient pas du tout à ça, je pense. Ah bah c'est sûr qu'après Batman v Superman. Hein, ouais, c'est clair que ça leur a donné un coup de boost et ils ont enfin compris ce qu'il fallait faire dans un film de super-héros. Je pense. Donc voilà. Eddie, est-ce que tu es content de revoir Patty Jenkins ? Ah bah oui, moi j'avais adoré Wonder Woman, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne origin story, comme on a dit tout à l'heure. Donc oui, très content, et puis c'est bien qu'il y ait des femmes aussi, des femmes réalisatrices soient plus mises en avant dans des blockbusters. Clairement. Donc rien que ça déjà, moi j'approuve à 200%, et si elle nous refait dans le même style, avec un peu plus de nouveautés, forcément, parce que ça va être une suite. Voilà, moi je signe et j'irai voir sans problème. Ouais, clairement. Et j'adore Gal Gadot en Wonder Woman. Moi je suis très. Pareil, elle me convainc parfaitement. C'est clair. Adrien ? Bah oui, forcément, c'est une attente. Parce que moi, je suis pas convaincu, comme Eddie, qu'ils ont enfin, entre guillemets, découvert comment faire des films de super-héros. Parce que pour moi, Wonder Woman, c'est voilà, un essai de film solo très différent de ce qu'ils ont fait habituellement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que je renie les autres. Je trouve que c'est une proposition tout simplement différente. Et que c'est aussi la preuve que DC sont capables de faire les choses différentes. Donc c'est très bien. Je veux pas que tout DC devienne Wonder Woman. Je veux pas que tout DC soit votre mec contre Superman. Donc, bah oui, forcément, c'est une attente puisque c'était une réussite ce film. Voilà, il y avait des espèces de défauts qu'il faudra régler en route. Il y avait des soucis de réalisation. Il y avait des soucis. En termes d'effets visuels, tout simplement, il y avait clairement des choses qui avaient l'air pas terminées. Ouais, il y avait ce qui me posait un petit peu. Du point sur de la cinématographique, ouais, un peu de green screen. Un peu trop de green screen. Ouais. Voilà, c'est ça, je trouve que. Et qui se voyait. Parce que au moi, début, l'écran, c'était l'écran, pas mal. Le fond vert, quand même. Oui, le oui. Fond, ouais. Voilà, mais moi, le fond vert, ça ne me dérange pas. Ouais. Notamment chez Snyder, mais là, je trouve qu'il faut que ce soit bien fait. Et là, parfois, c'était mal fait. Après, au début, c'était pas évident, parce que c'est vrai que c'était des scènes très, très éclairées. Ouais, tout à fait. C'était surexcé un peu, c'était un peu surexposé. Mais voilà, donc du point de vue cinématographique, je dirais que c'était la proposition peut-être qui moi le moins intéressé moi personnellement depuis le début d'essai. Mais c'était vachement bien, enfin je veux dire, c'était un vrai film de super-héros comme on les connaissait dans l'âge d'or des comics, vraiment après, tu vois, moi, c'est des au trucs premier con, degré, mais... sans cynisme, avec un scénario assez convaincant, extrêmement bien joué, Gal Gadot est formidable. Donc ce soit la même équipe, ça me paraît somme toute logique, et bah oui, tout à fait, c'est une attente, vraiment c'est une attente. Rien que revoir Gal Gadot avec le thème de Wonder Woman, moi ça me, ça me met en joie déjà. Et puis voilà, ça montre aussi que Wonder Woman c'est bankable chez DC Comics, puisqu'ils vont aussi, il y a une nouvelle là-dessus, la faire apparaître dans Flashpoint, ce qui est somme toute logique parce que c'est un personnage important de la trilogie de Flashpoint dans les comics. Mais donc voilà, c'est à mon avis, ça va il y en a qui disent que ça va devenir le Iron Man de DC Comics. Ouais. Je suis pas convaincu, mais bon, je pense en tout cas que c'est un personnage important. Et que Wonder Woman, ça aurait pu être le truc le plus ringard qui soit en plus. Hein. Tout à fait, je trouve que le pari est réussi et moi ça me manque tout à fait d'avoir la même équipe de retour derrière. Ça nous assure un bon film pour les prochaines années. Quoi. Ouais, et surtout que les reshoots qu'ils ont fait sur Justice League. C'était principalement pour mettre plus de Wonder Woman dedans parce qu'ils ont vu le résultat au box office. Donc voilà. Et d'ailleurs, juste après, c'est vrai que d'ici, on peut pas leur. Enfin, c'est con, mais bon, après, c'est très personnel. Mais je trouve qu'on peut pas vraiment leur en vouloir non plus quand ils se cassent la gueule, quoi. Parce que les pauvres, ils font des trucs qui fonctionnent pas, donc ils sont obligés. De re-shooter sans arrêt, ils sont obligés de revoir leur copie à chaque fois qu'ils ont des résultats en cours comme ça, quoi. Ouais, et ça se comprend finalement comme démarche parce que ils essayent, oui, ils veulent que ça marche leur truc. Ouais, donc c'est vrai que dans un sens, tu te dis en gros, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Après, ça excuse pas tout, hein, bien sûr. Mais, non, bien sûr, ouais. Et juste petite nouvelle en passant, comme on en avait parlé, je sais plus, dans un parlant cinéma précédent, que Joss Whedon avait fait des reshoots de Justice League et il sera crédité comme scénariste de Justice League. Voilà, Juste une petite nouvelle comme ça. Donc, passons à le prochain film de Spike Lee. Il s'associe avec Jordan Peele, donc le réalisateur de Get Out, qui était très bon, pour faire un thriller sur le Ku Klux Klan. C'est adapté d'un livre de Ron Stallworth, publié en 2014, dans lequel ce dernier revient sur son expérience d'officier de police afro-américain qui infiltra le Ku Klux Klan parvenant à saboter plusieurs projets de l'organisation. Le rôle principal du long-métrage devrait être tenu par John David Washington, donc le fils de Denzel Washington, actuellement à l'affiche de la série HBO Ballers, que je n'ai pas vu. Voilà. Prochain film de Spike Lee. Eddie, est-ce que tu connais le cinéma de Spike Lee et est-ce que le projet peut t'intéresser ? Alors, le cinéma de Spike Lee, pas du tout. Spike Lee, c'est celui qui... ils peuvent pas se saquer Quentin Tarantino, hein, c'est ça hein ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. D'accord. Non, je connais pas du tout, du coup, j'ai pas vu... je crois pas avoir vu le film de lui. Malcolm X, Malcolm X... Non, ça me dit tout, rien. Ouais. Ça me dit rien du tout. Par contre, bah, du coup, Jordan Peele, j'ai vu Get Out. Ouais. Et qui était bien. La fin m'avait un peu emmerdé, mais bon, c'était très intéressant. Du coup, je pense qu'il va être très à l'aise là-dessus. Ouais. Ce réalisateur-là, en tout cas. Il va être très à l'aise sur un sujet comme ça, parce que du coup, la communauté. Un peu space, on a déjà eu un petit avant-goût finalement dans son film. Ouais. Donc oui, ça peut être intéressant, mais là encore une fois, il me faudra plus d'infos pour vraiment créer une attente, quoi. Ouais. Après le Ku Klux Klan, je connais pas tant que ça, donc ouais. Je sais que c'est une communauté, mais après ça va pas plus loin que ça, quoi. Adrien. C'est une communauté. Ouais. Mais je vous le dis tel que je connais. Hein, j'y connais rien de plus. Donc, et si vous voulez éclairer ma lanterne, je vous en prie. Allez. Bah, disons que c'est pas communauté, le mot est. On parle souvent justement de communauté afro-américaine pour dire que Ku Klux Klan est une communauté. Oui, non, mais je comprends bien. Je sais bien que c'est pas très reluisant leur truc. Hein, dans Django Unchained. Je dis un mot, quoi. Oui, voilà. Voilà, ce que je dis, c'est juste que communauté, c'est un mot généralement. Pour les membres du Ku Klux Klan, c'est ceux qui ont la tenue avec le chapeau bleu, machin pointu. C'est le groupe suprémaciste, c'est un groupe de suprémacistes blancs. Oui, voilà. Blanc, oui, voilà. D'accord. Aujourd'hui des groupuscules et voilà. Bref, moi c'est une attente totale parce que entre Spike Lee et Jordan Peele, je veux dire l'alliance, on en rêve. Cinématographiquement, on en rêve. Je veux dire Spike Lee, effectivement, c'est Malcolm X, mais c'est aussi des films où il s'est plus intéressé aux tensions, pas seulement raciales, mais aux tensions tout simplement entre populations, dans notamment un film comme Le 25e Heure, je crois que c'était aussi de Spike Lee, il me semble. C'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui comprend tout aux relations humaines et qui sait très bien comment les mettre dans son film, mais en même temps, c'est un réalisateur engagé dans la cause afro-américaine. Jordan Peele, c'est en quelque sorte une étoile montante qui a réalisé Get Out, qui était formidable aussi sur un sujet très similaire. Donc, pour moi, je peux que en rêver, c'est-à-dire sur le Ku Klux Klan, moi pour le coup, c'est un sujet que je connais un peu. Il y avait un excellent documentaire sur la question, notamment qui avait été diffusé il y a 2 ans au Festival des Champs-Élysées. C'était lequel ? Qui s'appelait Welcome to Lee, qui parlait de ça. Et c'est lui qui a fait le remake de Old Boy. Spike Lee, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que voilà, c'est un sujet qui non seulement est fascinant, mais qui, traité par des concernés, peut devenir cinématographiquement un chef-d'œuvre. Donc moi, c'est c'est une véritable attente. Et voilà, j'attends de voir un petit peu de quoi parlera vraiment le film. On sait que ça parle du Ku Klux Klan pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais c'est une attente totale. De toute façon, rien qu'une alliance entre Jordan Peele et Spike Lee, pour moi, c'est déjà une attente démesurée. C'est pareil, à peu près pareil. J'ai à peu près le même avis que toi, en fait. J'aime beaucoup le cinéma de Spike Lee, même si j'ai vu Malcolm X et La 25e Heure. C'est les seuls films que j'ai vus. Le remake de Old Boy que j'avais pas forcément beaucoup avec aimé. Avec Josh Brolin là. Ouais, enfin franchement, enfin par rapport au film original, c'est clairement pas du même acabit, mais bon, voilà, c'était clairement un film de commande. Avec Jordan Peele, Get Out, c'est une des grosses surprises de cette année. Et ce sera clairement dans mon top de cette année parce que c'était vraiment vraiment très très bon. Moi, j'ai vraiment adoré. Très surprenant. Ouais. Et donc voilà, sur ce sujet aussi très intéressant, qu'un officier de police afro-américain qui infiltre le Ku Klux Klan, ça me paraît, enfin, juste, je m'imagine Spike Lee le réaliser, ça va être, je pense, assez vraiment très intéressant. Donc, mais le thème de toute façon est intéressant. Donc, ouais, oui, clairement. Ouais, c'est clairement. Sûr. Et il y a des trucs à dire, hein, clairement. voilà. Donc passons à la suite qui a fait du bruit sur internet. Ah oui, non, on va bien rigoler. On va bien rigoler. Putain, oui, c'est clair. On va reprendre les éléments dans l'ordre, comme on fait pour un rapport oui, de voilà. police. Faisons un petit on va faire un rapport de police. Alors, on t'écoute, Axel. La victime, alors, les spectateurs. Alors, Colin Trevorrow, vous avez été Colin Trevorrow a été écarté du projet de la réalisation de Star Wars 9. Dire viré. Voilà, il a été viré par. Par la femme voilà. Dragon, Kathleen. C'est toujours pour le même motif, c'est-à-dire qu'il raconte qu'il est prétentieux. Ouais. Voilà, c'était le même motif que pour Trank. Voilà, dès qu'il y a une personnalité qui les dérange un peu, il les vire en disant qu'elle est prétentieuse. Voilà. pour résumer. Et je suis pas un grand défenseur de Trevorrow, croyez-moi. Oui, oui. Colin Trevorrow s'est fait virer du Star Wars épisode 9, qui était censé sortir juste après celui qui va sortir en décembre. Se passer après celui qui sortira en décembre. On est passé à peu près une semaine sans savoir qui allait réaliser le film. Et finalement, ça a été annoncé que J.J. Abrams reprendrait son rôle de réalisateur qu'il avait eu pour le Star Wars épisode 7 pour ce 9e épisode. Donc, du coup. La boucle est bouclée et aussi on a dans la foulée Lucasfilm a annoncé que la sortie du long métrage était repoussée de 7 mois donc il sortira le 24 mai 2019 aux États-Unis au lieu du 20 décembre. Enfin ça coupe tout leur délire tout leur délire de film de Noël, ça leur coupe tout l'herbe sous le pied. Donc il faut laisser à J.J. Abrams le temps de revoir plusieurs fois l'épisode 6 pour se reconcentrer sur savoir comment finir la trilogie de toute façon. Ouais. Mais il faut qu'il revoie plusieurs fois le retour du Jedi, oui, pour, voilà, c'est ça. Pour bien, être sûr voilà. de bien refaire la même chose. Pour qu'il recopie les frames et tout ça, il faut quand même qu'il bosse. C'est pas facile son boulot. J'ai beau aimer le Star Wars épisode 7, vous le savez, mais voilà. Moi, bah oui, mais moi aussi, hein. Moi aussi, j'adore j'aime beaucoup le 7, mais je peux pas. Vraiment, je peux pas. C'est, moi, mais vraiment. Oui, alors là, Adrien, tu vois, bon, pour une fois, on va être quasiment d'accord en ayant des avis différents. Alors, c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est une situation impossible, je dirais. Ouais, mais j'aime le 7. Voilà, je prends du plaisir à revoir le 7, mais oui, je suis d'accord quand on dit que ça ressemble beaucoup aux autres, mais même moi, je l'ai dit, hein. Mais après. Ah, mais c'est même pas ça que je reproche, mais c'est de. Enfin, bref. Mais bon, c'est plein d'autres trucs, en fait. Et bon, bref, vas-y. Donc, tu veux savoir ce qu'on en pense, Axel? Ouais, ouais, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà, tu aimes quand même un peu Colin Trevorrow, puisque tu aimes Jurassic World. Mais, tout comme moi, d'ailleurs. Mais moi, je pense que j'aime plus Jurassic World que Colin Trevorrow. Après, ouais, je suis content parce que attends, c'est quand Safety Not Guaranteed, c'était très bien. Safety Not Guaranteed, c'était très sympa. Ouais, c'était très sympa. J'ai pas vu The Book of Henry, son nouveau film. Alors, apparemment, c'est sorti dans l'indifférence la plus totale. ouais. Et ça marche pas du tout. Mais bon, c'est con parce que ça avait l'air sympa pourtant. Donc, du coup, moi, j'aurais été content qu'il fasse un Star Wars parce que ça aurait peut-être pu. Il aurait pu prouver peut-être que non, Jurassic World c'était. Je sais pas. Moi je peux pas même pas vraiment dire du mal. J'aime bien Jurassic World. Mais après, je reconnais aussi que le film est imparfait. Mm-hmm. Moi, Jurassic World, je le trouve plus intéressant dans le fond que sur la forme. Donc, ouais. Voilà. Moi, ça m'a fait chier, clairement. D'entendre que Trevorrow était viré et que du coup, il était remplacé par Abrams. Parce que j'aurais aimé justement avoir une vision différente que celle du 7. Mmh. Et je me disais, après Trevorrow, il n'a pas non plus une filmo très conséquente. C'est con à dire, mais il en est encore à ses débuts en tant que réal, finalement. Donc j'aurais été curieux quand même de voir ce qu'il aurait pu faire. Bon, bah, on verra ce qu'il fera sur autre chose, quoi. Mais, et en espérant que sa carrière soit pas finie pour autant, parce que je pense qu'il a quand même des capacités. Hein, Bah, il produit le 2, non, Jurassic World. Il produit le 2, il produira certainement le 3. Et puis, non, puis bon, après, il y avait quand même des qualités. Non, attends, il y a des réalisateurs très, très doués qui se font. Enfin, il y a plus de réalisateurs qui se font virer de Star Wars que de réalisateurs qui ont fait Star Wars. Oui, oui, c'est sûr. Mais, donc, voilà. Mais bon, après, c'est facile de tout mettre sur le dos de Colin Trevorrow. Après, bien sûr, le Jurassic World n'était pas parfait, mais il y avait des séquences qui étaient quand même vachement fun. Enfin, toute la scène là avec les pas les oiseaux mais les ptérodactyles là sur Main Street et tout, c'est quand même, bah, c'est quand même super cool tout ça avec le Mosasaur et Gloop. mais non, j'aime bien, je pense qu'il a des bonnes idées. Après, il est un peu balourd, quoi, mais en même temps il faut qu'il se perfectionne. Comme beaucoup de monde, mais c'est facile, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont commencé en faisant des trucs un peu grossiers, puis aujourd'hui ils sont reconnus et tout. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je pense qu'il aurait pu avoir des idées, il aurait peut-être pu amener quelque chose de différent à Star Wars 9. Il aurait eu sa vision à lui, et là on va se retrouver avec Abrams, que j'aime bien au demeurant, mais c'est vrai que bah, s'il nous refait le même coup qu'avec l'épisode 7, bah, je pense que je vais apprécier le film, mais j'apprécierais, mais je me dirais bon ben voilà quoi, enfin ça va être très old school, ça va être beaucoup de références aux autres pour ne pas dire quasiment la même chose que les autres. C'est un peu ça qui m'emmerde, quoi. On n'aura encore pas de nouveautés dans l'épisode 9. Alors qu'avec le 8, peut-être qu'on peut espérer avoir quelque chose, même si c'est quand même bien parti pour être l'Empire contre-attaque. Donc, on va bien voir. Hein. Mais bon, c'est toujours chiant comme nouvelle, quoi. Enfin, qu'ils arrêtent de virer des gens, puis qu'ils fassent des films, quand même, parce que... Et puis, surtout, qu'ils arrêtent de nous sortir l'excuse à deux balles différents artistiques, Et au bout d'un moment, on commence à se douter qu'il n'y a pas que ça. Hein. Clairement. Adrien, vas-y, déchaîne ta haine. Non, mais c'est même plus de la haine. C'est-à-dire que je suis dépité, je suis tout ce que tu veux. C'est effrayant, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas le premier défenseur de Colin Trevorrow. Je n'ai pas vu ce film, j'ai vu que Jurassic World, que moi, j'avais plutôt apprécié, mais c'était une appréciation presque cynique, parce qu'en fait... J'appréciais Jurassic World parce que je trouvais que sur certains points, dans le sous-texte, il y avait beaucoup de foutage de gueule de Jurassic Park. Et que je crois que c'est aussi ça, pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, pas vous visiblement, enfin pas en tout cas, Eddie, mais beaucoup de femmes qui n'ont pas apprécié, c'est-à-dire que je pense que c'est des gens qui ont perçu le sous-texte aussi, quoi. Ah oui, pour moi, pas du tout, au contraire. Je trouve que textuellement, il y avait beaucoup de. Ah, mais pour moi, au contraire, il sait qu'il, de toute façon, il fera pas mieux que Jurassic Park. Voilà, donc, c'est coup, ça. Il a fait un autre truc. Pour moi, c'est surtout une critique d'Hollywood. C'est ça que je trouve vachement intéressant. Moi, j'avais reconnu aussi une critique du coup de Jurassic World Park dedans, mais je peux me tromper. Mais du coup, voilà, moi, c'est un réalisateur que ça m'intéressait un peu, mais voilà, c'était pas non plus un grand film du tout, je suis pas en train de dire ça. Mais c'est effrayant, quoi. Je veux dire, il vaut le virer parce que, effectivement, je pense que Colin Trevorrow, c'est pas genre à caresser de femmes dans le sens du poil. Clairement, c'est pas le genre. Oui, c'est sûr. Donc, du coup, Disney, ils veulent des réalisateurs qui caressent le fan dans le sens du poil, alors du coup, ils vont virer Colin Trevorrow. Enfin, c'est presque logique, finalement. Mais c'est ça, c'est vrai, tu vois. C'est une qualité qu'on peut trouver à Colin Trevorrow. C'est qu'il caresse pas le fan dans le sens du poil. T'as raison. Du coup, ils vont nous reprendre J.J. Abrams. Enfin, je veux dire, j'étais le premier à avoir dit que j'avais été très convaincu par Star Trek, le premier. Alors, son Star Wars, là, c'était ni fait ni à faire. Il y avait, même en revoyant, il y avait quelques bonnes idées visuelles, mais ça racontait tellement rien de neuf. C'était tellement du rebattu de tout. T'avais même une scène de cantina. Ça a brossé les fans dans le sens du poil avec des musiques mystiques quand on voit Sabre Laser de Luke avec Harrison Ford qui regarde limite la caméra en disant Chewie, on est à la maison. Enfin, je veux dire, il y a un moment. Moi, je suis, à chaque fois que je le revois, je suis de plus en plus épuisé, quoi. Et, mais c'était un film de fans, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un... Mais fanmate, ça m'aurait pas dérangé du tout, sauf que là, disons que Star Wars, l'épisode 7, ça démontrait bien à tout le monde que la franchise Star Wars n'appartient plus à ses créateurs, mais bien à ses fans, quoi. Mais bien sûr, c'est exactement ça, là, c'était vraiment... Et c'est le gros souci, hein. Je veux dire, bon, là, je vais spoiler, mais bon, si je peux pas spoiler... Je peux spoiler Star Wars 7. Tu vas spoiler le gros truc à quel on pense tous. Fameuse mort, les fans de Star Wars savaient très bien qu'elle arriverait. Parce que ça fait des années que l'acteur voulait qu'on touche son personnage et que George Lucas avait toujours refusé. Ah bon ? Ouais. Je ne savais pas ça. Si, si, ouais. Bah, du coup, pour moi, c'était zéro twist. Ah oui, alors que, savais que ça arriverait moi c'était zéro twist parce qu'un gros connard m'avait spoilé avant. Ouais. Ah non, moi quand j'ai vu Kylo Ren s'approcher, je savais ce qui allait se passer. Ah oui, non, bref, pas du coup, tout, voilà, c'était le seul twist entre guillemets du truc, et c'était même pas un twist parce qu'en fait, quand on s'intéresse vraiment au behind the scene, voilà, de la série, on sait que ça arriverait. On savait que ça arriverait. Quoi. Donc voilà, si c'était ça, la seule prise de risque de Star Wars 7 pour dire à quel point c'était épouvantable pour moi, c'est-à-dire que la seule prise de risque. C'était un truc, on savait que quand on s'intéresse vraiment au dessous, on savait très bien que ça arriverait. Oui. Donc mais là, voilà, oui, il y avait pas, c'était une fausse prise Wars de 9. Risque, quoi. Donc là, voilà, J.J. Abrams pour Star Wars 9. Hein. Bon, ok, si vous voulez, okay. Évidemment que j'irai le voir, c'est Star Wars, évidemment que j'irai le voir, mais... Tu vas réussir à me déprimer. Moi, ça me déprime, très honnêtement. Très mais non, mais il n'a pas forcément tort. Hein, non, c'est vrai mais justement, il n'a pas tort. Et c'est peut-être de l'aveuglement de ma part. Hein, c'est... Ah non, pas du tout. Mais c'est peut-être moi qui suis cynique et peut-être que ça va être vachement bien. J'en sais rien. Hein, mais, non, non, mais parce que trop, parce que moi, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu en salle, le Star Wars 7. Ah oui, okay, non, mais j'ai peur de le revoir parce que j'ai envie de le garder en mémoire comme un truc exceptionnel que j'ai vu et que j'étais complètement bercé, enfin retourné en enfance. Ouais. Et enfin voilà. Bah oui, mais moi j'ai fait l'erreur de le revoir alors que j'avais déjà moyennement apprécié la première fois. Quoi. Donc, ouais. Et là, je vais devoir le revoir en plus parce que moi je l'ai revu, hein, si ça peut te rassurer. Hein. oui, bien sûr, non, mais je pense que j'aurais pas non plus un avis qui va. Peut-être je concéderai plus de défauts. Faudra faire une spéciale Star Wars d'ici la sortie du 8. Faut prévoir des podcasts de 5 heures par épisode. Ouais, ouais, c'est ça. non, mais enfin voilà. Donc pour moi, c'est ni une bonne nouvelle ni une mauvaise nouvelle. Mais avec toutes les annonces qu'il y a eu précédemment, c'est presque même pas surprenant finalement. Parce que non, ce que je disais, c'est moi quand j'ai appris, j'étais ok, très bien, genre évident quoi, l'évidence quoi. Ouais, non, mais c'est. Alors, c'est une annonce qu'ils ont viré le réalisateur de Looper là juste avant la sortie du film. Ryan Johnson. Ça, non, mais en revanche, ils ont bien viré Lord Miller pour le film sur Han Solo. Ils l'ont remplacé par Ron Howard qui visiblement est en train de retourner tout le film. Hein. Ouais, clairement. Pour ça, pour vous dire que moi, ça commence à me faire presque rire, vraiment. Ouais, et c'est dommage de on tourner. On dit que Warner est décédé, c'est le bazar, mais regardez, au moins, ils ont deux réalisateurs et deux trois films de carton, quoi. Oui. Oui. Ouais, non, mais c'est dommage, je trouve. Voilà, j'attendrai de voir ce que donne déjà les derniers Jedi, le prochain, pour me faire un avis, voir si la même trame continue, donc le décalque du 4, le décalque du 5, et du coup, si c'est ça, je pense que le 9e, il n'y aura pas beaucoup de changements et ce sera un décalque du 6. Moi, j'ai pas vu les bandes-annonces, justement, c'est pour ça. Moi, j'ai vu. Hein, Voilà, je vais me garder la surprise. On verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, ils arriveront toujours à me donner de la poudre de perlimpinpin. Voilà. mais voilà, donc, non, mais c'est quand même un peu dommage, je trouve, parce que pour la trilogie originelle, justement, il y a eu trois réalisateurs différents. Mmh. Et on trois avait esprits différents. Voilà, trois visions différentes. Même si le 6, il y avait quand même George Lucas qui était quand même un peu plus. Ah, bah on sentait bien la patte Lucas. Voilà. Ouais, mais voilà. Il va vendre de la peluche. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime toujours. C'est celui que j'aime le moins de la trilogie originale. Moi. Ah, mais moi je trouve le climax tellement épique. Enfin voilà, j'adore le combat de Luke avec l'empereur. C'est celui que j'aime le moins. Hein. Oui, ça ne veut sûr, pas là, dire c'est... que je l'aime pas. Ouais, non, mais c'est ouais, vrai voilà. Que moi les Ewoks ils m'emmerdent. Hein. Pour moi ils ont aucun intérêt. Mais bon. D'accord. Non, je mais préfère Ewoks, l'Empire contre-attaque qui est fantastique. Mm-hmm. Ouais, c'est un chef-d'œuvre ça. L'Empire contre-attaque, de toute façon, on pourra faire mieux. Hein. C'est... Ouais. Mais voilà, donc on verra bien. J.J. Abrams, pourquoi pas. Enfin, franchement, on verra. Voilà. passons bon, à la suite. C'est triste quand même de se dire. Voilà. Sur une franchise aussi connue, aussi fédératrice, de se dire, bah ouais, on verra bien. Non, voilà. Mais voilà. C'est triste, hein. J'ai plus peur, c'est que j'ai plus d'attente pour Star Wars. Et ça, pour moi, c'était impensable il y a deux ans. Ouais. Et quand t'as plus d'attente pour Star Wars, bah, t'en as pas pour grand chose. Tout à fait. C'est ça. Ouais. C'est dommage hein, parce que enfin ouais, moi c'est des films que j'ai beaucoup d'affection pour et c'est Madeleine de Gaspard de Proust. Madeleine de Proust, oui clairement et même en les revoyant c'est pas avec Jurassic Park voilà c'est ça exactement on déplaise à Adrien et et en même temps, je voilà, c'est je trouve ça dommage de plus attendre, comme tu disais, Adrien, de plus attendre un Star Wars. Ça me paraissait impensable il y a même pas 2 ans, quoi. Et alors que j'ai toujours pas vu le Star Wars. Mais, là, il est chouette, mais oui, mais moi je suis fatigué de te le dire, de revoir. Tu vois, on gueule de Morgan parce qu'il a toujours pas vu le Retour du Roi. Même moi, Rogue One. Ouais. Ouais, t'as aimé. Mais aussi, Rogue One, il est super. Même moi, tu vois. Il est vachement bien, Rogue One. Ouais, bah c'est plus du Star Wars que. T'as même plus d'émotions que dans le 7. D'accord. Plus d'émotions que dans le 7, et c'est mieux que le 1 et le 2, voilà. Et puis qu'est-ce que. Oh, non, ça, c'est pas compliqué. Non, mais c'est vrai, et puis qu'est-ce que ça a de la gueule quand même, Rogue One. C'est quasi du niveau du 5, hein. Vraiment, je tiens à le dire. C'est quasi franchement, Axel, ouais. Regarde-le, tu seras ravi. Ouais. Ok. Okay, bah je commence à te connaître suffisamment pour. Oui, bien sûr, je sais. Non, mais je sais que je vais l'apprécier. C'est juste. Mais alors, faut dépasser le blocage. Juste... C'est juste qu'en ce moment, Star Wars, j'en peux plus. Ouais, faut dépasser le blocage. Non, mais ça, je peux comprendre. Bah, voilà, tu fais une avance rapide. Non, j'ai failli pas y aller. Hein. Ouais, je peux comprendre. donc voilà, on va passer à autre chose. On va passer à le prochain film. Complètement autre chose, hein, qui a rien à voir, mais qui a l'air sympa. Ah oui. Prochain film de Roman Polanski avec Emmanuel Seigné et Eva Green, qui sortira le 1er novembre au cinéma, donc c'est très prochainement. Donc c'est tiré du roman de Delphine de Vigan. Ouais, c'est ça. Voilà. D'après pas de une vegan, histoire... hein, ça n'a rien à voir. D'après le roman s'appelle D'après une histoire vraie et qui est un thriller psychologique qui suit une jeune auteure tourmentée par une fan intrusive. Donc c'est Emmanuel Seigné qui va camper cette écrivaine en manque d'aspiration jusqu'à sa rencontre avec elle. Donc c'est le prénom, hein, d'Eva Green. Donc mais tout le monde aimerait être tourmenté par Eva Green. Moi, je ne comprends pas ce mal-être-là. J'aimerais bien que Eva Green vienne me tourmenter. Du coup, ben voilà, prochain film donc de Roman Polanski, il a été montré à Cannes, mais hors compétition, voilà. J'ai pas vu les retours, donc je sais pas si ils étaient mauvais. Ils étaient mauvais pour La Vénus et la Fourrure aussi. Alors. Oui, de toute façon. De toute façon, on se fie plus au public de Cannes. Alors, non seulement il ne faut pas se fier au public de Cannes, mais il faut encore moins se fier au public de Cannes, enfin au public en général, concernant Polanski. Tout à fait. Oui, il a tellement de mauvaise réputation que du coup, La Vénus et la Fourrure, c'était génial. Hein. Enfin, c'était très très bon. Donc. Voilà. Carnage, c'était fantastique aussi. Moi, j'ai adoré Carnage. Non, mais je pense que les gens ont beaucoup de mal à séparer la vie personnelle et la vie. Ce que je peux comprendre. Et la vision extérieure. Bien sûr. Ça se comprend. Mais bon, pourquoi ils font pas la même chose avec Woody Allen ? Ils le font. Moi, ce que je dis, c'est que moi, tant qu'on m'impose pas de quoi que ce soit, je peux tout à fait comprendre qu'on n'aille pas voir les Polanski parce que problème moral et tout ça. Je peux tout à fait comprendre. Bien sûr, ouais. Bien sûr, mais c'est bien sûr, mais après. Oui, mais faut l'homme, pas... y a un artiste là pour le coup. Il faut pas chier sur le film sans l'avoir vu aussi, ça c'est. Oui, voilà, faut aussi faire un distinguo. Donc voilà, là la bande annonce déjà elle file à 3000 à l'heure, ça a l'air vraiment génial. On dirait un blockbuster. Mais c'est vrai. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit putain. D'ailleurs, il paraît qu'il y aura Roman en post-générique. Dans la scène post-générique, On n'a pas vu un film français qui bougeait comme ça depuis très longtemps, clairement. Franchement, ça a l'air. Surtout un thriller français. Il y avait Elle l'année dernière de. Mince. Ah! J'ai oublié le nom. Verhoeven. Qui était vraiment sympa, mais qui a pas l'air de. Non, mais enfin, quoi, t'as aimé C'était intéressant, mais sympa. Ah, non, mais ouais. Moi, j'ai bien aimé, voilà. Ouais. J'ai pas trouvé ça parfait. Je le vois, moi. J'ai pas trouvé ça parfait, mais j'ai trouvé ça très bien, voilà. Et celui-là m'a l'air juste génial, et je suis très impatient d'aller le voir. Adrien. Oh, bah moi, de toute façon, Polanski, c'est toujours une attente, puisque c'est un immense réalisateur, c'est un des plus grands réalisateurs, de l'histoire du cinéma. Donc, le réalisateur du Locataire, de Répulsion, de Carnage, de La Vénus, Chinatown, je l'ai rattrapé cette année. Le bal des vampires, tout ce que tu veux, c'est un immense réalisateur. Et donc là, en l'occurrence, c'est aussi l'adaptation d'un excellent bouquin des films de Vigan, effectivement. Je n'ai pas que lu. Que tu as lu ou pas Que j'ai lu, qui est exceptionnel, qui raconte... c'est déjà dit ce que ça racontait. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait dans la veine de Polanski, puisque c'est... on ne sait pas ce qui est réel et ce qui n'est pas. Ouais. Ce qu'on voit dans le bouquin, on ne sait pas ce qui est de l'ordre du fantasmé, ce qui est de l'ordre du vrai ou du pas vrai, dont le d'après une histoire vraie d'ailleurs. Donc j'ai eu la chance, moi, pour ce film, c'est pour ça que j'en parle un peu, d'assister à une conférence de presse au Centre du Livre de Paris avec Polanski des films de Vigan. Et c'était exceptionnel, très clairement l'échange était d'une qualité exceptionnelle. Et c'est un film qui va être, j'ose le dire, à mon avis, ça va être, c'est déjà le meilleur film de l'année, mais c'est même pas sorti. Quoi. On a le Hanoke aussi, il se trouve. Donc, moi, ce qui me fait chier, c'est que je pourrais pas le voir avant la fin de l'année. Ça va être formidable. Mais donc voilà, Polanski, moi c'est toujours une attente, et là en l'occurrence, le bouquin est tellement exceptionnel déjà que ça peut que fonctionner. Donc la bande-annonce en elle-même, elle est très bien, c'est-à-dire que c'est toujours très bien filmé, ça va à 100 à l'heure, ça... j'ai vraiment l'impression que c'est bien filmé, et pourtant c'est une mise en scène sans fioritures, c'est ça que je trouve formidable. C'est ça, tout à fait, j'ai l'impression que ça restaure l'atmosphère irréelle du bouquin avec le jeu complètement bizarre d'Eva Green et d'Emmanuel Seigné. Il y a quelque chose de très joué dans leur manière. Et pour de... le coup, Eva Green collera bien. D'exister. Voilà, tout à fait, c'est ça. Tout à fait. Parce qu'Axel, je sais qu'Eva Green, non, mais... elle a un jeu qui le dérange un petit peu. Voilà, et là, je pense ça. Que dans ce rôle-là, ça peut être complètement différent. Le choix est parfait. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que Eva Green, pour moi, c'est hit and miss. Enfin, c'est. Parfois c'est réussi, parfois ça, ouais. Ça me laisse de froid, et là ça a l'air juste parfait. Voilà. Rien que cette voix déjà. J'imagine moi ce qu'avait dit Burton quand on lui parlait d'Eva Green pour ce film, mais le répéter moi pour ce film là, c'est-à-dire qu'il avait dit, et quand on lui avait demandé mais pourquoi par rapport à Eva quel Green film de Burton film, du coup, je crois que c'était rapport à Peregrine, mais quand on lui avait demandé pourquoi toujours prendre Eva Green, et Tim Burton lui a demandé mais vous avez déjà vu Eva Green? Et pour moi, c'est tout à fait ça. Pourquoi en prendre une autre en même temps? Pour ce film-là, pour d'après une histoire vraie, pour le rôle de elle en plus, c'est parfait. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis Emmanuel Seigné, quand même. Bah oui, bien aussi, sûr, oui, je n'oublie pas, bien sûr, oui, tout à fait. Dans la vidéo, ça la fourrure, elle était déjà exceptionnelle, donc oui, il n'y a aucune raison. Ah oui, oui. Eddie? Oh bah moi, je suis très enthousiaste aussi. J'avais entendu parler du film. C'est vrai que j'ai vu la bande-annonce là vraiment juste tout à l'heure avant d'enregistrer. J'ai bien fait mes devoirs. Mais oui, moi, je suis assez impatient parce que je pense que ça peut être passionnant. Et bah moi, je pense que c'est un secret pour personne. Je suis un gros, gros fan d'Eva Green. J'ai encore beaucoup de films à voir de sa part, mais je serai un éternel fan de Penny Dreadful et toujours parmi de l'arrêt de la série, je le dis à chaque fois que je parle des Vagrines. Oui, ça me fait encore de la peine, mais bon. Mais du coup, voilà, c'est pour ça, je pense que pour combler ma peine, je vais me nourrir de tout ce que peut faire Eva Green. Je suis assez impatient, et puis ben moi jusqu'à maintenant je peux pas dire que j'ai eu de mauvaises expériences avec les films de Polanski. Il y a Rosemary's Baby qu'on a aussi oublié, mais qui est excellent aussi. Qui est très bon. J'ai découvert Chinatown cette année et c'était excellent avec Jack Nicholson. Enfin voilà, Carnage que j'adore, et La Vénus à la fourrure bien sûr. Il m'en reste encore d'autres, Le Pianiste. Oui, bien sûr, qui est formidable. Déjà, mais c'est un très grand film aussi. Oui. Ouais, mais c'est tellement, enfin c'est bouleversant le pianiste. Hein. Moi, ça m'a ému aux larmes. Enfin, et donc là, et pourtant, ça a l'air d'être quelque chose de complètement différent d'après une histoire vraie. Donc, très curieux là pour celui-là. Et j'ai oublié de le préciser, mais en plus, c'est Olivier Assaya qui a adapté le bouquin. réalisateur et scénariste de Sils Maria et Personnage Chopper. Enfin, je veux dire, comment pas attendre le faut film, que je le vois, Personnage Chopper. Je l'ai pas vu. C'est exceptionnel, regarde ça. C'est tout à fait Polanski, pour le coup. Sils Maria, j'avais adoré, moi. Donc voilà, moi, c'est une grosse attente aussi, et je suis très impatient de le voir. Passons à une autre bande-annonce, un prochain Ridley Scott. Donc il y a eu deux Ridley Scott qui vont sortir cette année quand même. Hein. Enfin, il y a eu Alien Covenant, voilà. Et il y a eu celui-là. N'en parlons plus. Voilà, n'en parlons plus. Et il y a celui-là, donc Tout l'argent du monde, donc qui sortira le 27 décembre. Et on espère qu'il a tourné ce film pendant qu'il était en train de tourner Alien Covenant. Je trouve que ça va bien, moi, Tout l'argent du monde, ça justifiera le... Voilà. ça justifiera la qualité de Alien Covenant. S'il a mis tout son talent là-dedans, ce sera... Rien ne justifie. Voilà, ça sera une espèce de petit pardon pour Alien Covenant. Voilà, donc on a une bonne annonce de tout l'argent du monde. Ça sort le 27 décembre, comme je l'ai dit. Ça parle... Enfin, c'est un fait historique, un fait divers historique que je ne connaissais pas. Et donc, c'est l'enlèvement en 1973 du petit-fils héritier du mania du pétrole, Paul Getty, par un groupe de mafieux. L'histoire fait les gros titres à l'époque. Moi je me suis pas renseigné sur le fait divers parce que justement j'ai pas envie de me faire spoiler la fin. Mais apparemment, il s'est passé pas mal de choses. Il y a un casting assez fort dans le film. On a Kevin Spacey, on a Michelle Williams, Mark Wahlberg, on a aussi un Romain Duris qui nous fait un des plus bels accents que j'ai jamais entendu. c'est absolument affreux. Mais bon, un accent, un mix entre italien et français, mais qui parle anglais. Et c'est juste à mourir de rire dans le film. Enfin, dans l'abondance, il fait... Enfin, voilà, c'est juste à mourir de rire, je vous conseille. J'espère que ce sera pas tout le temps comme ça, parce qu'il y a juste deux petits morceaux de quand il parle, donc voilà. Mais j'espère que ce sera pas tout le temps comme ça dans le film. Moi, le film m'a l'air assez intéressant, et voilà, j'espère que ça pourra justifier la mauvaise qualité de Alien Covenant, s'il a mis tout son talent là-dedans. Parce que Ridley Scott, c'est pas un mauvais réalisateur, hein. Mais non, c'est ça, clairement. Le problème. Clairement. Il a fait bien ça le souci. Voilà, c'est ça le souci. Il a fait des films exceptionnels, mais il a fait aussi des films très mauvais. Donc voilà, c'est... Mais comme beaucoup de grands réalisateurs, voilà, finalement. C'est ça. Comme tout homme, il peut se tromper, voilà. Et oui. Voilà, il s'est trompé trop sur la... non plus. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc moi je suis plutôt impatient de le voir. Ça a l'air d'être plutôt bien filmé, ça a l'air d'être assez rythmé. L'histoire m'intéresse, donc pourquoi pas. Adrien ? Non, mais comme je le disais tout à l'heure, tout l'argent du monde, ça pourrait être le titre d'un biopic sur Ridley Scott dans ses dernières années, finalement. Non, mais cela dit. Au-delà du troll, Ridley Scott, j'étais le premier à le défendre à l'époque de Prometheus, et moi depuis, enfin voilà, il a fait Seul sur Mars, qui était voilà. Seul sur Mars. Si, c'était bien. Un petit survival sympathique, mais c'était pas d'un niveau. Je veux dire, moi ça m'aurait plu si ça avait été d'un autre réalisateur, quoi. Mais d'accord. Ridley Scott, pour moi, il est capable de tellement mieux. Ensuite, on a eu. Alien Covenant. Cet immense chef-d'œuvre qui était. Je peux pas le dire, même en rigolant, je peux pas le dire. Ouais, donc voilà, on a eu Alien Covenant qui était épouvantable et raté sur tous les points. Donc là, voilà, on a ce film-là. Enfin, j'en attends rien du tout. Genre, vraiment. J'avais pas détesté Cartel, j'avais même trouvé ça pas mal. Et j'ai l'impression qu'on touche un alors petit peu. Alors que pourtant, il est loin de faire l'unanimité. Hein. Voilà, c'est ça. Et je trouve que celui-là, ben, je le défendais encore à l'époque, Ridley Scott. Donc voilà, Cartel, moi j'avais bien aimé. Donc je trouve que là, on touche un peu au même genre de thématique. J'irai le voir, ça c'est sûr, le casting est intéressant, mais même la bande-annonce, je trouve pas qu'il y ait de souffle de mise en scène particulier, il n'y a pas de joli plan, il n'y a pas de... Donc... Ouais, je pense que ça va être un Ridley Scott mineur, hein. Voilà, ouais, mais, non, mais clairement... Il n'y aura plus de Ridley Scott majeur, là, à mon avis, hein, mais... Oh, ça dépend. Ça m'étonnerait, ou alors il nous fait un comeback à la Coppola, il nous fait un Twixt, voilà, pour nous parler des profondeurs de son âme. Oui, bah alors, bonjour la gueule du comeback, hein, voilà, parce c'est ça, il n'est pas revenu pour autant, hein. Mais donc, ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas son film sobre, très clairement. Et voilà, bon, c'est pas une grosse attente, j'irai le voir parce que c'est Ridley Scott, mais j'irai le voir vraiment avec une attente proche de zéro, ou alors pour les acteurs, quoi. Ok. Eddie, moi ça peut, c'est le genre de sujet qui peut m'intéresser, mais j'ai un bon souvenir, moi, de Seul sur Mars, que j'ai revu avec beaucoup de plaisir, ouais. Que je trouve très sympa, ouais. Et malgré Matt Damon, mais oui, toi tu n'aimes pas Matt Damon, et oui. Malgré Matt Damon, tu as aimé Seul sur Mars. Et oui. Alors que c'était pas facile, c'était pas. Et bah, c'était quand même mal engagé. Bon, du coup, j'ai revu d'autres films avec Matt Damon, et maintenant ça va mieux. Tu as vu Will Hunting ? Et bah, du coup, oui. Ah. Et oui. Voilà. Attends. Et c'est Will Hunting, c'était très très bien. Ah. Et d'ailleurs, le fameux discours là qui recircule un peu partout sur Internet, c'est vrai qu'il est toujours d'actualité. Oui. J'ai pas vu Will Hunting. Ah, il est il très faut bien. Vois, il était sur Netflix en plus pendant un temps. Ah, moi j'adore Gus Van Sant et c'est un de ses meilleurs films. Hein, ah, je verrai. Et c'est également un très bon film de Robin Williams. Aussi, ouais. Ouais, ouais. Pardon, oui. Non, qui montre un peu, qui peut pas être, enfin, qui ne fait pas que le comique. Exact. Voilà. Il est très bon aussi dans le drame. Ouais. Donc, de là à dire que j'attends ce film-là, non. Mm-hmm. Parce que j'ai peur que ça soit un peu caricatural quand même. Ouais, moi ce qui me fait un peu peur, c'est Kevin Spacey. Ils font un peu trop. T'as vu le plan à la fin où il enlève ses lunettes? C'est genre, oh là là, mais regardez-moi ce maquillage comme c'est beau quoi. Non, mais attendez. C'est sûr, voilà. En plus, c'est beau, moi je trouve qu'il Et qu'êtes-vous prêt à faire pour sauver votre petit-fils? Rien. Ouais voilà. Bon, d'accord. Il y a un truc avec l'affiche qui a été remarquée sur Twitter, c'est-à-dire que le bus qu'on voit ne ressemble pas au personnage maquillé, qui lui-même ne ressemble pas au mec dont il s'inspire. C'est ce qui avait été remarqué sur Twitter, j'ai trouvé ça très pertinent, je voulais le dire. Ok, non mais j'avais pas vu l'affiche, donc... J'ai pas vu l'affiche, donc je peux pas... C'est le buste qu'on voit à un moment dans le film. D'accord. Ouais, donc c'est tout, Eddie Je le verrai comme ça, quand il me tombera sous la main, quoi. C'est ça. Moi, ce sera pareil. Mais s'il peut me faire un bon film, je serai content. Parce que moi, j'ai pas vu Alien Covenant, hein, donc... Moi, j'ai vu le premier Alien. Pour le moment, ça me suffit. J'ai vu Prometheus et... j'ai pas du tout aimé. Donc, Alien Covenant, je me suis dit non. Non, mais si t'as pas aimé Prometheus, ne regarde même pas Alien Covenant. Quoi. C'était chiant, hein, Prometheus. Hein. Enfin, non, mais moi, j'ai... Je veux dire, Prometheus, il y en a beaucoup qui l'ont détesté, mais la plupart, après Covenant, ont dit, en vrai, c'était pas si mal, quoi. Clairement. Mais moi, j'étais comme Adrien, j'étais à défendre Alien C'est con, parce que l'affiche d'Alien Covenant Prometheus. Était vraiment belle, par contre. Tout à fait. C'est vrai, c'est un des seuls bons points du film. Non, mais c'était un nanar, c'était une sorte. Il y avait des côtés Vendredi 13 quand Alien il attaque sous la douche et tout ça. Enfin, clairement. Bref, passons à Man of Steel 2. Donc, Matthew Vaughn est en. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de DC Comics. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça faisait pas trois news qu'on avait parlé. Ah, oui. Donc, Matthew Vaughn qui est en pourparler avec DC Comics Warner depuis 6 mois. Pour peut-être réaliser la suite de Man of Steel et il a pas l'intention de reprendre le ton donné par Zack Snyder et le ton à peu près gardé pour tout le DC Universe très sombre, etc. Il veut faire un film plus fun, plus feel good, coloré, héroïque. Comme Schumacher finalement. Il s'inspire de Richard du premier Superman qui dit qu'il a adapté à la perfection à l'époque et qui voudrait se rapprocher de cette version n'était pas hyper sombre non plus, je crois, non? Return, ouais. Il y avait déjà plus de violence notamment envers le personnage de Superman, il s'en prenait déjà plus dans la tête, quoi. Mais non, effectivement, c'était plus dans la lignée de Donner que dans la lignée que dans ce qu'on connaîtra après. Le Snyder, avec, c'est clair. Ouais, Snyder, ouais. Donc voilà, il veut faire un truc plus fun, ce qui est pas une mauvaise idée, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on broie un peu du noir chez DC, à part Wonder Woman. C'est vrai que jusque-là, c'était pas les films qui te filent la patate. Hein. Voilà, c'est ça. Tu sors de Gardien de la Galaxie 2, t'as quand même sentiment que... voilà. Et en plus, si c'est Matthew Vaughn qui peut réaliser Man of Steel 2, ça pourrait vraiment être super intéressant, je pense, au niveau de la proposition de réalisation. Alors, je n'ai pas vu Kingsman 2, Adrien aussi, Adrien l'a vu, je l'ai pas vu, moi. Enfin, je sais pas si... Oui, t'as dit que t'as préféré au premier, donc... C'est un film très fun, très réussi, un peu automatique, c'est un Vaughn mineur, mais oui, c'est plus réussi, je trouve, que le premier film. D'accord. C'est bien, parce que... C'est... On était tous les deux avec Eddie, Morgan était en train de... dire que c'était un chef-d'œuvre le premier. Nous, on était un peu gênés parce qu'on ne trouvait pas ça si génial que ça. Non, pour moi, c'est mineur, Kingsman. Le premier, il est sympa, le Il est Kingsman. Fun. Non, mais c'est bien. Mais voilà. C'est cool, mais c'est mineur. Tout. C'est bien, pour moi, c'est mineur dans sa carrière. C'est ça, ouais, clairement. Donc voilà. Matthew Vaughn qui réalise un Man of Steel, est-ce que ça t'intéresse, Adrien? Bah écoute, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Parce que moi je suis fan de la tournure de Superman depuis Snyder. Le mec il se pose vraiment beaucoup de questions. Vraiment, je te promets, j'ai réfléchi à la question. Ma position elle est un peu ambiguë parce que. C'est ça, moi je pensais justement, parce que je sais que tu aimes. T'es un peu des deux côtés. Je suis complètement des deux côtés parce que moi j'aime beaucoup le Superman par Zack Snyder, sombre et tout ça, machin. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'adore Matthew Vaughn. Donc je suis un peu embêté. Mais voilà, j'ai réussi à trouver une position médiane. Quand Justice League va sortir, on va très probablement assister au retour de Superman. Et ce sera un Superman qui suit, voilà, bon, je vais pas spoiler la fin de la fin de Superman, mais voilà, qui suit à ce qui on s'est la passé, connaît. On la connaît, mais suite à ce qui s'est passé, Ouais. voilà, va revenir sans Bah, doute, c'est voilà, comme le le. Superman héros qu'on connaît, le héros immortel qu'on connaît, Ah oui, où ce sera pas le finalement, Dark Superman? bon, a priori non, on sait pas, mais moi Ah ça ouais? m'étonnerait. Mais donc, de toute façon, je pense qu'à la fin de Justice League, que ce soit la partie 1 ou la partie 2, on aura un Superman normal et plutôt comme celui qu'on connaissait à l'ère de Donner, je pense, qui se sera finalement assumé en tant que héros. Donc, dans ce sens-là, ça me choque pas tant que ça qu'on ait un film Superman un peu classique par Matthew Vaughn. Ça me choque pas tant que ça. Ça m'aurait choqué à Parce l'époque de que Snyder, du mais. coup, les Justice League pourraient permettre au film de Matthew Vaughn justement d'être C'est ce que je plus. dis, c'est ce que je pense. C'est clairement ce que Ouais. je pense. Je pense que s'il part dans cette direction, ce sera pas tout à coup Superman et un héros lumineux. Ce sera un retour de Superman dans Justice League, peut-être en Dark Superman comme tu dis, mais qui finirait par le Superman tel qu'on le connaît. Ah, Alors voilà, d'accord. ça fait beaucoup de suppositions. Mais on ne sait pas non plus de ce que racontera le film de Vaughn, on ne sait même pas s'il se fera, donc finalement c'est aussi une Oui. supposition, mais C'est une ça fait beaucoup de supposition, hein, c'est pas suppositions, sûr mais encore. voilà, dans cette lignée que je pense qu'il va être adoptée, ça ne me dérange pas que Matthew Vaughn réalise un Superman fun et comme on connaissait à l'époque de Donner, du moment qu'on ne tombe pas dans le kitsch, quoi. C'est juste ça le problème, mais Matthew Vaughn, c'est pas le genre, cela dit. Ouais. Donc oui, même Kick-Ass et tout ça, c'était Non, je vachement trouve pas bien, que ça donc soit kitsch, moi, Matthew Vaughn. c'est pas, justement, c'est ce que je dis. Je dis que c'est pas son genre. Oui. Oui, Donc parce que en fait, il disait que les films de Richard Donner peuvent paraître kitsch, aujourd'hui, ce qui est pas faux, oui, parce mais en que même temps, il y a l'époque sorti en aussi, bien sûr, 76, aujourd'hui. enfin Mais ce que je veux 70, dire, c'est que moi, je bien veux pas sûr. d'un film à la Donner aujourd'hui. Ça aurait pas de sens. C'est le Ah bah problème du. Moi, non. j'adorais le film de Singer, mais c'est aussi le problème qu'il avait eu. C'est pour ça qu'il n'a pas fonctionné. C'est parce qu'il était plus adapté à son époque. Mais donc là, en Ah l'occurrence, moi, je bon? veux pas d'un film comme ça. Oui, c'est aussi un des problèmes. C'est beaucoup de choses qui lui ont été reprochées. Mais moi, j'aime Mais beaucoup qu'est-ce ce qu'il film-là. avait de Hein, pas mais. adapté? Moi, je le Bah trouvais parce très que actuel. c'était pendant la période où sortait, je rappelle, Batman Begins notamment. Donc Ouais, on voilà, était c'est. déjà rentré dans la lignée Ouais. des super-héros sombres Oh ou non, alors non, non, non, non, cyniques non. comme chez Man of Marvel. Steel, c'était vachement Non, bien pas Man of après. Hein, Steel. Man of Steel, pas Man of Steel, je parle de Batman Superman Begins. Return. Ah, Singer, oh là là, Oui, oui. Singer, Superman oui. Returns. Pardon, Pardon, Superman oui, mais Returns. Singer, Snyder, ça se ressent hein, dans la Non, conversation. non, je parlais de Singer. Oui, voilà. Non, Ah oui, non, non. ce que vient du coup, je l'ai pas vu celui de Singer. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, à mon avis, ça aurait du sens si un Ah, Superman c'est comme ça qui ça va être revenait, mais faut accroché. pas que ce soit kitsch, c'est juste ce que je dis. Voilà. Ouais, Mais oui, ok. pour le coup, sur le principe, oui, si ça va dans le sens que je dis, oui, ça m'intéresse. Ouais. Ok. Eddie. Bah, moi j'aime bien le premier Man of Steel déjà. J'aime bien la vision de Zack Snyder là-dessus. J'aime bien Batman v Superman aussi, du coup, maintenant. Mais une vision différente me gênerait pas non plus, donc pourquoi pas. Ouais, Moi ça, j'ai pas vu les Kick-Ass. Donc c'est c'est vrai que serré aussi, hein. Ça serré aussi. Matthew Vaughn, Le premier en tout à cas. part à part First Class et puis Kingsman. Kingsman, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup. Donc du coup, voilà, moi je suis pas contre une vision, oui, un peu plus funky entre guillemets. De Superman, surtout oui, si comme le dit à juste titre Adrien, bah, Superman du coup revient et Faut que ça accepte s'inscrive sa. dans une continuité, quoi. C'est juste ça l'idée, je Voilà. pense. Si c'est Moi, fait logiquement, pourquoi pas? ou alors un film comme le Joker qui est prévu en ce moment, donc complètement détaché de la continuité. C'est aussi Oui. possible, et pourquoi pas? Mais a Ouais. priori, là, ce serait quand même intégré dans le DC Universe. Ah, pour l'instant, Ouais. c'est pas, Enfin, c'est pas hein. sûr à Ouais. 100%. C'est pas sûr à Voilà, c'est. Ouais, 100%, quoi. Tout est encore à faire, je pense. mais alors, s'ils font un film sur le Joker sans Jared Leto, s'ils font Non, un mais bien film sur sûr, ouais. Superman sans Henry Cavill, Non, mais Un tout le monde va être pauvre, perdu, hein. donc. Ouais. Warner se tire peut-être une balle dans le pied quand même, hein, parce que déjà que c'est Ouais. compliqué, Oui, non, mais je je sais pense pas, qu'il faut c'est une pas idée embrouiller le comme ça qui public. me vient maintenant à l'esprit, mais j'en sais rien, en fait. Hein. Je bosse pas Ouais. chez Warner. Même si on Ouais. dirait parfois quand je défends les films. Ouais. ouais, moi j'ai juste peur que. Enfin, moi c'est une idée qui me botte franchement parce que je suis pas un très grand fan de Man of Steel. Bon, Et t'aimes pas Man of Steel, hein, de toute façon. j'aime pas Man of Steel, très clairement. Tu peux le dire, t'as le droit, Ah ouais, hein. voilà. Mais j'aime Batman v Superman parce que, enfin, déjà, moi le problème que j'avais dans Man of Steel c'était Henry Cavill que je trouvais pas du tout crédible, mais il m'a fait redécouvrir Superman avec Batman v Superman, donc voilà. Moi, ça me va très bien si ça peut changer, si ça peut faire un truc plus coloré, plus feel good, etc., plus héroïque. J'ai juste peur que ça dénote un peu. Et pour moi, je pense que, comme t'as dit Adrien, le film de transition, c'est Justice League, et c'est là où tout va se passer en fait. Ou Flashpoint, ça Si, dépend quand est-ce que le film arrive en ouais, fait. c'est vrai. Parce qu'il y a encore Aquaman aussi, voilà. Déjà, Aquaman, je pense pas que ça sera quelque chose de très sombre. Hein. Non, non seulement ce sera pas quelque chose de très sombre, mais en plus, de toute façon, à mon avis, c'est dans la lignée de Wonder Woman, donc ça fait partie de l'univers étendu, mais ce sera une histoire seulement d'Aquaman, quoi, je pense. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, pourquoi pas, mais je pense que voilà, il faut attendre Justice League pour voir la balance va pencher. Passons à Halloween, donc la saga multiple reboot, multiple remake, multiple film. Donc Halloween, on va pas, enfin le premier film qui était sorti en 1978 de John Carpenter, qui est un chef-d'œuvre, je vous le rappelle, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est très, très, enfin, c'est moi excellent. J'en ai des vieux souvenirs. Un très très, c'est, très grand film, vraiment. C'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps, clairement. Donc voilà. Moi, j'ai pas vu tout le Halloween, clairement. Mais j'ai vu que celui-là, moi. J'ai tout vu. T'as tout vu, bah, c'est très bien, c'est parfait. C'est parfait. Moi, j'ai vu jusqu'au 3 et j'avais bien aimé le 3, justement, parce que c'était complètement différent. Mais après, j'ai pas suivi. Faudrait que je les voie, la suite. J'ai dû voir la suite. Ouais, merci. parce que après, ça, apparemment, ça devient un peu comme Freddy, un peu comme Vendredi 13. C'est voilà, c'est des films qui sont parfois mauvais. Il y en a, c'est hurlé de rire. Ouais. Donc Jamie Lee Curtis a été annoncée pour revenir dans un film qui sera réalisé par David Gordon Green, le réalisateur de Delir Express ou Pineapple Express en anglais, et Joe, le film avec justement Nicolas Cage. et si je le dis pas, Morgan va me ah parce qu'il y a Ty Sheridan, voilà, il y a Ty Sheridan dedans, voilà. Avec la complicité aussi de Danny McBride, qu'on avait vu dans Alien Covenant, je sais plus qui elle jouait dedans, mais voilà. Danny McBride, c'est un mec. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Oui, pardon, désolé. Oui, on l'avait vu dans. Mais c'est un bon acteur, dans, Danny McBride. Oui, c'est un bon acteur. Vous voyez dans Covenant, mais c'est un bon acteur. Ouais, non, c'est un bon acteur, c'est vrai. Donc voilà, un énième reboot pour Halloween. Donc il y avait déjà eu un reboot de Rob Zombie qui a fait deux films. Je sais que tu les aimes, Adrien. Moi, je les ai pas vus et j'en ai entendu du mauvais et du bien aussi. Donc je pourrais pas dire ce que j'en pense. Jamie Lee Curtis, c'était l'héroïne du premier film. Elle était revenue dans trois films. Ouais, dans Halloween 2, film, dans Halloween 20 ans après, 20 ans et dans Halloween Résurrection, elle fait une petite apparition, voilà, le temps de se faire couper la tête. Le temps de se faire tuer par son frère, voilà. Donc là, c'est un reboot. Non. Voilà, c'est, bon, le problème, ouais. C'est ouais, le souci, c'est qu'on sait pas vraiment. C'est techniquement, ouais. Avec une tête en moins, c'est compliqué qu'elle revienne. Oui, mais justement. Ça se passera après le deuxième. Non. C'est pas exactement ça. Ouais, parce que ils disent quelque chose maintenant. Je sais plus où je l'ai lu. Mince, non, mais perdu. Ouais. Vas-y si tu sais. Alors en fait, ça va être un film. Il faut imaginer, comme pour ce qui s'est passé pour Alien et pour d'autres choses, que tout ce qui dépasse Halloween 2 n'est pas canonique. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, et heureusement. Oui, voilà, Halloween 2, pardon. Heureusement, ouais. Parce que, bon, je vais pas te spoiler Halloween 6 si tu l'as pas vu, mais il y avait un twist sur qui est Michael Myers qui était débile. Ah, d'accord. Mais okay. Voilà, donc ils ont massacré la licence, et c'est pour ça d'ailleurs que depuis il y a eu des semi-reboots avec 20 ans après, qui était un film hommage assez intéressant, et Halloween Résurrection qui était une grosse boost, clairement. Donc après, du coup, oui, on a eu effectivement les reboots de Rob Zombie qui étaient très intéressants pour des raisons différentes chacun des films. Donc là, on a un film qui va clairement être, non pas la suite vraiment du deuxième film, mais être dans sa continuité, dans le sens où seulement les événements du premier et du second film seront canoniques. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Donc c'est pas vraiment une suite, c'est pas du tout un reboot, enfin c'est en tout cas plus dans l'idée qu'on se fait du reboot, c'est plutôt un revival, si on peut parler de ça comme ça. Oh là là, ouais, il y en a. Voilà. On parle comme ça des séries maintenant, notamment la saison 10 d'X-Files, par exemple, on parle de revival, et je dirais que c'est plus dans cette logique-là que cette Halloween va exister. Donc c'est toujours produit par John Carpenter, enfin toujours, non justement, mais c'est produit par John Carpenter. Oui, c'est produit par John Carpenter. Et avec Jamie Lee Curtis, donc moi je dis pourquoi pas, si c'est pour nous faire un Halloween. Moi je veux vraiment du classique pour le coup. D'habitude je veux toujours des choses voilà, très différentes, machin, qu'on tente des trucs. Là, si ça peut être un Halloween classique, avec Michael Myers qui fait flipper et qui essaie de tuer sa sœur et qui tue des gens sur le passage, ça me va très bien. Je veux, même si c'est un truc psychanalytique comme Halloween 2, ça ne pose pas de problème, mais j'aimerais bien vraiment un film classique. Et en l'occurrence, bah oui, mais clairement, on n'a pas eu. Enfin, ouais. Voilà, en l'occurrence, c'est plutôt ce qui va être proposé, peut-être avec de l'humour, j'espère pas trop. Parce que le réalisateur de Délire Express, qui est un film plutôt voilà, sympa, mais ouais. C'est vraiment, enfin, c'est complètement la grosse comédie avec Seth Green et James Franco. C'est un film extrêmement différent, mais tout à fait intéressant. Et donc là, en l'occurrence, il paraît que l'idée serait un espèce d'humour noir. Je dis pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. On n'a jamais été là-dedans pour Halloween, sauf Résurrection qui était une bouse, mais c'était pour d'autres raisons. Je dis pourquoi pas. Halloween peut souffrir toutes les itérations du moment qu'elles sont cohérentes et pertinentes. Bon, attends, Jason est allé dans l'espace. Voilà, c'est ça. Et bizarrement, ça fonctionnait pas si mal, tu vois. Donc, c'était drôle. Halloween peut supporter ce genre d'itération, il n'y a pas de souci, il faut que ce soit pertinent, mais je fais tout à fait confiance à l'équipe derrière pour le faire. Si Jamie Lee Curtis a accepté de revenir, elle qui a toujours du mal avec ça, il faut toujours soit un gros chèque, comme pour Résurrection, soit vraiment que le projet l'intéresse. En l'occurrence, il paraît que c'est plutôt le projet qui t'intéresse. Donc, on va voir. Ouais. À mon avis, c'est intéressant. Comme le budget du film n'est pas énorme, je pense que c'est plutôt là-dedans qu'il faut aller plutôt qu'en fait, elle est revenue pour l'argent. Quoi. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc... Et moi, moi personnellement, j'adore les slashers. C'est vraiment des films que j'adore. Souvent, c'est des plaisirs coupables, hein, clairement. Voilà, c'est ça. Sauf pour Halloween. Sauf pour certains, Halloween, par exemple, ou par exemple, le premier Griffe de la nuit que j'adore. Ouais. Vendredi 13 un peu moins quand même. S'il a eu du c'est... bol d'être là, d'être à ce moment-là, d'arriver à ce c'est moment-là. C'est ça, clairement. Dans clairement. La période, quoi. J'aime beaucoup les slashers et j'ai, enfin, après j'ai pas vu le Rob Zombie, je sais pas s'il s'attachait vraiment à ce genre de parce que c'est quand même très carré un slasher. En fait, le premier Rob Zombie c'était clairement un hommage à Halloween 1 avec d'histoires un petit peu de Michael Myers en filigrane, mais très vite, ça devenait un hommage, vraiment un remake du premier. Le deuxième était plus psychanalytique et beaucoup plus personnel à Rob Zombie. C'était vraiment une histoire originale. Mais d'accord. Donc, oui, mais c'était, pour moi, c'était tout à fait pertinent. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici. Ouais, ok. Ouais. Parce que voilà, les slashers modernes, il y en a peu. Ouais. Il y en a, c'était VTV comme Skull ou... Oui, enfin voilà. Moi, celui qui m'avait marqué récemment, c'était Maniac. Ah oui, le remake d'Aja. Avec Elijah Wood, que j'avais beaucoup aimé. Franchement. Très très bon. Très très bon. Meilleur que le premier d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et osé. Quoi. Ouais. Donc pourquoi pas. Moi je suis assez. J'aimerais bien voir. Surtout que j'aurais pas des films à rattraper puisque ça se passe après le 2 et que j'ai vu jusqu'au 2. Tout à donc fait. Je te dirai lesquels il faut que tu vois, lesquels il faut pas. Ouais, voilà, parce que je pense que je vais me refaire un revisionnage pour Halloween de tous les Halloween. Tu peux aller jusqu'au 4 et après tu sautes directement à 20 ans après. Ok, d'accord. Ouais, mais si j'ai envie de regarder des nanars. C'est un cauchemar, vraiment. D'accord, ok. Voilà. Ok, bon. Eddie. J'ai pas d'attente parce que moi j'ai vu que le premier, je me rappelle plus trop. Mais ouais, franchement, très très bon. Donc du coup, de là, non, j'ai pas grand chose à dire. Ok, d'accord. Moi je l'attends. J'attends de voir ce qu'ils vont faire, en tout cas. Morgan est de retour, donc tu vas pouvoir nous donner ton avis sur Halloween et sur le retour de Jamie Lee Curtis. Donc le retour de Jamie Curtis, au départ j'étais un petit peu sceptique parce que comme l'a dit Adrien, elle meurt dans Halloween Résurrection qui pour moi est une atrocité qui a complètement gâché la fin bouleversante et géniale de Halloween 20 ans après elle revient qui est vraiment excellent, même si mon préféré reste celui de Carpenter évidemment. Donc je suis content qu'elle revienne. Je suis content qu'elle revienne en tant que Laurie Strode et qu'elle vienne pas juste pour un petit caméo, voilà. j'ai plutôt commenté Reddy. Néanmoins, il y a un petit truc qui m'agace dans tout ça, c'est que j'en ai un peu marre qu'on fasse des suites en oubliant les films précédents. C'est le cas avec Terminator dont on parlera tout à l'heure, c'est le cas avec plein de films, c'était le cas même du potentiel Alien 5 de Neil Blomkamp qui voulait oublier Alien 3 et Alien 4. Ouais. Enfin, je pense que pour faire des bonnes suites, il faut pas oublier quand même les films d'avant, parce que bah du coup les films d'avant, du coup ils ont non, mais je comprends, légitimité je comprends bien ce que je veux dire. En l'occurrence, il fait suite à Halloween 2 et depuis Halloween 2, que ce soit le 4, le 5 ou 6, surtout le 5 et 6, c'est des films qui plutôt mieux d'oublier parce que c'est parti dans des délires. Je veux dire, les origines de Michael Myers dans le 8 ils sont horribles. Dingue. Bah, c'est tout à fait normal, je trouve, de supprimer ça. Je veux dire, surtout si c'est pour raconter une autre histoire. On pouvait pas s'encombrer de cette espèce d'horreur, quoi. C'est aussi pour ça que Zombie était parti sur un reboot, parce qu'il pouvait rien faire avec ça. Enfin, on le comprend, le pauvre vieux. Reboot que je trouve un peu surestimé. En fait, j'adore la partie reboot. Justement, j'adore la partie. Hommage. Psychanalytique. Comment dire. Oui, voilà, et ce voilà, qui c'est ça. Pas tellement l'hommage à sa sauce et tout. Ça, le reste est un peu pâteau. Voilà, par contre, la deuxième partie qui se veut comme un remake du Carpenter, je la trouve carrément en deçà de ce qu'avait fait Carpenter. Mais après, la partie enfance de Michael Myers, elle est passionnante, quoi. Elle est passionnante. Voilà, okay. C'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, d'habitude, ça me gêne aussi qu'on supprime des pans de mythologie, mais là, en l'occurrence, c'est des pans de mythologie tellement hors sujet et peu pertinents que ça ne me dérange pas tant que ça. Ouais, d'accord. Passons à la suite. Passons à la suite avec Terminator. Donc, on parlait le mois dernier, il me semble, de Papy Cameron qui fait le fou et qui veut faire trois nouveaux Terminator. Donc là, il y a Linda Hamilton qui sera de retour dans le rôle de Sarah Connor pour le prochain film. Apparemment, il veut faire aussi la même chose, comme quoi ce serait finalement le 3. Enfin, il veut éliminer tout ce qui s'est passé et faire un vrai 3. Ce sont ces. Oh voilà. C'est trop tard. C'est trop tard, j'ai envie de dire. Le soulèvement des machines n'existerait plus. Oh, le mal est fait. C'est ça. Moi, j'ai un petit affect comme Morgan pour le 3 que je trouve pas si dégueulasse, surtout vu la suite qu'on a. Franchement, il est très bien. Surtout ceux qui viennent après. Ça se regardait. Quand tu vois Terminator Renaissance, c'est quand même un autre niveau. Hein. Clairement. Ouais. En même temps, Genesis, ça a été un sacré bordel ce film apparemment. Hein. Ouais. Non mais enfin voilà, tous les Terminator après le 2 ont été des bordels sans nom. Voilà. Là, apparemment, Linda Hamilton reviendrait en Sarah Connor et ils oublieraient tout ce qui s'est passé. Morgan, toi, je sais que. Si je vous dis que la seule référence que j'ai à Linda Hamilton, c'est le pic de Dante. C'est haut. Désolé. Hein. Bah, tant que tu cites pas King Kong 2. Ouais, et pourtant je l'ai vu. Ouais, c'est clair que bon. Et c'est de la merde. Et j'ai oublié de dire que le prochain volet de la saga sera réalisé par un certain Tim Miller, on l'avait dit. Réalisateur de Deadpool. Quelle horreur. Donc voilà. Ils veulent que ça marche. Mais par contre, il sera écrit et produit par Cameron, voilà. Morgan, toi, on sait ton affection pour Terminator, on sait ton affection pour Linda Hamilton. Oui. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne nouvelle, surtout le fait d'oublier aussi tout ce qui s'est passé après? Ben non, en fait, le fait d'oublier, non, je trouve que c'est pas une bonne idée parce que de toute façon, Terminator fait partie de ces franchises qui se sont engouffrées dans le néant de la médiocrité totale. Même si je ne déteste pas Terminator Genesis dans l'absolu, je trouvais que c'était un blockbuster relativement distrayant, même si dans la mythologie Terminator c'était complètement naze. Mais en tout cas, tant pis, Terminator est une saga, je pense qu'il ne faut pas relancer, il faut pas revenir en arrière, il faut pas faire de suite, il faut la laisser telle qu'elle est de toute façon, en ayant en mémoire le 1 et surtout le 2. En soi, je suis très content. Je suis très très très content que Hamilton revienne, mais après, qu'est-ce qu'il va en faire? Honnêtement, j'en sais vraiment rien. Voilà. Ouais, parce qu'on n'en sait rien de l'histoire pour l'instant, c'est complètement c'est caché, on sait pas du tout ce qui va se passer. Donc voilà quoi, on peut en avoir peur. Moi personnellement, j'en ai peur parce que Cameron qui me disait Genesis, c'est vraiment le 3 que je voulais faire. ça m'est resté en travers de la gorge. Ça m'est resté en travers de la gorge. C'est vraiment James Cameron. Ah oui, il a dit ça. Ah oui. Je savais pas qu'il avait dit ça. Ouais, il a dit ça dans une. J'ai pas vu Terminator. Alors. Non, ouais, vraiment, hein, il a dit c'est le meilleur Terminator depuis le 2. Voilà quoi. Alors que c'est clairement. Finalement, c'était pas s'engager. Hein, non, mais c'est. Enfin, pour moi, Genesis, c'est une infamie. C'est horrible quoi. C'est vraiment un des pires films que j'ai vu cette année, quoi. Et voilà. L'année dernière. Oui, c'était l'année dernière, mais. Non, 2015. 2015, il me semble. Hein. Une année très triste pour le cinéma. Je suis partagé parce que Linda Hamilton, c'est toujours cool de la revoir, bien sûr. Cameron, pourquoi pas. En plus, apparemment, alors j'ai pas noté ça dans les news, mais je dis ça rapidement. Avatar 2 est en train, enfin, je crois qu'ils ont commencé le tournage, si j'ai bien lu la news. Je l'ai pas mis dans le programme, mais voilà, on en parle tellement. Le tournage commence. On en parle tellement d'Avatar 2, on va en reparler sûrement. Donc voilà, le tournage a commencé, voilà, et on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, Cameron, je sais pas, parce que depuis, le dernier film qu'il a fait, c'était en 2009 quand même, hein, et ça va bientôt faire 10 ans. Oui, je trouve qu'il parle beaucoup. Moi. Donc voilà, c'est un peu voilà. C'est pas mal de tourner plus. Oui. C'est ça. Adrien, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais c'est un projet de plus de James Cameron et qui, pour le coup, repasse la main. Mais il me semble que c'était déjà le cas de Genesis, non ? Tim Miller, c'était déjà Genesis, non ? Non, c'est pas lui qui avait réalisé, il me semble. Je suis quasiment sûr. Bon. Forcément, je peux parler que de ça. Franchement, non. Alan Taylor, non, un certain Alan Taylor qui avait réalisé. Ah, d'accord, je me trompe alors. Alan Taylor, ça me parle. Thor, le monde des ténèbres. Voilà, c'est ça. Il a réalisé pas mal d'épisodes pour Game of Thrones aussi. Oui, aussi, c'est vrai. D'ailleurs, Emilia Clarke, qui incarnait Sarah Connor, qu'on oublie aussi, hein, bien sûr. Voilà. L'excellent épisode de cette dernière saison. Non, quoi. Je veux dire, un Terminator par Tim Miller, non. Laura Hamilton qui revient, pourquoi faire? Et on sait pas ce que ça raconte, on sait pas ce que ça va être. J'ai absolument aucune attente. Je suis fan de Terminator 1 et 2, mais et un peu du 3 que j'aime bien. Mais je dis des conneries, il a pas du tout réalisé. Va falloir s'arrêter. Non, je dis des bêtises. Hein, ouais. Non, mais va falloir s'arrêter là. Je pense pour Terminator, je pense que voilà. Tout est dit, tout est fait, et ça m'embête un peu. Ah oui, et surtout, j'ai oublié de dire qu'il y aura Arnold Schwarzenegger qui reviendra dans son rôle. Ça, c'est un des trucs les plus drôles du monde. Parce qu'il était pas crédible dans le Genesis, il était horrible dans le Genesis, mais c'était déjà normalement un robot c'est pas censé vieillir, ils essayaient de cacher ça, mais alors là ils vont nous le, enfin voilà, ça va se passer plus tard en plus, enfin voilà, donc c'est absolument affreux. J'ai vraiment peur pour ce film et voilà. Eddie, toi... Pardon. Terminator ? Oui, toi, t'as jamais vu les films, donc tu t'en fous. donc, mais... Non, mais je les verrai un jour, hein, mais il faut, peut-être pas tous. Hein. Le 1, alors, je sais que beaucoup de monde voit le 1 et dit « Ah, c'est un truc, c'est un peu vieillot, le 2, il explose. » Pour moi, le 1, il est aussi bon que le 2, personnellement. Mais c'est sûr que certains effets ont vieilli, mais au niveau de la réalisation, au niveau du scénario, c'est juste excellent. Donc voilà. Mais le 1 et le 2, c'est à voir en tout cas. C'est clairement à voir. Surtout si t'aimes James Cameron, franchement, c'est meilleur, je trouve. Donc voilà. On passe à la prochaine news qui concerne le reboot de Tomb Raider. Donc comme ça a été le cas pour les jeux, ils font un reboot des films. Avec cette fois-ci Alicia Vikander qui campe le rôle de Lara Croft, voilà, qu'on avait vu dans The Danish Girl ou Ex Machina, l'excellent Ex Machina. Ouais. je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Danish Girl, oui, elle était bien dans Danish Girl. Je sais que t'aimes pas Ex Machina, mais moi j'adore Ex Machina. Voilà. Et une vie entre deux océans, on te dira Morgan. Tout à fait, oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, elle campe le rôle de Lara Croft, pas Tomb Raider, Lara Croft, elle reprend le rôle de Angelina Jolie, qu'il avait campé deux fois dans des films qui étaient plutôt médiocres, personnellement, je trouve. Le premier, c'est du plaisir coupable, c'est fun, mais elle est classe, Angelina Jolie en Tomb Raider. Ça correspond bien, quand même. Ça va. Par contre, le Tomb Raider après, parce que je me posais la question, quand Angelina Jolie a joué dans le film, dans le premier film, les Tomb Raider suivants, les jeux n'ont pas été designés sur son physique à elle, justement ? Non. Le Legend, c'est celui qui est sorti après les films qui sont sortis. Oui, mais ça a suivi la logique des précédents, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez plus de moyens visuels, c'est tout. Ouais, mais je trouve. Donc c'est juste que le Angelina Jolie, enfin, ressemblait un peu à l'héroïne, quoi. C'est de base. C'est ça. C'est ça. Donc même si c'était des amas de pixels dans les premiers sur PlayStation première du nom, mais elle avait les tétons pointus. Voilà. pointé souvent, oui. Le prochain Lara Croft qui est sorti, une nouvelle adaptation de jeu vidéo, bien sûr. Là, on a eu la première bonne annonce. réalisé par Roar Utog, qui avait réalisé The Wave, un film catastrophe dont tout le monde a oublié. Ah oui. Et non. Ah oui. Que, dont je vous avais parlé. Quoi, tu l'avais vu? Bah quand même. Ouais. Ah oui, t'avais aimé, non, il me semble. Eh oui, ouais. Attends, c'est bien le Wave auquel je pense là, en 2016. Oui, ouais, Roar Utog, oui. Okay. Il est pas mal du tout, hein, d'accord, ce film. Hein. Je ne l'ai pas vu, mais je c'est un bon film catastrophe. Ok. Dans un fjord. Ouais, non, il est très bien, d'accord, celui-là, hein, okay, sincèrement. Voilà. donc, je vais laisser la parole à Adrien. Je sais que tu aimes la bande-annonce. Oh, bah oui, moi je trouve ça très chouette. Hein. C'est-à-dire que moi je suis toujours souvent partant des adaptations qui vont innover ou faire autre chose que l'original, mais je trouve qu'en ce moment on a que ça. Et donc là, ça m'a l'air de quelque chose d'extrêmement fidèle aux dernières moutures de Tomb Raider, donc celle qui arrive depuis maintenant... 2013. Je crois que ça fait 2013, c'est ça la première, ouais. Et puis on avait Rise of the Tomb Raider qui était exceptionnel. Ouais, donc ouais. Là, oui, enfin pourquoi pas, je veux dire, Alice Vikander, pour moi, oui, totalement oui, c'est non seulement une très bonne actrice, mais en plus, elle est tout à fait taillée pour le rôle de Tomb Raider tel qu'on le voudrait aujourd'hui. Je trouve ça très pertinent, ce choix de rôle. Je trouve que la bande-annonce est très réussie. Visuellement, ça en fait pas des caisses. Il n'y a pas vraiment de patte visuelle pour l'instant. Ça ressemble vraiment beaucoup au jeu. Ouais. Mais c'est pas vraiment un problème pour l'instant. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même des idées. Pour moi, c'est ce que j'essayais de dire, mais ça avait été contesté pas mal. Je disais que pour moi, le parti pris de la fidélité était aussi un parti pris visuel, en fait. Que c'était pas seulement je vais faire comme le jeu pour pas me fouler, quoi. Parce que c'est très difficile de faire comme le jeu. Donc pourquoi pas, moi je dis vraiment, enfin je suis très intéressé, on n'en sait pas beaucoup pour l'instant, on sait qu'il y a une backstory, on sait pas, enfin ça m'a l'air très fidèle et oui, je dis oui totalement. Ok, sachant qu'on retrouve aussi dans un rôle Walton Goggins qu'on avait vu dans Les 8 salopards et Daniel Wu de Into the Badlands, voilà, qu'on voit dans la bande annonce. Voilà, Eddie. Bah moi j'ai dû jouer un petit peu à Tomb Raider, il me semble. J'aimais bien. Je me rappelais surtout du majordome qui lâchait des ruines. Et du coup, j'avais vu aussi le film avec Angelina Jolie. Je me rappelle surtout du premier. J'ai dû voir le deuxième, mais plus trop de souvenirs. Ouais. Moi, j'avais bien aimé hein, le premier film. Bon, c'était nul, mais il y avait Angelina Jolie, de toute façon. Voilà. Ouais. Et je ne pouvais pas détester. Et du coup, moi j'étais assez content à l'idée du reboot. Ouais. Parce que je me dis, ce serait bien qu'il y ait quand même une franchise de jeux vidéo qui soit dignement adaptée au cinéma. Et du coup, quand on voit la bande-annonce, on peut se dire que peut-être ça va être bien adapté. Voilà. Je pense que ça va être assez fidèle. Oui, voilà. Moi, c'est maintenant, est-ce que ça va en faire un bon film? Je sais pas. Moi, je m'attends à un film d'aventure sympa. Pas être autre chose. Non, voilà. Bien sûr. Moi, Alicia Vikander me gêne pas parce que effectivement, c'est une bonne actrice qui, du coup, correspond bien en plus au rôle, notamment physiquement. Elle correspond bien au dernier visuel de Lara Croft. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi pas. Après, non, c'est pas une grosse attente, mais oui, je le verrai avec plaisir, je pense, ouais, celui-là. Ok. Morgan. Moi, c'est pareil. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que moi, en plus, j'ai joué au projet. Ça a pas l'air très beau, par contre. Hein. Si, je trouve que si. Oui, je trouve que c'est joli. Moi, ça en fait pas des caisses pour une fois. Je trouve ça. Ça fait pas fini, en tout cas. Ah non, c'est sûr. Mais en tout cas, envie de dire qu'il y a du potentiel. Je vais pas tomber dans le côté comparatif Angelina Jolie et puis Alicia Vikander, parce que je trouve que, en fait, avec Angelina Jolie, ça valait ce que ça valait, les films. Mais elle correspondait parfaitement. Qu'on aime ou pas, on pouvait pas dire que... Tout à fait, elle correspondait à cette idée de Lara Croft. Mais oui, puis même, en plus, c'est pas là où... Enfin, en tout cas, c'est pour nous, en France, que la ressemblance est d'autant plus frappante. C'est que celle qui double Tomb Raider dans les jeux vidéo, c'est celle qui double Angelina Jolie dans... Enfin, c'est la VF d'Angelina Jolie, Françoise Cadol. Juliette de Gênes, oui. Françoise Cadol. Françoise Cadol. Oh, Françoise Cadol. À chaque fois, je dis Juliette de Gênes. Non, Françoise Cadol. Et Françoise. Donc il s'énerve. Pourtant, c'est la plus belle VF. Hein. La plus belle VF. Comment? C'est la plus belle VF. Ah oui, non, mais moi, c'est une des VF que j'adore. Ouais. J'adore. Je sais pas, je regarde pas en VF les films. Ah mais si, Françoise Cadol, elle a une voix magnifique. Ouais. Sincèrement. Elle a une voix magnifique. Non mais si c'est la Tomb Raider de des jeux vidéo, j'ai joué en VF et je vois à peu près. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la voix aussi bon de Mary Alice Young dans Desperate Housewives. Et de la narratrice. Et de Sandra Bullock dans Gravity, voilà aussi. Donc, et voilà, exactement. Et donc je vais pas tomber dans le comparatif. Hein. Je trouve que les films d'Angelina avec Angelina Jolie, pardon, n'avaient sûrement pas la même ambition. Est-ce que ça se voulait fidèle? J'en sais rien. Parce que moi, comme Eddie, hein, le seul souvenir que j'ai de Tomb Raider, c'est juste le manoir et j'enfermais le vieux majordome dans le frigo. Donc bon. Voilà. Oh, et ben voilà. Tu vois Morgan. C'est mais de l'aventure. C'est l'aventure. Non mais moi le problème c'est que j'ai jamais moi j'arrivais pas à aller plus loin. Moi non plus. J'étais trop nul. J'arrive pas. Moi aussi. Voilà. Je comprenais pas. J'avais mal à la tête à force. Hein. Ça faisait mal à la tête les problèmes. Les énigmes. Puis pour se déplacer c'était chiant. Tu faisais un trésor, les aventures, les trucs qui s'écroulent. Non, c'est trop bien. Hein, j'adore ça. Ah oui non mais j'en doute pas. Mais moi je préfère regarder les autres jouer parce qu'ils y arrivaient. Oui parce voilà. Que en plus. C'est pour ça que j'aimais bien les films. C'est parce que du coup elle me montrait ce que j'arrivais pas à faire. Non mais c'est surtout qu'en plus quand pour la maniabilité. Fallait monter sur une balustrade. Non, c'était horrible. Le gameplay est pas terrible. Des premiers, cas, est vraiment pas terrible. Je suis désolé, mais moi, mon niveau gameplay, c'est les Sims. Hein. Ah oui, forcément, c'est moins nerveux. Ah bah oui. Mais déjà, écoute, c'est une manette, alors que c'est. Enfin, voilà. Tu joues avec une manette à Tomb Raider. Alors, je jouais plus aux jeux de voiture. Moi, j'étais très bon sur Need for Speed. Bref, Morgane, tu voulais. Et donc, je trouve pas ça spécialement moche, au contraire. Je trouve que ça promet d'être un bien bon film d'aventure. Après, je vais me méfier toujours sur l'adaptation jeu vidéo, parce qu'après. Il y a l'air d'avoir des plans iconiques hein, dans les tombeaux. Oui, totalement. Totalement. C'est vraiment repris. Ça, c'est cool. C'est super sympa cool. De voir ça. Ouais. Et après voilà, je m'attends pas, je vais pas tomber dans le comparatif encore une fois de la comparaison avec les jeux vidéo, etc. Parce que même la dernière fois que j'ai autant cru à un film adapté d'un jeu vidéo, c'était Assassin's Creed. N'en parlons pas. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très bien et très bien adapté. Oh là. Il y avait des problèmes. Et on t'avait prévenu, Morgane, on t'a prévenu. Hein. Ouais, mais voilà, il y avait voilà, c'était. Moi, je te l'avais dit que ça serait de la merde. Rien du tout. Moi je t'avais dit que c'était déjà pas beau dans les bandes annonces. Très bien, c'était effectivement très bien. Mais bon, vu que tu m'écoutes pas, bref. Ouais, voilà. Bon. Et bah du coup, ouais. Je l'attends quand même. Voilà, j'ai envie de dire d'accord. Pourquoi pas. Je vais pas être hypé, je vais pas bâcher le truc. Au contraire, pourquoi pas. Moi ça je me dis mal. Que je peux. Moi en fait, j'attends plus rien des adaptations de jeux vidéo. Si c'est bien, bah, c'est très bien. Si c'est pas bien, bah, tant pis, j'en attendais rien. Tu fais la transition. C'est Warcraft. Voilà, tu fais la transition parfaite sur ce que je voulais dire. Mais. Tu voulais dire quelque chose encore, Morgane ? Non, okay. Parce qu'Adrien il a dit Warcraft et j'ai fait non, pas Warcraft. Ah voilà, c'est ça, c'est justement moi. Mais pourtant Warcraft c'est pas le pire. Hein. Ouais. Non. J'aimerais d'ailleurs. Non, je suis désolé, c'était c'est quand même bien laid pour le coup. Warcraft. J'aimerais d'ailleurs. J'ai pas dit que c'était joli. Ouais. J'ai dit que c'était pas le pire. J'aimerais bien qu'on fasse un jour. Jeu, ça, j'aimerais bien qu'on fasse un jour une vraie adaptation de Mortal Kombat. Parce que je pense qu'au cinéma, si on ose. Mais James Wan, il voulait. Hein. Non, il voulait le produire, il me semble. Mais. Ouais. Mais vu t'as vu le niveau des jeux. Ouais, voilà, c'est pas non plus. Enfin, faire chier. Tu hein. Vas pas adapter. Il y a pas un scénario très exceptionnel. Mais justement, regarde Kingsman 2, ça va, hein, c'est plutôt proche. De quoi Mortal Kombat. Tu trouves Ouais, je sais pas, ça m'a fait penser dans les films d'histoire et tout ça. Oui, à la limite. Mais justement, Mortal Kombat, il n'y a pas de scénario prédéfini dans les jeux vidéo. Donc il est libre. Il a juste à reprendre les personnages et à écrire un peu ce qu'il veut. Comme le faisait le film de Paul W.S. Anderson, par exemple. Ah non, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Il est bien. À part Christopher Lambert, c'est le seul qui sauve le truc, quoi. Non, et la musique. Ah, mais il fait trop peur à la fin. Bref, moi, ce que je voulais dire, c'est. Je me fais avoir une fois, mais pas deux. On peut tromper une voilà, fois. Voilà, c'est ça. On peut. Oh, merde. Fool me once. Voilà, shame on me. Fool me twice, shame on you. C'est la version anglaise. Voilà, moi. J'ai rien compris. C'est pas grave, c'est à peu près la même chose, mais c'est plus facile à dire en anglais. Moi, on m'a eu pas mal de fois, j'y ai cru à certains projets, et je croyais dur comme fer à Warcraft, comme Morgan croyait dur comme fer à Assassin's Creed. Parce que Duncan Jones. Non, parce que Warcraft. Ah bon. parce que Blizzard derrière, parce que les créateurs étaient derrière. Bref, je me suis fait avoir assez de fois avec des adaptations de jeux vidéo. Pour moi, il n'y en a aucune qui soit bonne, vraiment. Il n'y en a vraiment aucune. Silent Hill, c'est le plus proche, qui se rapproche du jeu. Oui, quand même, qui est à peu près en peu termes d'ambiance, oui. Ouais, en termes d'ambiance, même, mais ouais. En termes de scénario, je trouve ça pas terrible. Mais voilà, en tout cas, au niveau de l'ambiance, c'est celui en qui même temps, se rapproche le plus. Heureusement, parce que venant de Christophe Gans, ça aurait été un comble que l'ambiance soit pas réussie. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, moi, je n'attends plus rien des adaptations de jeux vidéo. Je me suis fait avoir déjà assez l'année dernière. Y en a marre. Voilà. Donc voilà. La coupe est pleine. Alors moi, ce film, quand j'ai vu la bande-annonce, bah, je me suis dit, ah, c'est cool. Enfin, déjà, ce qui est cool, c'est que... Ça t'en a touché une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Je reprends voilà. ton expression, mais... J'adore cette expression. Bon, mais c'est bon. Je reprends ton expression, mais voilà. Ce qui m'a fait plaisir en voyant la bande-annonce, c'est qu'il n'y a pas trop de green screen. C'est qu'il n'y a pas trop de fond vert. C'est ah qu'il bon il fait ça en décor naturel à peu près. C'est pas à part la scène dans le bateau qui est très numérique et là ça me fait un peu sursauter, mais sinon le reste, tout ce qui est sur l'île, ça a l'air d'être assez fait en décor naturel et ça me plaît. Ça... Bon, après la bande annonce en elle-même, elle est très kitsch. Ouais, bien sûr. Mais après sa légende, machin, nanana, mais machin. Justement, si c'est pris ouais. Si c'est pris pas trop au premier degré, ça pourrait fonctionner, je trouve. Parce que faut pas se cacher, les scénarios de Tomb Raider, c'est clairement pas le haut du scénario de jeux vidéo. Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Clairement. Moi j'ai plus joué à la période PS2, donc Legends Anniversary Underworld. C'est clairement pas des jeux avec des scénarios de dingue. La nouvelle incarnation, 2013, j'ai joué juste au premier par Rise of the Tomb Raider, j'ai pas encore eu le temps, mais j'avais beaucoup aimé. Et il y a vraiment de comment dire, il y a plus de tension, beaucoup plus de tension justement, et la tension qu'on ressent, c'est en jouant. Et moi j'ai peur que la tension on la ressente pas dans le film. Ouais, faut voir, c'est un pari, faut voir. C'est vraiment un pari, et pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être générique à mort. Mais s'ils peuvent au moins me donner un bon film d'aventure, j'en demande pas plus. Franchement, c'est... Mais de toute façon, on verra pas de T-Rex, là, dans cette adaptation. Non. non, je pense pas. C'est con. Je pense pas. C'est pas générique, peut-être, on verra. ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme dans La Nuit des Morts Vivants, la main qui sort... Parce que le T-Rex, c'était dans le deuxième, hein, c'est ouais. Ça oui, c'est ça, il me semble, ouais. Donc voilà. C'est pas vrai, parce qu'une main de T-Rex, c'est pas très impressionnant, je le rappelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Justement, c'est ça qui me ferait rire, en fait. Mais voilà. Donc pourquoi pas. On verra, ça va sûrement être un truc très générique, mais s'ils peuvent au moins faire un bon film d'aventure, on leur demande pas plus. Et au moins, ça fera un film adapté de jeu vidéo qui est bon. Voilà. Déjà ça. Ou au moins sympa. Voilà. Passons à la suite, un remake américain de Un Prophète, donc le film de Jacques Audiard qui avait reçu 9 Césars, qui a reçu le prix, le grand prix au Festival de Cannes aussi. Donc remake américain qui est dans les cartons depuis très longtemps, et ça semble aboutir à quelque chose, puisqu'on Sam Raimi serait à la mise en scène. Bonne nouvelle, j'ai envie de dire. On aurait. C'est bizarre. Le studio serait en négociation avec Josh Brolin et Michael B. Jordan. J'aime bien. Pourquoi il rigole ? Eddie, c'est bizarre. Donc, c'est bizarre. Mais je sais pas. Mais non, mais on n'a pas l'habitude de le voir sur des projets comme ça. C'est vrai que j'attendais pas Sam Raimi. Oh, oui, voilà. C'est vrai. Moi, ça m'a surpris. Bah oui, mais ça pourrait être très intéressant. Non mais je dis c'est bizarre, mais c'est pas forcément péjoratif, ah oui, c'est juste que ça me surprend. Bien sûr. Non, c'est la... Excusez-moi d'avoir un ami, bordel. C'est la manière dont il l'a dit, en fait. C'est bizarre. Oui. Ça me remue sur un prophète, mais c'est bizarre. C'est pourri. C'est étrange. Donc voilà, Josh Brolin et Michael B. Jordan pour les rôles principaux. Pour l'instant, c'est pas sûr, mais ils sont en pourparlers avec le studio. Ouais, on a même des idées de casting déjà, hein, je vois. Intéressante. Oui, je sais pas si t'as des nouvelles plus récente que la mienne, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ça, et aussi que l'auteur Denis Lehan qui va adapter le scénario en fait au cinéma, donc l'auteur qui avait fait Gone Baby Gone, Mystic River et Shutter Island, voilà, et qui sera en charge du scénario. Voilà, donc moi personnellement j'ai pas vu Un Prophète de Jacques Audiard, donc voilà, je pars complètement... Mais je pense que ça m'intéresserait. Parce que... Moi, je l'ai depuis un moment, il faut que je le voie aussi. Tu l'as pas vu non plus ? Bah non. Ok, ouais. Bah voilà, bah, moi j'en entends beaucoup. Non, mais de toute façon, j'ai aucune crédibilité, moi. Donc, non, mais, non, mais... personne n'a crédibilité. Ma culture ciné, c'est une catastrophe. Non, mais voilà, moi je l'ai pas vu, j'en entends beaucoup parler. En bien et en mal, mais voilà, donc bon, plus en bien qu'en mal, oui, plus en bien qu'en mal, quand même, mais voilà. Voilà, pourquoi pas, moi ça m'intéresse, surtout Sam Raimi. Voilà, c'est, en fait, c'est, pourquoi on parle de cette news, parce que c'est Sam Raimi qui va réaliser le film, c'est ce que je me disais. Voilà, oui, parce que ce pas, serait, voilà, oui, parce que ce serait Tim Miller qui ferait ça, on dirait, là c'est Sam Raimi, tout de suite, on est doux, hein, étrangement, bah oui, c'est clair. Donc Morgane, est-ce que tu as vu Un Prophète, le film de Jacques Audiard? Qu'est-ce que tu en as pensé rapidement? Et est-ce que ça t'intéresse un remake par Sam Raimi? Alors non, je n'ai pas vu Un Faux Prêtre. D'accord. J'ai fait un anagramme. C'était drôle, c'était coquette. Non, je ne l'ai pas vu et il me tente, il adore l'humour. Il me tente pas. Oh, ouais. J'aime la... mais comment tu sais... Moi le sujet c'est pareil, ça me botte pas des masses en fait. Ouais, moi non plus, et puis je suis pas fan de Tarahim, et puis le côté film carcéral, voilà, ça dure je crois 2h40, je crois, c'est vraiment... Je préfère Orange is the New Black. Voilà. Pardon. Ok. Bref, et donc voilà, le film d'Audiard ne me tente pas, même si Audiard c'est un génie, voilà, faut le dire, voilà. Bon. Oui, mais parce qu'il a réalisé 8 femmes, hein, c'est pour ça, hein. Non, mais... non, c'est François Ozon. Non, pas du tout, c'est François Ozon. Alors, ah oui. C'est... Ouais, je me suis trompé. Ouais. C'est ouais, quoi ? Non, il a fait De Rouille et d'Os qui était. Voilà, très... De Rouille et d'Os. C'est quoi ? Non, mais qu'est-ce que c'est ? Axel, vas-y. Même si Axel se plante sur ses. C'est ouais, quoi, non, ce podcast Leader Price ? Et ça fait 3 heures qu'on enregistre, là, j'en peux plus, mais. Il s'est même plus là, c'est notre. Voilà, ouais, bon. Voilà. Non, bon. Voilà, je me suis trompé, pardon. Vas-y. Non, bon, voilà, je ne suis pas tenté par le film d'Audiard, je ne le regarderai sûrement pas, mais. Si c'est Sam Raimi qui me raconte cette histoire, étrangement, je suis à la fois curieux. Mais et plus tenté heureux. Par le remake. Mais oui, parce que Raimi à la Réal, c'est quelque chose dont je rêvais. Son dernier film, c'était quand même Le Monde Fantastique d'Oz, que j'ai beaucoup aimé. Mm-hmm. Donc ça fait quand même un paquet d'années. Hein. Bah, ouais, 2013. Ça fait 2013, donc ça fait 4 ans qu'il a rien fait. Il a juste réalisé le pilote de la. il a juste réalisé le pilote de la série H versus Evil Dead. Voilà, non, je suis pas spécialement fan, mais j'ai pas encore regardé, mais faudrait que je vois. Mais j'ai en peur. Tout cas, Rémi qui revient, c'est formidable parce que je pensais que Rémi était sans amis maintenant, et en fait, non, on est toujours avec lui, et donc j'ai hâte de voir ça. Et puis, Josh Brolin, vous mettez un film avec Josh Brolin, quand même, j'y vais. Hein. Rappelons que j'ai quand même adoré le remake d'Oldboy hein, par Spike Lee. Ah, ouais, avec Josh ouais, Brolin. Moi, j'en parlais juste avant quand on parlait de Spike Lee, moi j'avais pas du tout aimé. Hein. Enfin, je trouvais que c'était tellement comprendre. En dessous de l'original que... Ah mais oui, largement, mais bon, c'est... voilà. Bref. En tout cas, voilà, j'ai hâte de le voir, j'attends. Rémi revient. Ok. Rémi revient. Adrien, toi, comme tu as vu Un Prophète, du coup. Et ben moi, oui, bah écoute, ouais. Un Prophète, c'est quand même, pour moi, c'est le Midnight Express français. C'est-à-dire que d'accord. C'est un film sur la réalité carcérale, pour le coup, en France, en plus, qui fout les jetons. Vraiment, c'est l'espèce... Moi, les 2h40, je les ai pas sentis passer. Je tiens à le dire quand même, c'est 2h40, mais pour moi, ça passe en, je sais pas, 1h30. Enfin, j'avais l'impression que je trouvais ça très court, en fait. C'est très intéressant, c'est incarné. J'ai jamais vu un film aussi bien joué que ça. Enfin, je veux dire, au niveau carcéral et tout ça, enfin, c'est quelque chose qui te fait ressentir vraiment la réalité de la prison. C'est vraiment très intéressant. Au-delà de ça, un remake, j'étais pas forcément pour. Ouais. Mais un retour de Sam Raimi, quand même. Oui. Le problème, c'est que moi, contrairement à Morgan, pour moi, Le Magicien d'Oz, c'est épouvantable. C'est un film mercantile. Le fantastique monde d'Oz. Oui, pardon, je ne sais même plus. C'était pour moi, c'était irregardable. Je suis très fan de Sam Raimi, mais pour moi, ça, c'était irregardable à tous les niveaux, que ce soit visuellement, dans le fond. Mais c'était Disney, de toute façon. Donc, C'était non, Disney, rien c'était aussi non, Sam Raimi. Non, ouais. Non, mais moi, j'ai pas aimé non plus. Hein. Voilà, moi, c'est que je suis pas fan de Sam Raimi, moi, non. En revanche, juste en enfer. C'était phénoménal. Ouais, oui. Ah non, c'était ah, j'ai détesté moi. J'ai détesté. C'est exceptionnel, ça. Enfin voilà. Ouais. Là, du coup, on a un retour de Sam Raimi, ça devrait me suffire. Qu'il fasse un remake d'Un Prophète, ça m'étonne parce que c'est pas le genre du tout quand même. Il a jamais fait ce genre-là, Sam Raimi, jamais ce genre de film. Bah ouais, non, enfin. Donc bah oui, pourquoi pas, mais ça fait tellement film de commande que forcément j'ai de la méfiance quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, aux États-Unis, ils veulent faire un remake d'un prophète, ils savent pas à qui le filer, ils ont vu sa momie, ils l'ont filé. À mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça m'étonnerait qu'il se soit lui-même intéressé au projet. Mais oh, on va voir. Je suis pas sûr. Bah, attends, Oz, c'était ça quand même. Hein. Oz, il l'a fait parce que Disney lui a demandé, parce qu'il voulait de l'argent. Faut savoir. Hein. Il s'est jamais intéressé à Oz, il l'a dit lui-même. Hein. Oui, donc, mais il a quand même intégré, il a quand même eu sa patte dans le film. Il y a quand même la patte. Hein. Peu, moi, je trouve. Je suis avec Morgan, je défends le film. Oui, rien que la bataille de fin, c'est Evil Dead 3. Hein, c'est... Ouais, clairement. Bref. Je trouve pas. Mais... Voilà, bon, tout ça pour dire que oui, pourquoi pas, dans l'absolu, un remake d'un prophète, ça me tente pas des masses, mais par Sam Raimi, en tout cas, ça éveille ma curiosité. Ok. Eddie. Bon, moi, je suis pas fan de Sam Raimi, donc. Puis j'ai pas vu un prophète, donc du coup. Il a pas vu. Voilà. Il a pas vu. Non, mais moi, c'est vrai qu'à part les Spider-Man, Sam Raimi. Ça t'intéresse pas. Bah, Evil Dead, j'ai pas vu, mais c'est pareil. J'ai même pas cité Spider-Man tout à l'heure, là. Mais... C'est que moi, j'ai peur que ce soit trop gore. Non, c'est pas ma cam. Puis alors, juste qu'en enfer, moi, c'était pas possible. Non, je pense que Evil Dead, ça te plairait pas, en fait. Clairement, c'était clairement pas les films pour toi. Ça plaît pas à tout le monde, c'est clair, de toute façon. Non, non, mais. Mais jusqu'en enfer, non, moi, ça m'a. Ouais, si t'as pas aimé jusqu'en enfer, Evil Dead, c'est pas la peine. Ah non, non, non, c'était horrible, quoi. Le pauvre chat, en plus. Non, non, non. J'adore ça. Ah non, moi, c'est pas possible. Ça m'a traumatisé. J'ai horreur de ça. C'était pas pour moi, je pense. Et je pense que il y a des réalisateurs comme bah ça. Oui, mais clairement, on est pas compatible. Mince, j'oublie son nom. Mais curieusement, c'est bizarre parce que j'adore ces Spider-Man. Ouais, mais c'est clairement pas. Enfin, c'est. Bah oui, c'est sa patte, mais c'est pas. C'est pas dans la veine Evil Dead, mais voilà quoi. Si, il y a des grosses influences Evil Dead. Spider-Man 2, oui, Spider-Man 2, on sait, avec Dr. Octopus, oui, je sais. Non, mais même ce qu'il fait de son Peter Parker, c'est H quoi. Peter Parker, c'est H. Ouais, oui, bien sûr, il en prend plein la gueule, enfin, il s'en prend plein la gueule. Mais si, il procède, il procède, il procède, bah comme Evil Dead 2, il y a beaucoup de second degré en fait. Il fait exactement, il le traite de la même manière. Ash, il le rend ridicule, il le torture, il le fait souffrir et puis à la fin, il l'iconise. C'est exactement ce qu'il fait avec Peter Parker, hein. Je trouve. Et d'ailleurs, j'écoutais justement récemment, je me suis refait tous les Evil Dead, mais avec les commentaires audio de Sam Raimi, parce que c'est très intéressant. Et quand il parlait du 3, il disait ah là à la bataille finale, j'aime pas quand il est trop iconisé parce que je veux qu'il s'en prenne plein la gueule à H. Tu vois, il aime pas trop non plus les personnages qui sont invincibles. Il aime pas trop les héros. Ouais, il aime pas les héros, il aime les traîner dans la boue et ça c'est c'est un truc. C'est bien Sam Raimi, mais c'est vraiment cool. Voilà. Sachant qu'il a aussi fait des films un peu plus simples entre guillemets pour l'amour du jeu. Je voulais dire simple. Un plan simple par exemple, ou pour l'amour du jeu qui est un film de baseball, voilà, mais qui est très bon, mais et qui le film qui clairement de, pas le western, un film intuition non. Non, non, c'est pas non, ça. Non, un western avec Sharon Stone là. Darkman. Non. Non. Mais non, c'est pas un western. Non, un western, c'est mort ou vif. Mort ou vif, ouais. Oui, bah oui, clairement. Mais enfin, tu vois, Sam Raimi, il peut surprendre justement, et moi, non, je voilà, pense que ça, oui, sur que un ça prophète, il peut surprendre parce que il peut passer de Evil Dead à Pour l'amour du jeu, à un film de baseball ou à Spider-Man. Enfin voilà. Il est assez, assez bon dans plusieurs genres, donc voilà. Pourquoi pas. Passons à la suite, un truc, enfin un réalisateur que Kedi aussi déteste, la nouvelle bande-annonce du prochain film de Wes Anderson, Anderson. Wes il Anderson. Déteste Wes Anderson. Ouais, il déteste Wes Anderson. Anderson. Les gars, si Anderson allait ouvrir. Oui, d'accord. Oui, ah oui, oh putain, j'y étais pas là, Morgan. Niveau. Et le problème, c'est qu'il y a même plus de niveau. Ça me fait rire. Allez-y, enchaînez. Bref, c'est gratuit. Hein. Oui, Wes Anderson. Ce qui est bien, c'est que quand Morgan fait une blague, il y en a toujours au moins un qui rigole. Oui. donc, 6 ans après la sortie de Fantastic Mr. Fox, qui était excellent, il revient vers l'animation avec Isle of Dogs, avec un casting juste dingo. Par exemple, Bryan Cranston, Jeff Goldblum, Mike Harrito, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Bill Murray, Edward Norton, Yoko Ono, on sait pas d'où ça sort. Enfin voilà, il y a. Non, c'est cohérent par rapport à son univers. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Frank Wood, enfin voilà, il y a vraiment un casting de dingo, comme pour tous les Wes Anderson, j'ai envie de dire. C'est toujours, ils s'entourent toujours de très bonnes personnes. Là, ça va se passer, en fait, c'est. Sur une île au Japon où ils envoient des chiens puisqu'ils ont apparemment une... Enfin, il y a trop de chiens sur le Japon, donc ils envoient des chiens sur une île et il y a un petit garçon qui va se retrouver sur cette île et qui va partir à la recherche du chien. Mais les chiens parlent anglais alors que le petit japonais parle japonais, donc du coup, ils vont essayer de retrouver ce chien en se comprenant... Enfin, pas par la langue, quoi. Donc voilà. C'est du Wes Anderson tout craché. Moi, je surkiffe. C'est l'humour anglais, c'est le sens de la mise en scène de Wes Anderson qui me plaît beaucoup, voilà, et qui peut déplaire à certaines personnes. Et je comprends parfaitement que ça déplaise à certaines personnes. C'est pas pour tout le monde justement. Et voilà, ça sortira le 11 avril 2018. Et moi, la bande-annonce m'a scotché et c'est beau visuellement. C'est unique. Et là, je pense que personne peut, même Eddie qui n'aime pas, ne peut pas dire la différence, enfin, ne peut pas dire le contraire, c'est vraiment unique, on ne voit pas ça tous les jours. Et clairement, moi, ça me plaît et ça me parle. Voilà. C'est vraiment des films qui me parlent. Et je suis très content qu'il retourne à la stop motion parce que fantastique, Mr. Fox était excellent. Voilà. Adrien. Mais Wes Anderson au Japon, mais enfin, oui, direct, ouais, voilà, enfin, je veux c'est dire, ça, c'est. Ouais. C'est les deux univers extrêmement cinématographiques. Ça peut tout à fait, ça peut faire, et je pense que ça va faire, c'est un chef-d'œuvre, je sais pas comment dire. Wes Anderson, pour moi, c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de Fantastic Mr. Fox, c'est aussi parce que c'est de l'animation, hein, je comprends. Non, mais moi, c'est Wes Anderson, pour moi, c'est Grande Budapest Hotel. Grande Budapest, et aussi Zissou. Enfin, aussi quoi je sais plus le nom en français. L'aventure aquatique ou quelque chose. Oui, voilà, ça je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu Darjeeling, Grand ouais, Budapest voilà. Et Mr. Fox. Ouais, voilà. J'ai moins Darjeeling déjà, mais Grand Budapest, pour moi, c'était un. Grand Budapest, un immense film, vraiment un immense film. Et là, enfin, oui, je veux dire, j'ai même pas besoin, j'ai vu la bande-annonce, mais je veux dire, j'avais même pas besoin de voir la bande-annonce pour savoir que, de toute façon, quel que soit le pitch, quelle que soit l'histoire racontée, Wes Anderson au Japon, c'est une rencontre culturelle qui ne peut que fonctionner pour moi. Ça m'étonnerait vraiment que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, à mon avis, ça va être un univers doux-amer dans cette espèce de société très rigoriste et en même temps très, très libre. Mm-hmm. Donc, quiconque histoire voilà, de chien en monde d'animation, enfin, je veux dire, c'est tout à fait dans les délires doux-amer de Wes Anderson et ça va fonctionner pour moi du tonnerre. Quoi. Ouais, clairement. Clairement. Eddie, est-ce que tu as vu la bande-annonce au moins? J'ai vu 2-3 morceaux et j'ai coupé, ça m'a gonflé. D'accord. Ok, donc ça t'intéresse pas non, mais tout. Non, mais moi j'aime pas, enfin ça m'emmerde quoi, cet univers, j'aime pas, ça me plaît pas quoi, il y a un truc qui me revient pas du tout dans sa manière de faire les miniatures, les maquettes et tout, moi ça me plaît pas du tout. Je trouve ça kitsch au possible. Je trouve ça. J'y dis pas hein, qu'il y a des intentions de réalisation, que c'est pas forcément facile à faire et tout. Mais moi, ça me plaît pas. C'est un rendu qui me laisse froid, quoi. Je trouve que ça me transmet aucune émotion. C'est. Non, ça me plaît pas. Je suis désolé. Hein. Et bah oui, j'avais pas du tout aimé Moonrise Kingdom. J'avais encore moins aimé Grand Budapest. Et du coup, j'ai pas vu les autres, quoi. Et je me disais, peut-être Fantastic Mr. Fox, ça pourrait me plaire, et non. Puis il a un humour qui me plaît pas. Enfin, D'accord. À chaque fois. Même la pub H&M. Quoi ? Même la pub H&M, ça te plaît pas ? Il avait fait une pub H&M qui passait à la télé, je sais pas si tu l'as vu. Ah ou pas. Oui, non, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, non, je suis pas. C'est compliqué en fait, j'arrive pas vraiment à mettre deux mots là-dessus. Ouais, ça te plaît pas visuellement, c'est tout. C'est... Ouais, visuellement, et puis même ses histoires, je trouve qu'il en fait beaucoup pour raconter grand-chose. Un Grand Budapest, c'était laborieux quand même. Hein. Je suis pas d'accord. Moi, je me suis fait chier. Tout ça pour ça, quoi. Enfin, je me suis dit, ouais, bon, bah, c'est bien. Enfin, si t'as envie de raconter des histoires... comme ça, bah, c'est bien, mais c'est pas pour moi. Quoi. Donc tant pis, hein, bah je oui, fais partie mais... de ceux qui aiment pas, il oui, y en a pas beaucoup. Voilà. Moi, c'est un réalisateur qui me parle pas du tout, j'aime pas son côté dandy coincé. Là. Coincé, pas si coincé, je sais, mais non, c'est, j'aime pas. C'est maniéré et tout, ça me plaît pas. Après, okay. Après, j'aime bien Xavier Dolan, c'est maniéré aussi, mais voilà. C'est... Mais c'est différent, hein. c'est pas la voilà, chose. Mais oui, ça me parle c'est... plus déjà. Mais oui, non, mais je veux dire, il y a des tics de réalisation qu'on accepte chez certains et qu'on n'accepte pas chez d'autres. Mais clairement, donc, oui, bien sûr, mais voilà. Bien sûr, c'est certain. Donc, non, je n'attends pas ce film. Parce qu'en plus, je sais que je suis sûr qu'il va buter la moitié des chiens qu'il y aura dans le film. vu qu'à chaque fois, il bute un animal dans un de ses films, enfin, dans les deux que j'ai vus, de toute façon, ils y passaient. C'est toujours un chien, d'ailleurs, il faut savoir. Ouais. Un chien ou un chat aussi, non, Grand Budapest Hotel. Parce... le chat de Goldblum. C'est justement parce que la légende du cinéma. Cinéma veut que si tu tues un chien, le film partira enfin ne marchera pas. En fait, c'est une vieille légende hollywoodienne de merde. Ah bon ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Hashtag Apocalypse Now. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà, si tu tues un chien, le film ne fonctionnera pas. Donc voilà. Morgane, toi, je connais pas trop ton avis sur Wes Anderson. Sur Wes Anderson, je suis pas un grand fan. Non, enfin. Pas là à l'aduler, je suis pas là à le détester non plus. Non, on n'a pas entendu la suite. J'ai vu Moonrise Kingdom qui m'avait semblé très beau, ouais. Mais oui. J'étais pas rentré dans le délire en fait. Je trouvais que c'était un délire D'accord. qui était trop. C'était un trop gros délire pour moi. J'avais pas adhéré à l'univers donc je m'étais dit. Mais c'est un peu comme Terrence Malick finalement. Si on aime ou on déteste. C'est quoi. Ça, clairement. Mais en revanche, réalisateurs comme ça. En revanche, Moonrise Kingdom, mais The Grand Budapest Hotel a été un plaisir énorme au cinéma. Une grosse, ouais. grosse surprise parce que j'avais juste en mémoire Moonrise Kingdom et je me suis dit si c'est la même cam, honnêtement, ça va m'emmerder vite. Et j'ai été totalement emporté par cette façon de raconter cette histoire qui, effectivement, n'est pas non plus, c'est pas non plus un gros truc, mais je trouve qu'il en parle avec énormément de poésie, de charme, de folie. Et c'est tellement un cinéma à part que du coup, ça me séduit. Mmh. Et visuellement, c'était magnifique, quoi. Vraiment, c'est ce ouais, côté ouais. un peu carton-pâte, maquette et tout. Ah, c'était, voilà. c'était vraiment tout vraiment, ce que moi j'aime vraiment pas. Top. Ah ouais, non, mais je peux comprendre. Hein. donc, oui, voilà. Donc. J'irai voir celui-là, en fait. Mais j'ai pas vu la bande-annonce par contre, donc j'ai dû vous écouter pour savoir. D'accord. Pour savoir ce que le film allait raconter. De quoi ça parlait. Voilà, ouais. mais bon, le Japon. Wes non mais Anderson, juste Japon, Wes Anderson, c'est. Oui, ouais, oui, non mais oui, c'est juste peut... la rencontre parfaite. Son... Hein. Voilà, il est dans son élément, et il peut pousser très loin son imaginaire. Autant un cinéaste comme Michel Gondry, franchement, ce gars-là, je trouve qu'il part trop loin et ça me perd et tous ses films. Mais alors, je pense que Wes Anderson, tout dépend du casting. Enfin, tout dépend du casting, en général, tout dépend de son casting, tout dépend de son propos, tout dépend de voilà. Mais il a quand même il y a une grâce, il y a un charme quand même, je trouve. Même mm-hmm. Moonrise Kingdom, qui m'avait pas passionné par ce qu'il racontait, je trouvais que c'était sympa. Ouais, c'était charmant. Mais c'est vrai, moi c'est un film que j'attends beaucoup. Moi, j'adore Wes Anderson. J'ai pas vu les premiers films en fait de Wes Anderson. Mais ce sera prochainement. Je les verrai prochainement. Mais voilà, ouais, c'est toujours un réalisateur qui me surprend et que j'adore le plus de films que je regarde de lui, plus j'aime. Donc voilà, moi c'est juste aussi et comme j'adore le Japon aussi, c'est la rencontre parfaite comme on disait. Donc voilà, on va passer à la dernière news. enfin, donc. La dernière news c'est sur ça, le film Hit, voilà. On en parlera plus, on parlera plus de nos avis dans le prochain Movies Nerd, mais c'est pas une surprise de savoir qu'il y aura une deuxième suite, enfin qu'il y aura une suite, puisque même le téléfilm ça avait deux parties. Donc voilà, et il y a une date qui a été annoncée pour le 6 septembre 2019 aux États-Unis pour l'instant, mais pas de date française, mais on s'imagine que ce sera dans cette période-là à peu près. Voilà, alors on va pas vraiment donner nos avis, enfin voilà, rapidement, mais pas complètement donner nos avis pour ceux qui ont vu le film, ça. Mais est-ce que vous, ceux qui l'ont vu, vous êtes impatients de voir la suite? Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Adrien. Toi, tu l'as vu ce matin en plus. Eh ben écoute, ouais, exactement, je l'ai vu ce matin. Mais bah oui, je dirais que oui, parce que j'étais. Moi, je partais vraiment avec zéro attente, je déteste le téléfilm original. Mm-hmm. Et, ah oui ah, je déteste oui, c'est vrai. Ça. Et donc j'y suis allé vraiment avec aucune attente. J'y suis allé juste plus ou moins parce que ça, on en parlait et aussi parce que c'était réalisé par Muccietti qui avait quand même réalisé Mama. Donc pour moi Oui. c'était pas rien. C'est quand même un beau petit film. Donc là Mama, j'y oui, suis allé. oui. C'était clairement très long. Je veux dire 2h30, vraiment c'est très très long. Mais il y avait des idées visuellement. En fait ça faisait jamais peur, c'est ça le problème. Mais il y avait des idées visuellement. C'était un film qui avait quand même une réalisation, quelques idées, ce genre de choses. Je dis pas que j'attends le film suivant, je pense que je l'aurai déjà oublié demain, donc je peux pas dire que j'attends, alors sachant qu'il arrive en plus en 2019. C'est bien qu'ils prennent leur temps pour le faire, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que moi j'avais peur qu'ils nous enquillent avec le tournage cette année pour une sortie en 2018 et ça m'aurait pas plu, donc 2019 c'est bien, ils se laissent le temps, mais d'ici là je pense que tout sera retombé quoi. Ouais, Donc clairement. j'ai juste un peu peur qu'en 2019, quand ça sorte, bah ça fasse pas grand bruit et que ça fasse pas du tout l'argent invraisemblable que ça fait en ce moment. Parce que c'est un record pour un film d'horreur. Là, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu un argent pareil. Je crois qu'on est à 800 millions de dollars maintenant. Ouais, ça C'est fait peur, énorme hein. pour un film d'horreur en Et ce ça moment. fait C'est vraiment assez peur. Ça fait vraiment peur, tu dingue, oui, quand vois. Ouais, même. mais De je voir comprends pas que. que c'est ça, c'est pour moi, c'est comme Avatar, c'est comme machin, c'est des films, pour moi, c'est l'incompréhension. Comment ça se fait que sur un concept qui est soit original, soit qui a quand même des années. Que ça fonctionne aussi bien, quoi. Je veux dire, c'est très étonnant. Et donc voilà, moi je l'ai vu ce matin, ça faisait pas très peur, Marketing, le clown et la la coulrophobie, coulrophobie. c'est devenu monnaie courante et c'est devenu limite un. C'est un truc dont les Oui, gens en fait c'est se devenu vantent. impensif, mais là ils ont vraiment fait revenir un vieux Voilà. mythe, quoi. Et donc je trouve qu'il y avait de l'idée quand même. Donc moi pourquoi pas? J'étais agréablement surpris quand j'ai vu ce matin, même si clairement je l'aurais oublié demain, donc pourquoi pas. Ouais, ok. Morgane? Est-ce que je l'attends? Clairement non, parce que, enfin Ouais. voilà, vous avez entendu un peu mon avis en début de podcast. Je n'ai pas vraiment aimé ça, et je déteste. Bon, je déteste aussi le téléfilm, hein, mais bon, voilà. Maintenant, c'est bien de Toi, prendre t'as le temps. préféré le film, du coup? J'ai préféré le film parce qu'il a plus de qualité objective, mais voilà, il a des gros Plus de problèmes. qualité quoi? Objective. Objective, il a quand D'accord. même des plus grosses qualités et tout, et même des qualités voilà que j'ai vues qui sont évidentes. En termes de mise en scène, l'autre c'était même pas du cinéma, c'était Ouais, passé par c'était un du téléfilm en plus téléfilm, vraiment. Donc c'était du téléfilm. ouais, mais dans le problème de celui-là, c'est ça, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film qui fait C'est peur. Le vrai, but c'est d'un pas un film film d'horreur, d'horreur, ça je c'est suis que ça d'accord. fasse peur, et honnêtement, voilà le C'est coup mal qui est vendu tête en de fait, parce que félin, Muccietti aime on pas est faire de d'accord. l'horreur non plus, donc c'est mal vendu en fait. Oui, mais Hein. Mama a quand même instauré un climat d'angoisse que là, il n'y a pas du tout. Dès la première scène, c'est raté. Et en plus de ça, enfin voilà, puis même le clown, On franchement, il a. rigole. Ah On oui, non rigole. mais Ah oui, on on rigole, oui, rigole. on rigole vraiment. Le film est Ouais. drôle, mais on en reparlera. En tout cas, sur ça, je pense par contre qu'on aura un casting de tarés. Parce que comme Ah oui, c'est un bah film très clairement. rentable, alors Ouais. les gens fantasment un peu sur Jessica Chastain, surtout qu'elle a joué dans Mama, donc apparemment peut-être qu'elle jouerait la Beverly. Oui, mais c'est hors Je sujet, Ouais. elle lui ressemble pas. pas. Je ne suis pas vraiment. Voilà. J'ai lu un tweet d'un certain Tanguy à qui je fais un gros bisou, qui avait dit arrêtez, il y en a une que je vois, c'est Amy Adams. Et il a raison. Je Non vois plus, trop. non plus. Moi, j'aimerais bien que ce soit une actrice pas connue, moi. Ouais, comme ils ont fait pour les enfants, c'est pas des acteurs super connus Tout à et c'est fait. très Sauf bien. le Sauf le gamin de bah, Stranger Things, mais. ouais, Qui est c'est ça. d'ailleurs génial dans le film. Enfin bon. Ouais, Mais qui est bizarrement très bon, j'étais surpris. voilà. Et donc, je pense qu'on aura un beau casting. Je sais qu'il y a Chris Pratt, là, le nom revient souvent pour jouer l'acteur qui. Enfin, le personnage Chris Pratt. du petit obèse, là, et tout. Taré, les gens. Non, mais Voilà. sérieux. Non, mais attendez, quoi. Non, mais pourquoi pas, mais je pense qu'on aura un beau casting, et c'est Non, mais peut-être ça qui Chris va me rendre Pratt. curieux. Et Non, mais c'est peut-être arrêtez avec juste Chris de... Pratt dans des Non, mais films. juste de l'imaginer comme ça. Non, Mais bon, ouais. après, ce sera, je pense, le casting qui va déterminer si j'attends le film. Enfin, là, dans l'absolu, je ne l'attends pas pour voir la suite, mais plutôt pour voir le casting qu'ils vont nous coller, parce que je Ouais, moi c'est pense pour voir la que. suite. Voilà. Je pense que ce sera le casting qui va déterminer ça, mais honnêtement, je suis tellement pas fan du Du ouais, du ouais. ouais. Voilà. Ok. Edito, tu l'as pas vu, alors je pense pas que tu as vraiment d'attente pour l'instant, mais je vais quand même te Non, bah demander. moi j'attends surtout de le découvrir, quoi. Ouais. Ça me fait chier parce qu'il est pas programmé, puis il est pas prévu. Ah merde. Ah merde, merde. Et c'est con parce que Bah. maintenant que j'ai vu le téléfilm, T'as envie j'aimerais de bien voir. voir Ouais. le. Bah oui. Ouais, bah oui, c'est clair. Donc bon. C'est clair, c'est. Parce que j'ai pas détesté hein, le téléfilm. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, mais. Ouais. Enfin, je l'ai Ah, pas t'as vu, pas mais. détesté, toi? Non, j'ai pas détesté. Il y a des. Enfin, Tim Curry est tellement bon aussi que c'est compliqué, mais. Ouf. Ah, oh, si, quand même, attends. Ouais. Si. C'est. Ouais. Moi je trouve. Hein. Mais non, moi j'attends quoi de le voir maintenant. Mais bon. Ouais. C'est ouais. Comme ça. Hein. Bon. Les joies de la campagne. Ouais. Ouais c'est non mais c'est clair. Mais moi j'ai eu de la chance. Mais pourtant je me dis avec le succès qu'il a, il devrait pouvoir nous le programmer. Bah oui. Rien du tout. Que chi. Alors, moi personnellement, j'ai pas, enfin, voilà, vous avez à peu près mon avis sur ça, mais je le développerai beaucoup plus dans le prochain Movies Nerd. C'est clairement un film où j'attendais pas grand-chose et j'en suis sorti à peu près surpris, mais pas vraiment en fait. Plus j'y repense, plus je me dis, bah, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, ça c'est pour faire rapide, mais une suite, enfin de toute façon, la suite c'était obligatoire puisque. Puisqu'il y a deux, deux parties, oui. Puisqu'il y a deux Est-ce que là, ils se concentrent que sur l'enfance, hein, pas sur on ne voit pas les adultes. Ouais, il n'y a pas de flashback comme dans le téléfilm. J'ai pas vu le téléfilm, mais j'ai vu. Au début, j'ai cru qu'il l'ait foutu à l'envers, HDR. Mais j'ai vu. Mais ça commence avec des adultes. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils nous font, là. J'ai vu des extraits, justement, et bon, voilà, le téléfilm, je ne l'ai pas vu, mais ça ne me donne vraiment pas envie. Voilà. La fin, elle est toute pétée, hein, je suis d'accord. Hein. voilà. Je sais que c'est à peu près. Enfin, c'est avec l'araignée et tout ça, machin, c'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est ridicule. C'est débile. Hein. Ouais, non, mais j'ai vu des images, j'arrivais pas. Même. Ah, oui, non, c'est nul, c'est nul. Ouais. Franchement, c'est nul. Donc le roman, quand on en parlait, je sais plus, dans un premier cinéma, il y a bien longtemps, j'ai dit que je l'avais lu, mais ça faisait très longtemps. Et je les ai relus pendant cet été, et en fait, c'est vraiment un des pires romans de Kim, quoi. Ah bon ? Ah, c'est vraiment pas terrible, c'est mauvais, c'est tout ce que tu. Enfin. Tout ce qu'il y a de mauvais chez Kim. J'en ai eu que des bons échos, par contre, du roman. Tous les clichés, c'est à peu près ce qu'il y a dans le film, quoi. C'est vraiment pas terrible. Donc voilà, le roman est pas terrible, et là, la suite, je l'attends pas, quoi. Enfin, je pense que j'irai le voir. Parce que j'ai vu le premier et que je suis quand même intéressé de voir comment ils vont s'en sortir, surtout avec les imageries qui devraient sortir à la fin. Là, normalement, il y a une araignée et tout ça. Enfin, voilà, ça va être complètement n'importe quoi. Alors, je sais pas s'ils vont réussir à en faire quelque chose de crédible dans cette suite, mais voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est même pas sûr qu'il y ait une araignée, parce qu'apparemment, l'araignée, c'était... C'était la seule manière à peu près qu'ils avaient de montrer la forme de ça, ouais, ce ouais, change de forme. Ça, ouais. En fait. Oui, là, moi, je pense que Mulchetti, pour le coup, il peut avoir des idées intéressantes pour montrer la forme de ça. Moi, je pense pas qu'ils mettent une araignée. Hein. Non, on a vu. Apparemment, c'est que déjà, c'était ça, très compliqué à adapter, la fin. Ouais, j'espère, en tout cas, parce que c'est vraiment pas terrible. Ils vont mettre un portefeuille. voilà, parfait. Parce que putain, mais quel nom. Mais c'est nul. Bref, passons à autre chose. C'est la fin. Portefeuille enfin. Avec un mouchoir, il a la grippe sous. C'est vraiment qu'on a. Ça fait 3 heures. Je sais même pas comment il supporte. 3h30 qu'on enregistre. Donc voilà, on va finir cette émission, s'il te plaît, Morgan. Mais c'est le kiné, il m'a retourné le cerveau, je crois. Oui, c'est clair. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'à cette fin. Cette fin aussi décevante que Hit, j'imagine. Bon. Voilà. Pardon. Sans bail, moi je suis fatigué. On a trop travaillé. Donc voilà. Vous pouvez retrouver toutes nos critiques et tous nos podcasts et émissions sur moviesnerd.net. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, c'est moviesnerd tout court. Et Twitter, c'est movies_nerd. Vous pouvez noter le podcast Parlons Cinéma sur iTunes et PodCloud. Ça nous permet de monter dans les classements. Moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Twitter, TheLexal et Sens Critique aussi, TheLexal, THELEXAL. Et je voulais rapidement faire la pub pour un site pour lequel Morgane, pas notre Morgane de notre podcast, mais l'autre Morgane du site, travaille aussi. Je connais. Et où je me suis inscrit il y a quelques jours. Je suis inscrit et aussi. Je suis devenu assez accro. Oui, c'est vrai, ouais. C'est un petit peu addictif. C'est très addictif. Donc top250.fr, je vous invite à aller dessus parce que c'est vraiment des gens très sympas. J'ai pu parler un peu avec eux aussi. C'est un beau projet. C'est un genre de sens critique, mais en plus, ça permet de voir. Il y a des, il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas sur Sens Critique, genre le temps que vous avez passé à regarder des films, et ça c'est très intéressant à voir. Moi je préfère pas savoir. Ça fait des statistiques et moi j'aime beaucoup ce genre de statistiques, donc c'est en plus ça fait des graphiques très jolis, donc j'aime les chiffres, ça permet de se rendre compte. Voilà, c'est ça, donc voilà, donc top250.fr, allez-y, c'est vraiment très bien, donc, et vous pouvez me suivre là-bas, The Lexal, et je note aussi les films comme sur Sens Critique maintenant. Voilà, je vais laisser la parole à Eddy. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur... Alors, sur Sens Critique, sur Facebook, ouais, et sur Movies Nerd, Eastark. Parfait. Adrien, le king du podcast. Ouais. Bon alors ouais, vous pouvez me retrouver en audio sur... c'est vraiment la fin. C'est dur. Non, c'est dur parce que c'est la fin. Vous pouvez me retrouver en audio et en technicolor. Mais tu rigoles, mais je parle comme ça pour dans mon émission. Non, pas du tout. Vous pouvez me retrouver en audio sur Four Horsemen Podcast où on parle de cinéma. Sur Serial Causeur, on parle de séries. Vous pouvez me retrouver par écrit sur smallthings.fr et sur Twitter, @zforstuff. Voilà, tout sera dans les liens de l'émission, bien sûr. Morgane. C'est vous qui voyez. Est-ce que c'est aussi limpide que le train pour Pau quand il dit on me retrouve ici, c'est ça clair. Parle de séries, ici on parle de films, ici on parle de littérature, c'est oulala. Alors moi, vous pouvez me retrouver. Il y en a qui ont eu des problèmes. Voilà. Vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, @CinéMorgan, sur Sens Critique, Cinémaniac, sur Vodcaster Cinémaniac et sur Facebook, Morgan Sheridan. Voilà. Parfait. C'est pas mon voilà. De famille. Hein. bientôt. Ouais, c'est en cours. C'est prévu. Il y a des problèmes au niveau des papiers, mais sinon ça va. Donc, voilà, merci connard encore d'avoir écouté. C'est sûrement, je pense que ça va faire au moins 3 heures, même plus, au niveau du montage. Donc, voilà, on verra bien. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à vous trois d'avoir participé. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain Parlons Cinéma. Ciao. Au revoir. Salut. Au revoir.